Bonsoir à tous, bienvenue dans Upcast numéro 30, Upcast que nous enregistrons le 17 mai 2016. Je suis en compagnie bonsoir de Grégoire. Bonsoir à tous. De Julien. Salut à tous. Et de Dîmes. Deuxième. Hein. C'est deuxième, faut dire aux gens que c'est la deuxième fois qu'on enregistre cette intro. C'est pour on ça va le dire tout de suite. Super vite parce que j'en ai marre d'enregistrer trois fois les mêmes choses. Voilà, donc bon. On a eu un petit souci technique, Dîmes qui nous a raccroché au nez. Hein. Futur ouais, plaisir. Ouais. D'où l'hilarité générale, hein, pas tellement justifiée par la situation, mais bon, oui, pourquoi c'est pas. Pas grave. Ce Upcast, pour ceux qui ne connaîtraient toujours pas, honte à vous déjà, c'est un podcast où on parle de divertissement, on parle de jeux vidéo, on parle de technologie, tout ça dans la bonne humeur, comme vous avez pu le voir. Et nous allons commencer par parler, non, d'abord des commentaires. Oui, on va remercier à ceux qui ont fait des commentaires, voilà, pour quelques commentaires sur notre site pour réagir notamment à notre beaufitude généralisée, parce que Julien avait fait une sorte de quiz musical et on n'a pas réussi à trouver beaucoup de choses à part la musique française, nous dit Stéphano, je crois. Non, dit. C'est J-Bob FR. J-Bob FR qui se fout de notre gueule hein, dans les commentaires. Donc J-Bob FR est officiellement proscrit. Donc plus de commentaires pour toi, J-Bob FR. Merci, je vais bloquer ton adresse IP. Ah, voilà. Pas gentil de nous traiter de beauf quand même. Et si un petit commentaire qui était assez intéressant de Di Stefano sur la carrière de Prince, on avait abordé ça dans le podcast précédent. Voilà, Di Stefano qui complète ça. Je vous invite à aller voir ça sur upcast.fr si vous voulez un petit peu savoir ce que Di Stefano a rajouté comme information sur la façon dont Prince gérait sa carrière et ses droits d'auteur. Donc voilà, merci à tous pour vos commentaires. Et puis je signale au passage que bah, si vous voulez, on fait gagner un petit amiibo pour allez, ce podcast. Hop, on est comme ça. Donc c'est l'amiibo Lucario. C'est comme ça que ça se dit, je pense. C'est comme ça. Lucario, hein, l'amiibo numéro 21 à gagner dans Upcast. Et pour ça, il suffira de venir faire un petit commentaire bah, dans le numéro 30 du coup d'Upcast. Vous venez faire un commentaire, vous dites si vous êtes intéressé par cet amiibo. S'il y a plusieurs personnes, on fera un petit tirage au sort entre les commentaires qui ont manifesté donc, un intérêt. Un commentaire sur upcast.fr. Voilà. Ok, super, merci Grégoire. Et ainsi, on va pouvoir lancer la rubrique divertissement. La rubrique divertissement, nous allons commencer par un débat. Oui, ça va amener un débat. C'est un débat qui nous a été proposé par un certain Dim. Qui tient à garder son anonymat. Dim de l'Est. Qui est-ce voilà, qui est-ce hein. Donc Julien, tu vas nous lancer un peu les grandes idées du débat, puis Dim va renchérir, c'est ça? Ouais, parce qu'on s'est dit, on l'avait un peu retardé, parce qu'on voulait attendre que ça soit dans l'actualité, hein, pour faire un peu le buzz, pour que ce débat voilà, vienne dans les trending topics de l'Internet. Et en fait, voilà, parce qu'il y a le film de World of Warcraft qui va sortir, Warcraft, et on a vu aussi la mise en ligne du trailer Assassin's Creed, le film. Et voilà, on a pensé que c'était le bon moment pour faire un débat sur les liaisons assez dangereuses qu'entretiennent le cinéma et les jeux vidéo. Alors pour expliquer plus clairement ce dont on va parler et ce dont on va débattre, c'est pas du tout un débat sur l'influence du cinéma dans le jeu vidéo, parce que là on est vraiment dans la partie de divertissement, donc on va moins parler jeux vidéo mais plus parler cinéma, ni sur finalement les adaptations d'œuvres cinématographiques en jeux vidéo, ça pourrait le faire l'objet bah, d'un autre débat, hein, c'est aussi le cas, il y a eu quand même des... Peut-être c'est d'ailleurs, ça sera peut-être un débat avec plus de qualité j'ai envie de dire, il y a peut-être eu de meilleurs jeux qu'on va le voir là pour les films, mais pour le coup c'est un débat sur les adaptations cinématographiques de jeux vidéo, ce qui nous permettra de parler de chefs-d'œuvre tels que Super Mario Bros, Street Fighter le film, voilà. Que des grands chefs-d'œuvre. Que des chefs-d'œuvre, voilà. Donc la première question, on va tout de suite attaquer sans attendre, et je vais mettre plutôt les pieds dans le plat, puisque la première question, c'est finalement, je me suis demandé pourquoi les adaptations cinéma de jeux vidéo ont toujours été, jusqu'à aujourd'hui, hein, on va dire jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on pourrait avoir quand même confiance en l'avenir, mauvaises, ratées, voire franchement ridicules. Donc bah voilà, nous ça a commencé je crois les adaptations enfin de jeux vidéo. J'ai pas regardé les dates, je sais pas si Dim t'as les dates du premier film qui a adapté du jeu vidéo, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est voilà fin des années 80, 90. Ouais. C'est peut-être même Super Mario qui a lancé le bal. C'est 1993 Super Mario Bros en film hein, pour info. Et c'est vrai qu'on a tout de suite commencé dans le vif du sujet, j'ai envie de dire, avec un film d'une grande qualité. Ah, on a tout de suite tapé dans le lourd. Alors moi, je l'ai vu que quand j'étais petit, donc je m'en souviens assez mal, je me souviens pas d'un très bon film. Il a une réputation d'être assez quand même catastrophique, ce film. Mais c'est vrai que déjà à l'époque, les films, les adaptations de jeux vidéo en film commençaient mal, on va dire. Et ont mal continué par la suite. Hein. On a eu quand même pas mal de films de mauvaise qualité. Enfin, c'est en tout cas la réputation que ça se traîne. Tu demandais pourquoi. Moi, je répondrais. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, la piste qui me semble, moi, c'était un peu la facilité, la fainéantise peut-être des producteurs qui se disent bon, les gens ils connaissent Super Mario, on va se faire de l'argent facile. C'est un nom connu. Et du coup, après, on met pas tellement d'efforts pour faire quelque chose avec ce matériau de base. Et on fait, en gros, on fait un casting qui va à peu près bien, des noms à peu près connus, et on écrit l'histoire sur le dos d'un ticket de métro, et puis boum, on met un mec un peu bourré derrière la caméra, et c'est parti, quoi. C'est un peu ça le principe pour moi. Moi, je le vois comme ça. Enfin, principalement, pour moi, l'échec de tous ces films, ça a été un peu la fainéantise de... C'est exactement ça, je pense, même. Enfin, même pour Super Mario, voilà, quoi, ils sont vraiment tablés sur la franchise la plus connue de l'époque, bon, peut-être même la franchise encore la plus connue actuellement. Et bah même l'acteur principal qui jouait Mario, Bob Hopkins, si je dis pas de bêtises, lui à l'époque du tournage, je crois qu'il a su que c'était une adaptation de jeu vidéo après le tournage du film, quoi, pendant la sortie. il l'a appris pendant le marketing, on va dire. Donc. Et alors moi l'anecdote que j'ai lue, c'est que apparemment les deux acteurs dont Bob Hopkins étaient constamment bourrés pendant le film. En fait ils avaient tellement l'impression ils se rendaient compte que c'était une nullité vraiment abyssale et ils étaient bourrés tout le temps. Ça aide pas. On peut pas leur en vouloir, hein, ce film. Il fallait bien supporter. On recommande aux spectateurs de le visionner dans le même état que les acteurs dans le tournage, d'ailleurs. Hein, si mais alors, justement, je vais faire un peu l'avocat du diable. Greg en parlait. Alors, tu parlais surtout finalement que les mecs qui les adaptaient, ils s'en foutaient un peu du matériau d'origine. Mais finalement, est-ce que le matériau d'origine, à l'époque, il était adaptable en film? On parle de Super Mario. Je pense que tout le monde ici qui écoute le podcast a joué quand même à Super Mario. Voilà, tu y joues pour le gameplay, pour les mécaniques, pour l'interactivité. Pas pour l'histoire. L'univers, c'est pas un univers hyper développé et c'est pas un univers où tu te dis, tiens, là il y a une passerelle entre jeux vidéo et cinéma. C'est clair que les mecs auraient dû s'arrêter en se disant, attends, le pitch de Super Mario, c'est quand même un plombier qui va combattre une espèce de tortue ou de monstre carapace, voilà, avec des carapaces. Ils auraient dû se dire, est-ce qu'un plombier qui va combattre des monstres un peu imaginaires ou fantastiques comme ça, est-ce que déjà il y a matière à faire quelque chose? Est-ce que déjà il y a un héros dans lequel les gens ont envie de s'identifier et envie de se projeter? Parce que c'est aussi ça le cinéma, t'as envie de t'attacher à un héros et de te projeter dans lui. Bah est-ce que déjà avec un plombier comme ça, en plus on en respecte, tu vois, en prenant aucun recul, c'est-à-dire en lui mettant sa salopette rouge, en respectant presque trop volontairement, peut-être trop fortement les codes du jeu vidéo. Alors quelqu'un pourrait dire, bah c'est bien, ils ont essayé d'être fidèles. Après justement, c'est peut-être l'intérêt d'un film comme ça, c'est de pas être forcément trop fidèle au matériau de base. Bah déjà c'est vrai qu'avec cette première adaptation, on va dire que les bases étaient mal mises et déjà le problème était mal réfléchi à la base. Il n'y avait plus une volonté de faire un film d'un jeu vidéo, il y avait juste la volonté de faire des images qui ressemblaient à un jeu vidéo sans se poser la question de est-ce qu'il y a une matière à faire un film derrière. Enfin voilà, j'ai l'impression quoi. Le fait qu'il soit plombier, ça constitue pas un élément important de Super Mario, quoi. Non, c'est pas. C'est surtout même la moustache, on sait qu'il avait une moustache parce que finalement pour les différencier les deux avec les pixels, c'était plus simple de faire une moustache. C'était aussi pour virer ouais, les cheveux. La couleur et tout pour virer les cheveux parce que c'était dur à faire à l'époque. Donc voilà, après tu te retrouves avec un mec une espèce de plombier italien. C'est quand même voilà, je pense que le matériau de base et même à l'époque, on peut parler même des films de même époque, Street Fighter. Personne a joué un Street Fighter pour savoir l'histoire. Voilà. Bah c'est ça, c'est qu'il se basait sur une volonté en fait de se dire que avant tout le nom était connu, Street Fighter était connu, avait une bonne rentabilité en termes de jeux vidéo, c'est des jeux qui se vendaient très bien à l'époque, hein, Mario, Street Fighter, etc. Ils se sont dit bon bah on aura forcément une part du public qui va au moins acheter des places pour venir voir notre truc ou voir des DVD, enfin des cassettes à l'époque après. Ils comptaient sur ce marché-là. Maintenant, c'est vrai que je me demande encore maintenant comment ils pouvaient se dire, bah ok, ça va passer. Il y a pas vraiment d'histoire, mais tant pis, on tente le coup. Après, pour Mario aussi à l'époque, ce qu'il faut se souvenir, c'est que le film, il était quand même, c'était un très gros budget. Et c'était vraiment bien fait pour l'époque. Il y avait déjà des images de synthèse, des dinosaures. Vraiment bien fait, c'était style je crois un an ou deux avant la sortie de Jurassic Park et c'était aussi un peu présenté comme une vitrine technologique et pour Street Fighter aussi ce qui a pas mal là où ils avaient fait beaucoup de marketing et de promo c'était sur le réalisateur qui avait travaillé entre autres sur Piège de cristal, et c'était quand même un grand nom des films d'action de l'époque. Ouais, et puis il faut préciser qu'à l'époque, Jean-Claude Van Damme, c'était quand même une star du film d'action. C'était une méga star. C'était une méga star. Donc là, aujourd'hui, on en rigole parce qu'il est quand même il est devenu. Bon, à l'époque, on en rigolait aussi, mais il était. Non, mais c'est vrai, quand tu voyais Universal Soldier, tu pouvais qu'en rigoler. Quoi. Je veux dire, c'est juste pas possible. Mais disons qu'à l'époque, il était hyper bankable, il était. Voilà, c'était un gros nom pour. Il y avait Kylie Minogue dedans, d'ailleurs, il me semble, dans le film. Voilà, il y avait quand même des. Un acteur qui pouvait porter le film. Moi, je me rappelle d'une citation de Van Damme à l'époque, quand il faisait la promo du film. comme quoi il disait que c'était un film qui allait révolutionner toute l'industrie du cinéma et tout. Donc c'était le nouveau chef-d'œuvre, on va dire. Bah, pour Super Mario, c'était l'alcool, lui, c'était la coke. Hein. Peut-être ça aussi. Hein. Il a révolutionné les standards des mauvais films, quand même. Il a mis des crans vers les plus mauvais films possibles. Tu vois. Ouais, ouais. Ça dit qu'est-ce qu'on peut faire pire je maintenant. Je suis pas forcément d'accord, parce que bon, j'ai fait un petit listing, hein, j'en reparlerai tout à l'heure. Ouais, mais on fera un petit panorama. Il y a bien pire, ouais. Malheureusement, il y a bien pire. Mais c'est vrai que t'as l'impression que c'est. Un mélange entre de l'envie d'en profiter, profiter d'un nom, profiter d'une situation, et puis quelque chose de précipité aussi. Tu vois, il n'y a pas de réflexion derrière, il n'y a pas de se dire, les gars, on se pose 5 minutes, on se dit, on va essayer de trouver une vraie histoire. Il n'y a pas de vision d'auteur, on fait ça, voilà, on fait ça le plus vite possible. Le jeu Mario sort, on sort notre film en même temps, dans les 3 mois si possible, on le tourne hyper vite, on fait une merde, on fait une merde pas possible et on le sort, quoi. Et c'est du hit and run, comme on appelle ça comme stratégie dans le marketing. Ouais. Hein. C'est, tu sors un truc, tu fais plein d'argent et c'est rentabilisé en 2 semaines. Quoi. Et on en parlait tout à l'heure rapidement en antenne avec Dim, mais finalement tu me parlais de la citation de Duncan Jones. Et voilà, ouais. Je ne sais pas si tu peux la citer parce qu'elle vient dans une méconnaissance du jeu vidéo. Bah disons, ouais, voilà, ouais, depuis tout à l'heure, on cite que des producteurs ou des réalisateurs qui n'ont aucune connaissance du jeu vidéo. Et en fait, Duncan Jones, donc le réalisateur de Warcraft, hein, je rappelle, a eu des déclarations qui se veut plus rassurantes sur le sujet. Donc je vais vous la lire. Donc ça implique plusieurs choses. Déjà, rappelons qu'on avait l'habitude de dire la même chose des films de super-héros. Il aura fallu une génération de réalisateurs qui les aiment et qui avaient grandi avec pour faire des films qui peuvent enfin vous toucher, vous intéresser. Je pense que c'est la même chose avec les films de jeux vidéo. Je fais absolument partie de la génération jeux vidéo et ayant commencé ma carrière de gamer avec Atari, Commodore 64 et l'Amiga. Dans mon cœur, je suis un gamer et je l'ai toujours été et je suis aussi un réalisateur. Je pense que mes sensibilités quant à la narration et à la création de personnages s'inspirent naturellement du jeu vidéo. Pour moi, ça ne dépend pas tellement du matériau de base. Je chercherai toujours à faire des films avec une histoire intrigante et des personnages empathiques. D'accord, donc ça c'est Duncan Jones. On reparlera tout à l'heure un petit peu de Warcraft. Donc, juste aussi pour préciser que c'est le fils de David Bowie. Duncan Jones oui. Non, c'est pas ça. J'en sais rien. Non, je ne savais pas. C'est ça. Je ne savais pas. Tu m'as mis le doute tout d'un coup. Non, j'étais très étonné parce que je ne savais pas. Non, je disais ça parce que justement, David Bowie lui aussi a toujours considéré, je pense à sa juste valeur, le jeu vidéo. Il a souvent participé notamment avec David Cage pour Nomad Soul. Voilà, donc c'était quelqu'un aussi qui s'intéressait. C'est pas étonnant aussi que son fils qui a baigné aussi dans cette culture-là ait ce discours-là. Et justement, c'était pas forcément pour parler de ça, mais est-ce qu'à l'époque, finalement, il n'y avait pas une méconnaissance totale du jeu vidéo? Les producteurs s'en foutaient totalement. Et j'ai envie de dire aussi, finalement, est-ce que l'erreur ne vient pas aussi des ayants droit de ces films? Je pense par exemple à Nintendo qui prête sa licence sans vraiment savoir. Enfin, tu vois, est-ce qu'ils ont vraiment regardé? Alors, il faudrait regarder un peu l'histoire de Super Mario Bros, comment ça s'est fait. Mais tu as l'impression, est-ce qu'ils ont eu un contrôle sur le film? Est-ce qu'ils ont juste vendu le nom? Est-ce que finalement, il n'y a pas un problème à l'époque, même là, je pense à Street Fighter avec Capcom, de ce qu'ils faisaient de leur licence, quoi? Bah clairement, je pense qu'il y avait il y avait un peu un manque de contrôle. D'ailleurs, Nintendo l'a annoncé genre aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, qu'ils voulaient se remettre à faire des films justement au cinéma, mais en gardant le contrôle cette fois-ci. Ils l'ont un peu présenté comme ça. Sous-entendu, quand on avait fait Mario, on n'avait pas vraiment le contrôle. En gros, ils ont dû céder la licence et puis après, ils n'avaient plus rien à dire. Et du coup, on peut espérer peut-être que Mario, les futurs Mario en film seraient un peu mieux, hein, certainement film animé, je ne sais pas. C'est plus logique. Il y a aussi un autre facteur peut-être qu'il faut prendre en compte, c'est qu'à l'époque de Mario et de Street Fighter, le public même du jeu vidéo, la façon dont il était considéré et ce qu'il était vraiment à l'époque, c'était des gamins en fait. C'est ça qu'il faut dire. Ouais. Aujourd'hui, le public du jeu vidéo, à part leur manodou, tout le monde a compris que le jeu vidéo, c'était plus des gamins de 15 ans qui jouaient seulement. Ouais. Il y avait aussi des adultes, et des adultes qui ont un fort pouvoir d'achat, hein, potentiellement. Mmh. Donc on ne s'adresse plus du tout au même public. J'imagine qu'à l'époque, dans les années 90, on se disait c'est un film pour les gamins qui poussent des boutons, on s'en fout. Enfin, en gros, des autistes. Hein. Oui, c'est-à-dire que comme ils voyaient les volumes de vente, ils se disaient il y a une manne financière et il y a de l'argent à faire facilement. On lance le projet et voilà, on fait pas gaffe, on s'en fout un peu quoi. Et c'est vrai qu'à l'époque, le jeu vidéo c'était quand même un marché assez restreint, mais c'était surtout un marché. Puis les films pour enfants n'étaient pas les mêmes que les films pour enfants aujourd'hui. Alors, depuis, il y a eu Pixar, il y a un autre ton qui a été adopté pour les enfants et on s'est rendu compte qu'on pouvait faire de la qualité même pour les enfants. Et ce qui a fait des bonnes choses dans les films de jeux vidéo. Finalement, je suis assez d'accord avec toi sur cette époque 90-2000, mais finalement, à l'époque, avec l'arrivée de la PlayStation, on a quand même un autre public qui s'intéresse aux jeux vidéo, et on a des adaptations d'autres films, je pense notamment à Tomb Raider, et un peu plus tard à Resident Evil, qui sont quand même des jeux plutôt bien considérés, qui ont amené un nouveau public, mais qui sont toujours des films aussi mauvais. C'est vrai. Et pourtant, qu'on marchait, hein, qu'on très très bien marché. Je regardais. Bah, moi, les je trouve. Alors, je dis pas que c'est un bon film Tomb Raider. Je dirais pas qu'ils sont aussi mauvais. Il y a un gap quand même entre Mario et Tomb Raider. Ouais, voilà. Le premier Tomb Raider, il est. J'ai été le voir au cinéma. Je trouvais ça une purge. Hein. Je suis d'accord, c'est très mauvais. Mais moi, à l'époque, j'avais senti qu'il y avait quand même un effort du réalisateur de prendre un peu de recul vis-à-vis de son matériau. Il y a plein de scènes où on voit qu'il s'amuse à singer, entre guillemets, hein, des scènes de jeux vidéo, qu'il prend du plaisir à essayer de faire des clins d'œil, etc. On sent qu'il y a une sorte de recherche qui n'est pas du tout aboutie et qui amène un résultat pas sympa. Mais on voit qu'il y a des plans où il montre le manoir de Lara Croft à la même façon qui était montré dans le jeu vidéo à l'époque, etc. Donc je me dis, à l'époque, il y avait déjà un petit tâtonnement de quelque chose. On ne sait pas où on va, on essaye. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Voilà. Parce que déjà, sur le principe, c'est que quand tu compares un Street Fighter, un Mario, donc les films, on va dire, de cette première vague, et ensuite les autres films de la deuxième vague avec Resident Evil et Tomb Raider, etc., la différence, déjà, c'est qu'ils ne se basaient pas sur le même matériau de base, dans le sens où les jeux des années 80-90... avait, et là je vais peut-être me faire insulter dans les commentaires, mais avait peut-être une partie scénaristique qui était moins développée qu'à partir des jeux quand on a commencé à arriver sur PlayStation 1 et les capacités techniques ont commencé à pousser. Bah, les jeux populaires, on va dire, comme Tomb Raider, avaient une partie scénaristique qui était plus travaillée et du coup qui était peut-être plus facile à adapter en film. En tout cas, il y avait un matériau de base qu'on pouvait. C'était plus un plombier qui allait dans des tuyaux. Et puis surtout, là pour le cas, c'était deux jeux qui s'inspiraient énormément du cinéma. En plus, Tomb Raider s'inspirait d'Indiana Jones et Resident des films de Romero. Ouais, déjà, clairement. On avait une base, avait un terrain. Et Silent Hill aussi de plein de films d'horreur. Mm. Ouais, ouais. Mais par rapport à Mario, qui voilà. Qui est... Alors après, c'est vrai que t'as raison. C'est des films qui sont quand même, on va dire, pas excellents, hein, globalement. Si on parle en tout cas de Tomb Raider, Resident Evil. Après, on peut en discuter, mais c'est vrai qu'au moins, on va dire qu'il y avait un minimum d'effort en se disant, on fait plus n'importe quoi sur l'histoire en mettant un plombier sous cocaïne à l'écran. On essaye de développer une histoire, peut-être assez mal, peut-être assez mal écrite, peut-être assez mal réalisée, mais au moins il y avait un minimum, on va dire un minimum, en essayant de s'adapter à une cible qu'avait. Je pense qu'ils avaient compris que la cible avait un peu grandi et que cette fois-ci, ils visaient peut-être plus des enfants, mais ils visaient des ados pré-adultes et que peut-être il fallait un petit peu augmenter au moins les moyens, les budgets et l'histoire qui a été mise dans et ces films. Et même si ça n'a fait mal à entendre, Resident Evil a trouvé un certain public. Oui, puisqu'il y en a quand même eu genre 5 au cinéma, voilà. Quelque chose comme ça. Quoi. Moi, je sais, là, on en est au 8e, je crois. 8e, hein. Oh, non. Putain, la vache. Oh, purée. Il me semble. Hein. Ils ne veulent pas crever ces zombies, c'est un truc de fou. Malheureusement, c'était quand même deux films qui jouaient un peu sur la plastique de leurs héroïnes. Ah, c'est un peu ça qui. C'était un argument. Je trouve pas que ça soit un très bon essai, je voyais au producteur, c'est les gamers, ils veulent des gros seins. Toi, Dim, t'en pensais quoi de ces films-là, de cette deuxième vague, on va dire, un peu Tomb Raider, Resident Evil, on va dire les films des années enfin début 2000 en fait, hein, adaptés de jeux vidéo. C'est de la grosse merde. Donc t'es assez d'accord avec nous finalement. Non, plus sérieusement, je sais pas si je peux être d'accord avec vous parce que je pense qu'à l'époque, comme je disais avec Super Mario, je pense qu'ils ont quand même vraiment essayé de mettre les moyens. Après, c'est vrai que c'était mal fait, mais au niveau des effets spéciaux, c'était quand même soigné et tout, mais bon. Après, ouais, voilà, ouais, je pense que c'est aussi le fait, c'est l'évolution des jeux vidéo qui ont fait que les films étaient mieux, quoi. Comme tu disais, c'était quand même le matériel de base était plus adulte avec un Tomb Raider ou un Resident Evil qu'avec un Super Mario, quoi. Forcément. Ouais, c'est moins des nanars que ce dont on parlait avant, que Street Fighter après, ou que Mortal Kombat, quoi. On pourrait aussi prendre le parti de défendre l'inverse et de dire, sur Street Fighter, t'aurais pu un peu travailler le scénario. Et faire quelque chose de beaucoup plus noir, beaucoup plus adulte, peut-être pas à la Old Boy, mais tu vois, enfin, je vois un film mais un peu comme ça. Moi, tu je vois, me souviens très bien qu'à l'époque où Resident Evil est sorti, au même moment, il y avait 28 jours plus tard qui était sorti. Et moi, quand j'avais vu 28 jours plus tard, je m'étais dit, mais c'est ça en fait l'adaptation de Resident Evil. Ah oui, c'est au même moment. Ah oui, donc du coup, ouais, ça. J'avais fait la même réflexion aussi. Et je m'étais, c'est tout simple, c'est-à-dire que le matériau, après, t'en fais ce que tu veux. Et je trouve que dans l'esprit, Danny Boyle avait vraiment réussi à faire un Resident Evil. Ouais, mais là, par exemple, est-ce que c'est pas un problème de réalisateur? Parce qu'on a d'un côté Danny Boyle. J'ai pas un grand amour cinématographique pour Danny Boyle. Mais il se pose des questions. Mais par rapport à alors je le confonds toujours avec Paul Thomas Anderson, mais non, c'est Paul Anderson. C'est Paul Anderson. C'est Thomas, Paul Thomas, W. Anderson. Non, c'est Thomas Anderson, non? Qui a réalisé quoi? Resident. C'est pas Paul Thomas Anderson. Non, en tout cas. Alors, ça, non, c'est Wes. Sûr. C'est pas Wes Anderson. Non, c'est pas Wes Anderson. Bon, je sais pas. On va le trouver. Continue. C'est Paul. Il a les mêmes. C'est Petey PW ou Anderson. PW Anderson, je crois. Ouais, Paul W.S. Anderson. Voilà, Paul W.S. Anderson. C'est pas la même chose quand même que Danny Boyle. Oui, exactement. Donc déjà, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment, tu mets des tâcherons derrière la caméra ou des mecs à l'écriture qui n'ont rien à foutre et qui sont mauvais. Tu pourras jamais obtenir quelque chose de bien, quoi. C'est sûr. C'est sûr. Mais cette vague a duré quand même assez longtemps, quand même, à partir du début des années 2000 jusqu'à environ maintenant. En tout cas, on a repéré deux périodes. C'est-à-dire qu'il y a eu les années 90 où c'était vraiment très mauvais. On se dit qu'il y a une petite étape qui a été franchie, qui n'est pas forcément énorme avec les Tomb Raider et Resident Evil. Est-ce qu'il y a une troisième étape avant aujourd'hui qui a Je ne sais pas, parce que fait là, je regarde une liste sur Sens Critique en même temps. Et tu vois, je vois Far Cry Warrior réalisé par Uwe Boll. En 2009, ah, donc on sait quand même encore récent. Ouais, mais c'est Webull, 2010, tu vois. On est encore dans des films un peu de merde. Tekken en 2010, enfin on a des films comme. Mais Webull en même temps, il est un peu hors catégorie. Voilà, quoi. C'est ça. Mais bah, par exemple, ils sont déjà. Enfin là, ils sortent pas au ciné, ils sont en direct en DVD. Franchement, ils sortent vraiment à chaque fois sous silence quasi. Mais les Resident Evil, comme on continue à sortir au cinéma, Resident Evil Retribution 2012, hein, Paul W.S. Anderson. Mais là, ils sont en train de faire le dernier, là. Ah ouais, ils sont toujours avec Mila. Ouais, toujours avec Mila Jovovich. Ouais, elle a fait sa carrière là-dessus. Cashton. Bah, c'est des films de famille, hein, vu que c'est la femme de Paul Anderson. Avant, c'est pour ça qu'avant, elle tournait avec Luc Besson quand elle était avec Luc Besson. Ah. Elle a toujours sorti avec des bons réalisateurs, on peut le dire, en fait. On peut maintenant confirmer. Ça pose question sur son talent, en fait. On pourrait peut-être l'inviter pour une promotion. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de se poser des questions sur son talent? Je parle de la rubrique. Hein. Oui, bien sûr, Julien. Ouais, donc je sais pas après si quelqu'un, mais peut-être Dim, c'était un panorama des films. Donc je m'étais juste noté, voilà, est-ce qu'il y a des films à retenir ou des merdes. Moi, j'ai fait une petite liste, voilà, comme ça, vite fait. Ton panthéon des adaptations de cette époque. Donc je l'ai divisé en trois catégories. Alors déjà, les méga honteux. Alors, vas-y. Bon, on va pas trop revenir dessus, mais j'ai mis Super Mario. Max Payne avec Mark Wahlberg, qui était vraiment une purge aussi. Je sais pas si vous l'avez vu à l'époque, mais. Bah, apparemment, c'est très mauvais. Pourtant, c'était imbuvable. Moi, je l'ai pas vu, mais pourtant le jeu se prête. Enfin, vraiment, en plus, c'est un jeu qui fait beaucoup d'influence à beaucoup de cinéma noir des années 50-60. C'est ça qui est vachement frustrant depuis le début qu'on fait ce débat, c'est que on se dit qu'il y a quand même beaucoup de jeux qui ont vraiment une grosse portée cinématographique et on n'arrive pas à les adapter, quoi. Mais c'est pour ça que tu vois, je me disais finalement, par exemple, on parlait de Indiana Jones, le meilleur Indiana Jones qui est peut-être sorti, si on arrête les blagues sur Indiana Jones 4, c'est peut-être Uncharted 2, quoi. Ou à l'époque les Tomb Raider, les premiers Tomb Raider. Donc finalement, pourquoi chercher parfois à faire des adaptations de jeux qui offrent peut-être plus que ce que fait un film un peu lambda ou un peu moyen, quoi. C'est la question qui va se poser de plus en plus, de toute façon. Quand tu vois The Last of Us, je vois pas l'intérêt de faire un film. Puis Stan avait raison, tu vois, c'est quand tu joues à Resident Evil, finalement, t'as peut-être envie de voir plutôt 28 jours plus tard que le film Resident Evil, quoi. C'est quelque part, il y a quand même un, comme le dit Dim, on leur en veut un peu finalement. Enfin, moi je leur en veux un peu ces gens-là, parce que tu te dis, on passe pour des. Enfin, tu vois, les gamers quelque part, ou les gens qui aiment les jeux vidéo, plus globalement, parce que je me considère pas vraiment comme un gamer, on passe un peu pour des gros blaireaux quand t'as des films comme ça qui sortent, parce que tu te dis, ah, c'est ça ton jeu vidéo là. Tu vois, je vois bien mes amis qui ne connaissent pas du tout le jeu vidéo, qui voient Resident Evil au cinéma, qui disent, putain, c'est ça que tu joues, c'est vraiment de la merde, tes trucs. On est considérés comme des fouteux, quoi. Ouais, c'est vraiment de la. Pas d'insulte, c'est. Donc, désolé, Dim, je t'ai coupé, j'étais sur ma ligne. Pas de problème. J'avais aussi. Mis Double Dragon avec Marc Dacascos. C'était peut-être même la deuxième adaptation, je crois que c'était avant Street Fighter. Ouais. Ça aussi, c'était du grand art avec Robert Patrick en blond décoloré, en méchant. Il y avait Alyssa Milano aussi. Donc, c'est quoi ta liste là? C'est la liste des bons films ou des. Ah non, ça, c'est la première catégorie, c'est les méga honteux. Les méga honteux. Ouais. Alors, j'ai mis Hitman, alors au choix, le 1 ou le reboot qui est sorti il n'y a pas longtemps. J'ai mis Street Fighter, mais pas celui avec Jean-Claude Van Damme. Le deuxième qu'ils ont fait, c'est The Legend of Chun-Li. Ah oui, avec Christine Kruk. Qui est encore pire, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais. Il est récent celui-là, non? Ouais, il est récent, 2011. 3-4 ans, ouais. Et je crois que c'est encore pire que celui avec Van Damme, parce qu'au moins celui de Van Damme, c'était nul, mais ça essaie au moins d'être fidèle, on va dire, visuellement parlant, alors que là, rien du tout, quoi. Bison, c'est un homme d'affaires qui est blond. Le seul qui ressemble à peu près, c'est Balrog, et qui est interprété par l'acteur de La Ligne Verte, j'ai oublié son nom. Ah oui, d'accord, le grand, ouais, là, effectivement. Ouais, ouais, voilà, c'est ouais, Neil quelque chose, je sais plus, enfin bref. Ouais, bref, c'était bien, bien nul. Dead or Alive, le jeu de baston, voilà, où c'était juste une excuse. Tu l'as vu celui-là? Pour avoir des gros seins, quoi. Oh putain, il avait l'air nul celui-là. Ah, quand j'ai vu les actrices qu'il y avait au casting, je me suis dit, je vais quand même le regarder, quoi. Histoire de vérifier, de faire ce débat. T'as vraiment une conscience professionnelle, Léo. Préparer le débat. Ce qui est fort, c'est que juste avant, Greg dit, ouais, bon, alors voilà, les mecs qui connaissent pas les jeux vidéo, avant, ils nous disent, ouais, vous êtes un peu des gros beaufs. Et on balance quoi, Dead or Alive? C'est pas nous qui l'avons dit, hein, c'est Jay et Bob, on est des gros beaufs. C'est vrai, il faut assumer maintenant. Et pour conclure cette liste de films méga honteux, j'ai mis la filmographie du Faux-Bol, parce que bon. Ah, dans son intégralité, ce que j'allais dire, je suis étonné, t'as pas mis The House of the Dead ou des trucs comme ça. Et... Ah ouais, non, mais voilà, ouais, je pouvais pas tous les citer, parce que sinon, ça va être un podcast de 4 heures au lieu de 3. Pour le brave Faux-Bol, ouais, il nous fait quand même un peu de mal avec ses adaptations, hein, parce que franchement, je sais pas si vous avez déjà vu des films. Non, justement, j'allais demander, j'en ai jamais vu. C'est quoi le problème, en fait? C'est qu'il est. super mauvaise techniquement. Apparemment, il y a plein de faux raccords. C'est du non-cinéma. Enfin, je veux dire, tu regardes un de ces films, tu comprends strictement rien de A à Z. Les acteurs, ils sont en roue libre. Enfin, on peut même pas appeler ça des acteurs, ils jouent pas. Ah, l'histoire, tu comprends pas. Ouais, c'est clairement irregardable, quoi. Je sais qu'il bah, voilà, ouais, il se fait beaucoup critiquer, notamment sur Internet et tout, mais bon, c'est justifié, quoi. Mais bon, après, ça nous fait quand même des bonnes années, des bonnes histoires, comme le coup où il avait organisé un combat de boxe avec un journaliste qui le critiquait. Putain. Le gars avait invité un journaliste qui l'avait vraiment bâché à fond à faire un combat de boxe contre lui. Sauf qu'il avait oublié de préciser que c'était un ancien boxeur professionnel qui l'a défoncé, mais à mort, le journaliste. Parce que le journaliste a accepté, en fait. Ah oui, parce que lui pensait que c'était voilà, un délire, quoi, plus qu'autre chose. Tu vois, c'était vraiment une histoire de faire une petite promo, de rigoler. Mais non, il s'est bien fait défoncer la gueule sur le ring par Yves Ball. Donc ça, c'est les films les plus honteux, les plus honteux, pardon. Moi, mes petits plaisirs coupables. Alors après, si vous avez d'autres films à rajouter dans les méga honteux. T'as bien cité, je pense. C'est quoi tes catégories, les plaisirs coupables ensuite, et après, c'est quoi ta troisième catégorie? C'est les bons films. D'accord, alors allons pour tes plaisirs coupables. Peut-être qu'on en aura nous aussi, d'ailleurs. J'ai dit Street Fighter avec Van Damme. Hein. Ah, je le mettrai là aussi, je crois. Ouais, on aime bien le regarder quand même. Quand il passe sur RTL9, on le regarde. Ouais, c'est marrant, et puis bon, voilà, quoi, c'est aussi les souvenirs d'enfance, quoi. Moi, c'est je sais ça, que quand j'étais jeune, ça me faisait bien marrer. Pareil, Mortal Kombat avec Christophe Lambert, ça aussi. Oh, putain, en Raiden, Christophe celui-là, Lambert. Celui-là, il est vraiment naze, hein. Mais alors, il est drôle. Avec la musique de foire et tout, en fond, c'est quand même génial. Les Resident Evil. Ouais. Et bah, quand même un film d'Ivo Boll qui passe des films de merde au plaisir coupable, c'est Postal. Ah oui, j'ai pas vu celui-là. Qui est un peu plus drôle, même si c'est quand même bien bien nul, mais bon voilà, ça fait quand même rire. Et donc à moins que vous ayez d'autres films à rajouter. Bah non, moi je pense à certains, mais c'est peut-être dans les bons films. L'autre donc, catégorie, donc les, ou plutôt le bon film. Ah, d'accord. Il n'y en a pas. Je vais bien sûr parler de Silent Hill de Christophe. Ah, voilà. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord sur. Moi, je suis pas du tout d'accord. Ah, je l'aurais mis dans les grosses daubes. On serait douté. Et moi, je veux préciser que j'ai jamais joué au jeu. Ouais. Parce que bon, je suis trop flippette. Ah, bah voilà, non plus. Mais visuellement, je trouve que c'est une claque. Je l'ai revu encore il n'y a pas longtemps. Enfin, il est vraiment malsain, il est glauque. Il n'est pas parfait comme film, surtout non. La dernière partie est vraiment à chier parce que c'est la partie où on explique tout ce qui vient de se passer. Il n'aurait pas dû presque expliquer. Voilà, cette dernière partie est irregardable, mais pour moi, la première. J'irai pas jusqu'à là. Moi, je trouve qu'il est très bon pour mettre une ambiance pesante. La dernière partie où je suis la grande méchante. Non, mais je viens de dire ce que je viens de dire. Ce que je veux dire, justement, c'est la première partie où l'ambiance la première partie se met. Est incroyable. Où t'as l'alarme qui sonne, etc. Moi, je l'ai vu au ciné, je me. Tu te dis, tu sens qu'il a en tout cas, tu sens qu'il respecte quelque chose. Tu sens qu'il respecte une idée. Mais alors, si je pense que je peux parler avec vos Grecs. Il a jamais joué à Silent Hill. Voilà, non. Dim non plus, moi non plus. Donc Julien, toi, tu es seul à avoir joué à Silent Hill. Justement, je trouve que c'est un cas intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure. On disait finalement, les réalisateurs qui n'aiment pas les jeux vidéo font des films pour les joueurs de jeux vidéo. Alors que Christophe Gans, c'est vraiment quelqu'un qui aime le jeu vidéo et qui est un gros fan de Silent Hill. Sauf que là, il enlève toute la substance de Silent Hill, c'est-à-dire qu'il en fait. Alors c'est vrai qu'il est hyper, il cale la mise en scène Silent Hill. C'est la même mise en scène dans le jeu, dans le film. Il fait plan pour plan. Donc déjà, bon, ça, encore, tu peux te dire, ok, c'est respectueux du matériau d'origine. Sauf que, justement, la fin dont tu parles et tout le côté grand guignolesque du film, dans Silent Hill, ça passe pas du tout comme ça, en fait. Parce que t'as l'interactivité fait que t'es pas du tout dans le même état d'esprit quand ça arrive dans le film ou quand il y a parce que c'est souvent des histoires de rituels. Mais le truc le plus important dans Silent Hill, c'est la ville. Et c'est les rapports que le personnage entretient avec cette ville. Et après, ça passe que par l'interactivité, parce que toi, tu fais dans le jeu, et parce que tu comprends du jeu. Là, il a presque fait une décalque du 3, qui est un très bon épisode, avec beaucoup de plans du 2, qui s'inspirait déjà beaucoup du cinéma, de l'échelle de Jacob, de Blue Velvet, de Hitchcock. Et pour moi, il perd complètement ce qui fait la force de Silent Hill, qui est insurpassable, parce qu'il a l'interactivité et il a le matériau de jeu vidéo. Je ne vais pas spoiler Silent Hill 2, mais pour tous ceux qui l'ont fait, le final de Silent Hill 2, quand tu comprends ce qui se passe, tu peux pas le retranscrire au cinéma parce que t'as passé, je sais pas, 10-15 heures avec un personnage et tu te prends ça dans la gueule. Et là, le film, ça reste une espèce d'honnête série B, un peu grand guignolesque à la fin avec. Après, ça pose la question de. Pardon. Est-ce que c'est possible en fait? Voilà, est-ce qu'à partir du moment où un jeu vidéo a une bonne narration, est-ce que c'est utile de refaire un film? Même est-ce que c'est possible? Parce que comme tu le disais déjà, il n'y a pas la possibilité de l'interactivité qui n'est déjà pas une possibilité. Et puis, il y a une relation que t'as mentionnée dans un jeu vidéo, c'est le temps. Le temps que tu t'investis dans un jeu vidéo, tu passes effectivement 15, 20, 100, 130, 150, 200 heures avec un héros auquel tu t'attaches et puis avec des sentiments qui se développent et une progression de ce héros qui sont difficile à rendre en deux heures de film, quoi. Et donc, forcément, tu es obligé de faire des coupures, tu es obligé de faire des raccourcis, tu es obligé de faire des choses qui passent moins bien. Bah, tu travailles une ambiance, en fait. C'est pour ça que je trouve que Gans, de ce côté-là, il est bon. Ah oui, il s'est attardé sur l'ambiance horreur qu'il a bien réussi à faire. Par contre, l'ambiance psychologique, il a dû faire un grand déballage à la fin, grand guignolesque, etc. Alors qu'effectivement, Silent Hill est plutôt connu pour sa finesse et la façon dont ça explique les choses, de façon détournée aussi. Mais en fait, Silent Hill, dans la façon dont c'est écrit, c'est pas hyper fin. Des fois, c'est parfois un peu du télénovelas. Mais simplement, ce que tu ressens quand tu joues au jeu, parce que t'es en contrôle et parce que tu te le prends en pleine tête, ça peut pas être retranscrit par le média cinéma, en fait. C'est pas du tout le même approche, parce que finalement, dans ce que Silent Hill, c'est pas hyper bien écrit. À l'époque, la synchro labiale était pas géniale, donc les personnages ont un côté un peu robotique. Donc voilà, mais simplement, l'interactivité fait que le cinéma, et là, comme il est resté très calqué par rapport au jeu, voilà. Moi, non, le jeu que je citerai qui a pas été cité, c'est Final Fantasy, donc Les Créatures de l'Esprit, qui est pour le coup un film d'animation que moi je trouve très réussi. Alors, adapter Final Fantasy, c'est compliqué parce que c'est des univers différents à chaque jeu. Et là, ils avaient pris, c'était fait par Squaresoft à l'époque, ils avaient pris un parti pris complètement différent. Et je trouve que c'est très réussi, je trouve que c'est un très beau film à l'époque qui était techniquement hyper impressionnant et qui avait une ambiance, une atmosphère un peu mélancolique. Moi je trouve qu'il y a vraiment quelque chose dans ce film, je l'ai revu plusieurs fois, je le trouve vraiment très très bon, pas génial mais vraiment réussi. Alors après c'est un film d'animation donc peut-être c'est plus facile qu'avec des vrais acteurs. Ouais, peut-être si ça avait des Je pense que tu as raison, c'est quelque part ils ont pris un parti qui était différent, ils ont osé faire un truc un peu à côté, tu vois. J'en ai pas un souvenir insurmontable de ce. Et surtout c'est un film fait par la même boîte que le jeu, donc c'est déjà à mon avis qui leur a coûté malheureusement beaucoup d'argent. Moi ce qui me fait peur justement pour les fins, je sais pas si tu voulais y venir après ou pas, mais ce qui me fait peur pour les films qui vont sortir là, notamment Warcraft, c'est que justement j'ai l'impression que le parti pris est pas un petit peu à côté des jeux. Ils vont essayer de faire exactement la même chose que dans le jeu mais au cinéma, alors qu'ils auraient fait un truc un peu à côté. Peut-être que tu vois, il y aurait eu cet apport en se disant, bah, y a un vrai parti pris de réalisation et de scénario qui est un peu différent et on va vous montrer les choses autrement. Là, de ce que j'en comprends, alors je suis pas un gros expert du lore de Warcraft, mais de ce que j'en comprends, c'est que ça respecte exactement le truc et qu'on va pas voir des choses complètement nouvelles. Quoi. Bah, je voulais juste... on a la... je sais pas si vous aviez d'autres films à citer de cette période-là. De mémoire, non. Non. Et juste, je voulais faire une aparté parce que finalement, je me disais que les films peut-être les plus réussis qui sont pas vraiment des adaptations de jeux vidéo, mais c'est finalement des films qui parlent de jeux vidéo. Je pense notamment finalement à un film comme Matrix. C'est un film qui emprunte beaucoup aux jeux vidéo. Enfin, le premier du nom, surtout. Le premier du nom, ouais. Mmh. Ou même, j'avais noté. Cobaye. Du Cobaye. Il y avait à l'époque. C'était amusant, le Cobaye. À l'époque, Tron, qui était quand même un film marquant pour finalement l'utilisation de la virtualité et de la réalité dans le film. Il y a Existence aussi de David Cronenberg. Ah oui, Avalon, moi je parle souvent d'Avalon, qui est un film génial de Oshii. Avalon est un super film. Qui parle finalement d'une espèce de réalité dégradée parce que les gens sont tous. C'est une sorte de virtualité. Quoi. Ce que j'allais dire aussi, on peut voir à travers les films que tu cites autre chose, que ça soit Matrix, que ça soit Avalon, que ça soit Existence ou enfin tous ceux que tu as cités. Le jeu vidéo est toujours quelque part l'ennemi qui emprisonne l'esprit. Enfin, si tu regardes bien l'analyse de ces films, oui, c'est des films noirs. C'est des films où c'est pas le jeu vidéo qui te sauve, c'est le jeu vidéo qui est l'ennemi et qui emprisonne ton esprit. Existence, tu n'arrives plus à faire la différence entre jeu vidéo, etc. Même si la fin est assez ouverte quand même. Avalon, tu ne sais plus quelle est la réalité, tu ne sais plus quel est le jeu vidéo. La Matrix, finalement, est-ce qu'on est vraiment tous dans la matrice ? Enfin, même les 2 et 3 remettent tout ça en question. Et surtout, etc. Par exemple, dans Avalon ou Matrix, les réalités alternatives, les virtualités, ou je sais pas comment appeler ça, les réalités virtuelles, sont plus intéressantes que la réalité. Exactement. La réalité a été complètement dégradée. Et tu vois notamment, c'est très présent dans Avalon où tout est super sépia sur la réalité et tu as des explosions de couleurs sur la virtualité. Mais du coup, c'est vrai que je trouve que c'est des très bons jeux dans la façon dont ils essayent de parler de jeux vidéo ou dont ils essaient de s'accaparer le jeu vidéo comme un instrument de leur discours, on va dire. Mais par contre, le discours sur le jeu vidéo est toujours un petit peu pervers et pas forcément positif. C'est des films qui parlent de jeux vidéo, mais c'est pas pas forcément positif. C'est pas des adaptations. Voilà. Mais je me disais finalement, quand tu prends un chemin de travers, c'est peut-être plus intéressant de parler de ce qui fait l'essence d'un jeu de vidéo, c'est-à-dire l'incarnation d'un personnage, une forme de réalité virtuelle, que finalement de faire des adaptations bêtes et méchantes d'un univers. Et où même tu peux faire des clins d'œil. On parlait tout à l'heure de Hellboy, le travelling avec les gars qui se battent, c'est vraiment un truc à la Beat'em Up, donc à l'époque Double Dragon, où t'as des types qui avancent sur un scrolling comme ça, horizontal. Donc moi je trouve ça plus sympa de faire des trucs des clins d'œil ou même de parler de ce qui fait l'essence même d'un jeu vidéo et de ces univers-là que de faire des adaptations un peu plan-plan et voilà, de calquer finalement. Mais c'est notre démarche parce que Avalon, tu vas pas le vendre par exemple au grand public en disant bah voyez, c'est Final Fantasy. Enfin, ce que je veux dire, c'est que t'as pas le nom déjà, t'as pas un argument d'armée. Non. Donc c'est vrai que déjà à partir de ce moment-là, il faut conquérir un public, il faut dire bah nous on va vous parler du jeu vidéo mais autrement et avec un film où il y a pas de. Enfin, tu vois, c'est quand même beaucoup mais pour plus le coup, Avalon, c'est vraiment un film qui parle. Enfin, qui parle nommément du jeu vidéo, puisque c'est des joueurs de jeux vidéo. Il y a des levels, il y a toute une mise en scène autour de la façon dont c'est représenté dans le jeu vidéo. Et apparemment, Oshii, à l'époque, jouait beaucoup à des MMO. Et donc, il disait qu'il jouait genre, je sais pas, 15-16 heures par jour. Et que c'était cette expérience-là qui l'avait fait faire Avalon, quoi. D'ailleurs, qu'on peut recommander hein, à tous les auditeurs. C'est quand donc même après, très juste film. Pour ma deuxième question, parce que là, on va arriver finalement aujourd'hui... sur la deuxième sur combien ? Non, deux sur deux. sur 18. sur 28. non, parce que là, en fait, il va y avoir de plus en plus d'adaptations au cinéma de jeux vidéo. Et pour le coup, ça semble très à la mode. Et on peut se demander pourquoi, dans un avenir proche ou lointain, il y a des raisons d'espérer. Est-ce que ça pourrait être mieux que ce qu'on a vu jusque-là ? Voilà, c'est un peu le reflet inversé de notre première partie. On ne sait pas trop s'il va y avoir des bons films. Mais j'ai l'impression que, si finalement, on regarde le matériau d'origine, on a déjà parlé, mais le jeu vidéo s'est vraiment enrichi. Maintenant, il y a des vrais scénaristes qui travaillent dessus. Il y a des histoires beaucoup développées, beaucoup plus développées. Peut-être que ça se fait au détriment du gameplay. C'est un autre débat sur lequel on reviendra pas. Mais finalement, c'est... Avant, on disait il n'y a pas de matière, mais finalement, peut-être qu'aujourd'hui, le matériau, il est meilleur. Il y a peut-être des meilleures ambitions artistiques avec des meilleures équipes, des meilleurs réalisateurs. On a parlé de Sam Raimi peut-être pour Last of Us, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Il y a des studios qui font davantage attention à ce qu'ils font, notamment Ubisoft avec Assassin's Creed. Il y a un rapprochement entre les créateurs de jeux vidéo et les créateurs de cinéma. On peut penser à Kojima et Del Toro. Kassovitz avait dit beaucoup bien de David Cage par rapport au scénario d'Ivy Rain. On n'en débattra pas, mais voilà, il l'avait dit. Donc voilà, il y a peut-être finalement des raisons d'espérer, et de tous les films qui s'annoncent, on a Warcraft, on a Assassin's Creed, est-ce que ça augure finalement un horizon un peu meilleur et des films qui seraient meilleurs que ce qu'on a vu jusque-là, ou alors finalement ça va être les mêmes merdes et ils vont rien comprendre Ça va être de la merde, la conclusion. Donc, je sais pas qui veut. C'est une question très vague et très difficile à répondre en quelques secondes. Mais, tu me fais chier avec des questions. Non, c'est pas ça. Moi, je trouve qu'on cherche à faire des passerelles qui sont naturellement présentes entre le jeu vidéo et le cinéma et que j'ai l'impression qu'on surligne avec du stabilo des choses qui n'ont pas besoin d'être surlignées. C'est-à-dire que pour moi, un film sur Warcraft existe déjà. Il suffit de regarder un Willow, il suffit de regarder Les Seigneurs des Anneaux. C'est bon, c'est du Warcraft. Et quand je vois la bande-annonce. Je suis pas d'accord. Oui, mais quand je vois la bande-annonce du Warcraft, pour moi. Ce que j'ai vu, c'est on prend un peu d'esprit de Game of Thrones qui marche très bien, on prend un peu d'esprit de Bilo qui a très bien marché, qui parle aux gens, et on met la skin de Warcraft et hop, ailleurs on a notre public. Pour moi, j'ai peur que ça soit ça. Et j'ai l'impression vraiment que c'est ça. Et quand je vois le peu que j'ai vu d'Assassin's Creed, je me dis, oh bah, mon Dieu, ça prend un boulot, quoi. C'est... Voilà, pour moi, un jeu vidéo n'est pas forcément adaptable et je pense pas que ce soit une bonne idée, dans tous les cas, d'adapter un jeu vidéo. Et ouais. Si je me dis, aujourd'hui, demain, on va faire un film sur Uncharted. J'ai envie de dire, mais ça sert à rien, j'ai fait Uncharted 2, j'ai pas envie de voir le film, je l'ai vu, c'est bon. Ouais. Et pareil pour The Last of Us, c'est bon, j'ai vu l'histoire, je l'ai même vécu. Tu regardes la route ou tu lis la route. Et exactement, en plus. C'est-à-dire que l'histoire, je l'ai déjà vécu, The Last of Us, j'ai pas envie de la regarder maintenant. Je pense quand même qu'on peut être un peu plus confiant par rapport à ce qu'on a vécu voilà, avec Tomb Raider, enfin toute cette trilogie, enfin tous ces films pardon, des années 2000, on va dire. Parce que bah, moi, par exemple, alors c'est con, hein, parce que bon, on va dire que la bonne annonce me rassure pas, mais j'ai quand même un petit peu d'espoir pour Warcraft par exemple, en tout cas sur le papier. Ouais. Pourquoi bah, je sais parce que mais tu vois le truc c'est que déjà c'est plus laissé en roue libre, en file une licence à un studio, non c'est Blizzard qui fonde son propre truc, qui garde ses propres produits, le lore de Blizzard, le lore de Warcraft, c'est quand même ce qui fait que cette entreprise a de la valeur aujourd'hui. En gros, ils ont créé Warcraft, ils ont créé une histoire à côté, et elle a aucune valeur sans cette histoire. Donc à mon avis, ils veulent pas faire n'importe quoi au cinéma. Ils ont d'ailleurs fait leur propre maison de production, fait leurs propres effets spéciaux eux-mêmes. Quand tu vois en plus la qualité des cinématiques dans les trucs de Blizzard, c'est réputé pour ça, donc tu te dis qu'ils ont un bon, ils ont déjà du bon matos. On a vu dans la bonne annonce qu'en plus, ce bon matos au moins techniquement était déjà là. Après, bon, c'est sûr qu'on pourrait me dire, et je suis assez d'accord, la bande-annonce fait quand même peur dans le sens où il n'y a pas, plutôt du point de vue réalisation cette fois-ci, on va dire qu'il n'y a peut-être pas non plus une implication folle. L'histoire n'a pas l'air très folle non plus. Enfin, c'est voilà, un peu cheap, quoi. Il manque quelque chose, quoi. Il manque quelque chose pour que ça ait l'air d'être un bon film. J'ai vu ça 100 fois, mais c'est peut-être la bande-annonce, encore une fois. Hein, bon, Rocco, après, voilà, ils se sont rapprochés d'un réalisateur qui aime les jeux vidéo. Ils ont fait ce projet-là, ça fait au moins 5 ans qu'ils sont dessus. T'as l'impression que c'est pas fait à la va-vite, qu'ils tiennent à leurs histoires et à leur lore. Et t'as l'impression qu'ils veulent respecter ça et pas faire n'importe quoi. Et je me dis, au moins c'est sincère. Enfin, tu vois, quelque part, je pense que c'est sincère. Je pense qu'ils veulent faire, ils veulent se faire de la thune, mais je pense qu'ils veulent vraiment pas faire en sorte que Warcraft, tout le monde se dise que l'histoire c'est de la merde. Parce que je pense qu'en plus que l'histoire est très très bonne dans Warcraft et qu'à mon avis, ça pourrait être un très très bon film. Et surtout les suites pourraient être des très très bons films. Oui, mais encore une fois, quand je dis que les passerelles sont pas forcément nécessaires d'être faites, c'est que une bonne histoire dans Warcraft que tu vis pendant des heures et qui a été étalée au cours d'un certain nombre d'années. La résumer et chercher à la synthétiser en une heure et demie, pour moi, c'est pas forcément une bonne idée. C'est pas ce qu'ils font, justement, parce que là, on en est au tout début de Warcraft, parce que tout ce qui va être le Roi Lich, etc., ce n'est pas dans ce film-là. Enfin, tu vois, ça sera dans d'autres films si celui-là marche. Peut-être. Donc, ils ont pas été trop. C'est vraiment l'origine de Warcraft. C'est le tout début de Warcraft. Après, aussi, ce qu'on peut dire, c'est que, voilà, là, par exemple, je reprends tes propos, Stan. Tu parles en tant que gamer, mais après, il y a peut-être des gens, on va dire, plus grand public qui n'ont pas joué aux jeux vidéo, mais qui seront quand même intéressés de voir un film sur l'univers Warcraft, ou même des gamers qui n'ont jamais joué à Warcraft, peut-être parce qu'ils n'ont pas eu le temps, vu que c'est un MMO qui, à mon avis, bouffe quand même pas mal de ta vie. Mais bon, ça peut peut-être au moins les intéresser de connaître un peu l'histoire et de voir ce qu'il en est, quoi, si peut-être, c'est bien respecté. Peut-être. T'as pas l'impression que le film, il s'adresse vraiment à un public gamer? Autant je trouve qu'Assassin's Creed, t'as l'impression qu'ils peuvent peut-être le vendre comme un film d'action un peu plus, enfin, action-anticipation un peu plus lambda, un peu sorti du jeu vidéo. Autant là, je trouve que Warcraft, j'ai l'impression que sorti des mecs qui sont fans de Heroic Fantasy et de jeux vidéo, ça va être un peu compliqué. On disait ça pour Le Seigneur des Anneaux. Hein. On disait Le Seigneur des Anneaux, pour les gens qui n'ont pas le livre, qui n'aiment pas trop l'Heroic Fantasy et les elfes, ça va pas se vendre. Le truc a eu 11 Oscars, quoi. Donc, ouais. Non, mais tu vois, je veux dire, il a fait les plus gros rentrées d'histoire de cinéma. Enfin, tu vois, ça a été hyper respectueux, parce que Peter Jackson y croyait vraiment et qu'il avait un amour pour le film. Donc, on peut pas juger avant de l'avoir vu. Ça, c'est le premier truc. Ça, c'est sûr qu'on parle un peu dans le film. On va dire que j'ai confiance pour ça. Moi, personnellement, alors après, c'est à vous de me dire, de me contredire ou pas. J'ai l'impression d'avoir moins confiance dans Assassin's Creed, par exemple. Quand j'ai vu le trailer d'Assassin's Creed, j'ai eu très peur, moi. Surtout ce que tu disais, Greg, là, tu parlais de Peter Jackson. Je pense qu'aussi maintenant, les studios, ils veulent confier les films à moins des tâcherons, à plus des auteurs comme Duncan Jones. Qui a quand même fait deux premiers films qui ont été assez remarqués, quoi, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Pour Assassin's Creed, c'est le réalisateur de Macbeth qui avait quand même aussi bonne presse l'année dernière. Dim, il a fait quoi le réalisateur de Warcraft avant? Je il sais a fait pas. Moon, non? C'est Moon et un film avec Jake Gyllenhaal qui s'appelait Source Code. Ah oui. Bah, j'ai vu les deux. Ah oui. Moon, c'était très très c'était bien. C'était bien, oui. C'était très très bien. Mais juste pour rebondir deux secondes, pour moi l'argument qu'un réalisateur connaisse le jeu vidéo pour faire un film de jeu vidéo, c'est pas un bon argument. Parce que moi j'écoute Mozart, et c'est pas pour ça que je ferai une symphonie. Enfin, je veux dire. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est. Non, je comprends pas. Ce que je veux dire, c'est. Non, c'est parce que tu joues au jeu vidéo que tu sauras forcément faire un bon film. Ouais, mais c'est. Je préfère un réalisateur qui a. Comme Danny Boyle, on en parlait tout à l'heure. Je préfère un Danny Boyle qui ne joue pas au jeu vidéo, mais qui fait un tout aussi bon film, que un mec qui dit je joue au jeu vidéo. Van Damme, je suis sûr qu'il joue au jeu vidéo. Mais quand tu peux avoir les deux. Quand tu peux avoir les deux, quand tu peux avoir un bon réalisateur comme le mec qui a fait Moon. Oui, mais ne jouer au jeu vidéo, c'est-à-dire que tu comprends les jeux vidéo. Le fait d'être. C'est mieux, par exemple, de dire on va faire réaliser ce film-là par un mec qui connaît l'univers de Warcraft ou d'un autre film et qui l'apprécie, qui le connaît, qui l'apprécie, plutôt que par un mec, genre, j'en sais rien, un très bon réalisateur, mais qui ne connaît rien, tu vois. Qui viendrait cachetonner Woody Allen qui va réaliser Warcraft, tu vois. Ça serait un peu chelou, tu vois. Il y aurait peut-être un truc un peu décalé. Ah, ils vont se poser des questions existentielles. Et après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est par exemple, on prend les adaptations au ciné de Marvel. Je suis désolé, mais les comics Marvel qui sont vendus en kiosque tous les mois, ils font pas autant de chiffres que autant de ventes que peut faire une vente d'un ticket pour Civil War, par exemple, quoi. Donc, je pense que ils margent aussi là-dessus, quoi. Même si les jeux vidéo, ça se vend peut-être mieux que les comics, mais si ça peut faire encore revenir du monde supplémentaire. Oui, c'est tout. Ils espèrent acquérir un nouveau public, c'est ça que tu veux dire, quoi. Et donc, le trailer de Assassin's Creed, ça vous a fait peur ou ça vous a pas fait peur? Bah, moi, personnellement, je sais que j'ai l'impression que vous avez pas trop apprécié. Moi, je l'ai trouvé vraiment bien foutu, quoi. C'est la première fois que je vois un trailer adapté d'un jeu vidéo où je me dis, j'ai l'impression que là, ils ont vraiment capté l'essence même du jeu. Assassin's Creed, faut le prendre aussi avec ses défauts. Par exemple, l'histoire, moi, je l'ai jamais trouvé transcendante, mais c'est plus au niveau de l'ambiance, des décors, de l'action et tout. Là, moi, je vois la bande-annonce. J'ai l'impression de revoir un peu tous les ingrédients qui peuvent me plaire dans un jeu Assassin's Creed. Ouais, ça ressemble un peu à un trailer d'un jeu Assassin's Creed, en fait. Non, mais c'est vrai, en plus. Parce que leurs trailers sont souvent faits comme ça. Ils sont souvent très impressionnants, leurs trailers. Ils sont souvent très bien montés. Alors après, il faut aimer le dubstep et tout ça, mais c'est quand même pas mal foutu, tu vois. Et là, moi, j'ai trouvé. Ouais, après, ça fait un peu Yamakasi à l'Inquisition, mais. tu vois. En même temps, le jeu, c'est ça, quoi. Oui, c'est ça, voilà, oui. Oui, mais. Greg, je t'entendais rigoler, mais en même temps, moi, je trouve que ça me rassure, en fait, que voilà, quoi. Limite que ça soit une bonne cinématique, comme ça pouvait l'être d'un jeu vidéo Assassin's Creed. Je trouve que voilà, moi, je me dis pourquoi pas, quoi. Justement, ça me rassure. Ouais, moi je serais plus partagé. Je suis pas forcément négatif, mais je me dis je vais pas au cinéma pour revoir ce que j'ai vu en jeu vidéo en fait. S'il y a pas de valeur ajoutée, je vais forcément trouver ça nul. Mais tu vois, par exemple, est-ce qu'une série comme Assassin's Creed, et d'ailleurs même je pense que c'est vrai pour le jeu vidéo en général, ça serait pas plus adapté à des séries ? Toi finalement aujourd'hui l'écriture de la série, moi je la trouve beau, c'est des trucs que tu fais, des jeux que tu fais en 20-25 heures, peut-être des fois 50, du personnage avec lesquels tu passes du temps, finalement en 1h30, 2h, bon maintenant 2h30 sur les films, est-ce que c'est pas trop court, est-ce que finalement tu casses pas tout, c'est pas trop cuté, il y a trop de raccourcis, alors que peut-être une série, je sais pas, de 10 épisodes, donc un truc qui fait 10 heures, ça serait plus intéressant. Pourquoi ils vont pas vers les séries ou vers les films d'animation, par exemple, qui se prêtent après, pour certains jeux. Comme on disait aussi, on n'a pas le même ressenti en jouant et en allant voir un film. Je sais que, par exemple, les Assassin's Creed, on peut passer des heures et des heures à chercher des coffres, à faire des quêtes annexes qui sont pas forcément intéressantes, ou c'est juste buter un mec près d'un marché ou un truc comme ça. Par exemple, on prend sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui font des cuts que de la quête principale, et ça fait, on va dire, des films, entre guillemets, des films de 3 heures, quoi. Donc si on prend juste la quête principale avec les cinématiques et tout, ça peut être vachement raccourci un jeu, en fait. C'est pas faux. Je me dis, après, si on va à l'essentiel dans le film Assassin's Creed, c'est clair que le film Assassin's Creed, c'est pendant une demi-heure, on voit Michael Fassbender ouvrir des coffres. Ça serait drôle. C'est quoi le code, putain ? Ouais, pas mal. Hein. Putain, là-bas, il y a un drapeau, attendez, je l'ai pas encore pris. Oui, il y a de la paille là. Ouais. Bon, je pense qu'on a un peu fait le tour. Oui, hein, on pourrait continuer des heures ce débat. Je vois que l'heure tourne un peu. On a été un peu bavard là-dessus. Participez dans les commentaires. Oui, voilà. Si vous avez d'autres films qu'on a oubliés, qui étaient des chefs-d'œuvre, adaptés des jeux vidéo qu'on a oubliés. Il y en a sûrement une pelletée qu'on n'a pas citée. Aussi, ce qui peut être intéressant, c'est ce que Dim proposait, c'est si vous avez des jeux que vous aimeriez bien voir adaptés en jeu vidéo, je sais pas avec quel acteur. En film, tu veux dire. Des jeux vidéo à voir adaptés en film. Des jeux vidéo en film. Bah, ou si vous pensez que finalement, est-ce que c'est vraiment possible d'adapter un jeu vidéo au cinéma ? Oui, après, ça peut être sur le débat qu'on a fait, mais après, peut-être si on veut ouvrir sur ce qu'on aimerait voir comme adaptation cinématographique. Oui. Ça serait intéressant. On va poursuivre avec des news un peu plus rapides. Oui, je vais essayer d'aller plus vite, personnellement. Non. Je ne sais pas si c'est à moi que tu regardes. Non, vous regardez vous. Bah, Greg, je te laisse commencer. Je voulais parler de Netflix. Ouais, alors j'en avais déjà parlé il y a pas longtemps, notamment de cette histoire d'uniformisation du catalogue à l'international qui avait été reprochée à Netflix. Et là, cette fois-ci, ça continue un petit peu, puisque vous vous souvenez qu'en début d'année, Netflix a décidé de couper un peu cette pratique des VPN qui était relativement répandue parmi la population et notamment certains participants de ce podcast. Quoi ? Donc voilà, avec du coup l'impossibilité d'accéder par exemple au catalogue étranger si on est de la France, puisque vous ne pouvez plus vous servir d'un VPN pour aller voir le catalogue américain. Il y a même, ça fait un peu débat, puisqu'on ne peut plus utiliser comme on veut Netflix, et il y a même des fournisseurs d'accès à Internet qui se positionnent là-dessus en disant nous on va contourner le problème et on va vous proposer de passer quand même par un VPN pour pouvoir accéder à Netflix. Aujourd'hui, ça va encore un peu plus loin. Il y a même une pétition qui a été faite sur Internet pour réclamer un changement de politique de la part de Netflix. Pétition qui, quand même, rassemble déjà 45 000 signatures et qui porte sur le respect de la vie privée, en fait, hein, qu'offre l'usage d'un VPN, puisqu'un VPN, ce n'est pas que pour aller sur Netflix, c'est aussi pour que, tout simplement, la NSA ou autre FBI ne voit pas ce que vous allez faire sur Internet. Hein, vous gardez votre vie privée. Donc voilà, il y a une pétition qui a été faite. Hein, et donc, je cite principalement l'argument qui a été dit dans cette pétition, c'est « Nous sommes des clients de Netflix parce que nous adorons vos services et nous apprécions aider les créateurs. C'est formidable de regarder des contenus de qualité et de savoir que les auteurs sont rémunérés au passage, mais nous aimons aussi notre vie privée. » Donc, ils demandent à Netflix de trouver une autre solution pour pouvoir conserver un VPN et en même temps pouvoir aller sur Netflix, puisqu'aujourd'hui, on ne peut plus le faire en même temps. Donc voilà, bien sûr, il y a un peu un prétexte là-dessous, il y a l'histoire de la vie privée, mais on se doute bien que de toute façon Netflix, il garde des infos sur vous, puisqu'il conserve votre historique de tout ce que vous avez regardé, donc il y a évidemment la possibilité derrière de pouvoir accéder au catalogue international. Du côté de Netflix, en fait, faut pas se leurrer, Netflix, ils ont envie de pouvoir partager le catalogue international avec tout le monde, mais ils peuvent pas le faire, vous le savez, pour les problèmes de droit à l'international. Alors il y en a qui proposent des autres solutions, par exemple on pourrait, en fonction de l'adresse de facturation, vous faire accéder à un catalogue. Donc vous êtes facturé en France, donc vous pouvez accéder au catalogue français uniquement par exemple. Et du coup, vous pouvez continuer à servir d'un VPN, mais de toute façon vous ne pourrez pas aller sur le site américain puisque vous êtes facturé en France. ça pourrait être une solution possible. En tout cas, il y a quelque chose d'autre qui est intéressant, c'est que très récemment, là, il y a une proposition de la Commission européenne qui a été adoptée par les pays membres, donc c'était vendredi 13 mai, là, et qui en fait propose de faire tomber les barrières de services entre les 28 pays de l'Union européenne. Hein, donc ça va être en lien en fait avec la fin du roaming, hein, donc les frais de téléphone portable qui changent entre les pays. Bah, il y aurait aussi ça comme conséquence, c'est qu'en fait, on aurait le même catalogue entre les 28 pays européens et ça pourrait être appliqué dès 2017. Donc ça pourrait aller assez vite pour qu'on ait un catalogue un peu plus fourni. Par exemple, le catalogue belge est déjà beaucoup plus fourni que le français, en tout cas beaucoup plus rapide d'accès puisque nous, on a le problème de la chronologie des médias. Donc voilà, moi je suis curieux de voir comment ça va évoluer. En tout cas, 2017, c'est pas si loin pour avoir un nouveau catalogue peut-être un peu plus fourni sur Netflix. Donc Netflix, juste excuse-moi, juste pour comprendre, les VPN marchent plus aujourd'hui. Non, si tu vas, alors en tout cas chez moi, j'ai essayé, hein, notamment avec Ola, puis un autre VPN, d'aller sur le catalogue américain par exemple. Bah, en fait, il te dit bah non, désolé, ça marche pas, vous avez un VPN. Et du coup, tu peux juste pas voir le film. Je suis sûr que c'est pas légal ça. Bah a priori c'est pas légal en plus de détecter si tu as un VPN. Déjà, un site n'a pas le droit de détecter que si voilà, c'est tout bloc. Récent. Donc ça c'est récent, c'est pas encore passé dans la législation européenne, ça risque d'être le cas un jour, donc il va falloir que de toute façon Netflix contourne ce problème assez rapidement. OK, super. Bon, intéressant. Je vais revenir très rapidement, moi je vais parler avant de vous céder la parole, sur une news que Julien tu avais fait toi lors du podcast 28 en parlant du cinéma français qui était en colère. En colère parce que le gouvernement, par le biais de la ministre de la Culture Aurélie Filippetti, voulait passer sous silence le fait qu'il y ait des dysfonctionnements dans le cinéma. Donc ces dysfonctionnements, je rappellerai brièvement, en fait, on se plaignait que, enfin, les gens du cinéma se plaignaient qu'il y ait une concentration des entrées sur les salles des grands circuits, qu'il y ait trop de multidiffusion, à savoir qu'un même film est diffusé dans sur plusieurs écrans au sein des mêmes salles, qu'il y ait une accélération de la rotation des films, les films notamment de moins en moins en salle, ça c'est vrai qu'on le voit vraiment, qu'il y avait des productions qui avaient du mal à même être diffusées dans des salles d'arrêt d'essai, tellement il y avait de films qui arrivaient toutes les semaines au cinéma, les films les plus faibles, on va dire, ou ceux qui avaient un moins fort potentiel, avaient du mal à accéder aux salles d'arrêt d'essai. Voilà. Et puis il y avait aussi des relations difficiles entre distributeurs et exploitants du fait qu'il y ait trop de films qui arrivaient toutes les semaines au cinéma. Donc tous ces dysfonctionnements-là qui fait qu'il y a des petits films français qui ne peuvent plus sortir au cinéma, eh ben, vous voulez être passé sous silence par la ministre de la Culture lors des concertations qui avaient lieu au CNC. Et ces concertations ont abouti récemment justement à un nouvel accord qui a été signé par une grande partie des gens du cinéma. Et cet accord va changer légèrement le paysage cinéma français. C'est pour ça que je voulais en parler, c'est pas juste des mots, mais il va y avoir des obligations pour les grandes salles de cinéma à diffuser plus de films d'auteurs. Alors je vais vous dire exactement ce que sont les différents points en fait, en quoi tient cet accord. C'est pas très technique, hein, vous inquiétez pas. C'est un accord qui va durer 3 ans. Et par exemple, les grandes salles seront limitées dans la multidiffusion. C'est typiquement, par exemple, Cécile Boire qui était diffusé dans, je crois, 3 salles au Hall, 2 salles à la Défense. Voilà, ça va être vraiment encadré. Donc après, comment ils vont l'encadrer, c'est autre chose. Ils vont créer un observatoire, etc. Donc, mercredi, ils vont venir. Oui, les gens. Vraiment, ça va être ça. Il y a un observatoire de la multidiffusion qui va être créé. Donc je ne sais pas vraiment comment ils vont réussir à réguler ça. Il va y avoir une réponse très française de la chose, c'est qu'il va y avoir un quota de diffusion pour les films européens. Voilà, ça c'est très français, je trouve. Donc il va falloir... Une commission de diffusion des films français. Non, mais il va falloir diffuser plus de films européens qui sont peu diffusés. Il va falloir les diffuser en France et il va falloir que ces films restent au minimum 2 semaines à l'écran. D'accord. C'est-à-dire que dans les UGC, vous verrez peut-être arriver, je dis UGC, mais autre grand, MK2, Gaumont-Pathé, vous verrez peut-être arriver des films d'arrêt d'essai qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ces salles-là, qui seront obligés de rester au moins 2 semaines. Ça, c'est un peu bizarre, cette démarcation presque par pays, enfin par continent, quoi. Ouais, mais je sais pas. Bon, les Américains, ils nous font des gros films popcorn et nous on veut promouvoir le cinéma d'arrêt d'essai européen, quoi. C'est assez limité comme point de vue. C'est très difficile de savoir ce que ça cache en fait, ouais. Et comment ils vont délimiter, comme tu dis, l'arrêt d'essai du gros film. Il va falloir valoriser les petits distributeurs, c'est-à-dire que tous les petits distributeurs qui ont des films qui font moins de 2 millions d'entrées en moyenne, eh ben ils auront plus facilement accès aux grandes salles. D'accord. Bon, pourquoi pas. Et il va falloir que dernier point, ça c'est un peu plus technique, il va falloir qu'au moins 17% des films d'arrêt d'essai dans les agglomérations de moins de 50 000 habitants, il va falloir qu'il y ait au moins 17% de films d'arrêt d'essai. Oh putain, c'est précis. Dans les petites villes, il va falloir. Vous en avez 16%. Voilà, exactement. Pas de chance. Donc en gros, ces accords-là sont pour 3 ans. Ça prévoit de, en gros, juguler un peu le flot des grandes diffusions de films américains pour redonner plus de place aux petits films européens et d'arrêt d'essai français. Est-ce que ça va marcher ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, les acteurs français, donc la SACD par exemple, ou des grosses sociétés de production françaises ont signé ces accords. Ils sont plutôt enthousiastes. Ouais. Après, savoir si c'est efficace, si ça va changer les choses, je sais pas. Difficile à dire, hein. Difficile à dire. Ouais, difficile à dire en effet. J'ai regardé vraiment l'accord parce qu'il était, il est vraiment disponible l'accord sur le site du CNC. C'est assez technique. Je suis pas sûr que ça change grand chose. Par exemple, pour les halles qui a 27 salles, il disait par exemple la multidiffusion est limitée. Vous n'avez droit de, vous êtes obligation pour vos 27 salles de garder 23 salles pour les films, enfin les autres films. Vous pouvez pas diffuser en multidiffusion plus que. Ouais bon. C'est-à-dire qu'il faut garder 4 salles. Vous pouvez utiliser que 4 salles pour la multidiffusion. C'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme. Ouais, je vois pas en quoi ça va limiter. Ouais, c'est déjà le... Moi, c'est ce qui se fait pour. Oui, voilà. En fait, je trouve que c'est pas très contraignant, mais bon. Non, mais après, ils avaient peut-être peur aussi d'une escalade. Je veux dire, je sais pas, ils sont là, Civil War, ils vont le diffuser en 10 salles. Enfin, peut-être, tu vois, ils peuvent augmenter les salles s'ils voient qu'ils peuvent pas. Enfin, que les salles sont pleines, quoi. Oui, oui, peut-être. Je sais pas. Ça m'amuserait qu'il y ait des films d'arrêt d'essai plus facilement accessibles à l'UGC. Mais après, si, je sais pas si ce serait pertinent, si. Après, il faut voir ce qu'on appelle aussi des films d'arrêt d'essai. Hein, si tu veux. Oui, voilà. Débat. Et puis, le système de quotage, ça serait presque un débat en soi. Qu'est-ce qu'un quota ? Enfin, à quoi sert un quota ? Est-ce que c'est vraiment utile, nécessaire, etc. Enfin, ça serait tout un autre débat, mais voilà. Bon, à voir. Si vous observez des modifications dans le paysage audiovisuel dans les cours des mois à venir, pourquoi pas ? Dites-le nous, hein, ça peut être intéressant à noter. Qu'est-ce qu'il y avait, Julien ? Ben, oui, de quoi tu veux que je te parle ? Bah, magique. Ah, tu vas d'accord, tu veux qu'on... Non, c'était pas ça ta première. Bah, non, mais c'est parce que d'habitude. Non, mais d'habitude tu fais d'abord cinéma. Ah, parce que c'est pas cinéma ça. Non, c'est musique. Ah, pardon. Mais je peux le faire. Alors, qu'est-ce que t'as en cinéma ? Bah, je peux te parler. Voilà, je vais trouver deux petites news thématiques sur que j'ai appelé rivalité. Ah bah voilà, très bien. Voilà. Parle-moi de rivalité. En fait, parce que j'ai noté deux projets, donc c'est un film et une série qui sont en préparation et qui exploitent le thème de la rivalité entre deux personnalités célèbres, un peu comme on a eu Batman versus Superman ou dans Rush, dont on a souvent parlé ici d'ailleurs. Je l'ai toujours pas vu, mais c'était sur James Hunt et Niki Lauda. Et le premier projet, donc, c'est un film qui s'appelle Björk versus McEnroe. Donc, c'est un biopic, j'ai envie de dire, tennistique. Hein, ah, je ne sais marrant. Pas si le. Tennistique des années 80-90. Ouais, c'est ça. Parce que Björk McEnroe, c'est 80-90. Ouais, oui. Peut-être même 70 pour le début de Björk, non ? Ouais, peut-être. Bon. Hein, ouais, les fans de tennis et de la petite balle jaune nous corrigeront. donc, c'est réalisé par Janus Metz Pedersen, que je ne connaissais pas du tout et qui est comment cité pour avoir réalisé un épisode de True Detective, épisode 3, saison 2. Ah, alors, tu vois là maintenant, c'est ça. Il a réalisé un plan dans la saison 8 de machin. Ouais, pas tellement connu. Le tournage est en cours à Stockholm. Donc Björk sera incarné par Sverrir Gudnason, que je ne connais pas du tout non plus. Il a joué dans The Circle, chapitre 1. Donc je ne sais pas si ça parle à Dim. Si tu as pas vu ce tout. Film, The Circle chapitre 1, je crois que c'était un film d'horreur, mais peut-être pas. Pour le coup, j'ai pas vérifié. Et plus connu, donc l'irascible John McEnroe sera interprété par un autre barré, Shia LaBeouf. Ça, c'est Shia LaBeouf, on le présente plus, mais je trouve que pour incarner John McEnroe, qui est, pour ceux qui connaissent un peu le tennis, qui était quand même une personnalité assez particulière et assez énervée du tennis. Voilà, Shia LaBeouf, je trouve que c'est plutôt un bon choix. Ouais, c'est on le voyait plus trop en plus au ciné, Shia LaBeouf. Non, c'est vrai que là, j'arrive même plus à me rappeler ses derniers rôles. Bah, il est sur la croisette en ce moment. Ah, il est dans un film. Après, on le voit beaucoup en dehors des plateaux de ciné, mais dans un film, ça faisait bien longtemps. Hein. Et l'autre projet, donc là, c'est une série pour le coup qui nous vient de Ryan Murphy. Donc Ryan Murphy, quand même assez connu puisque c'est l'auteur de Nip Tuck, de Glee et dernièrement d'American Horror Story et de American Crime Story. Et en fait, là, le principe de rivalité, c'est justement tout le concept de sa nouvelle série qui s'appelle Feud. C'est une série en fait en 8 épisodes qui va s'intéresser aux combats et aux affrontements célèbres de l'histoire. Donc la première saison sera consacrée à la rivalité entre les actrices Joan Crawford et Bette Davis sur le tournage de Katie l'arrivée à Baby Jane. Donc apparemment, j'ai vu un peu la bande-annonce de Katie l'arrivée à Baby Jane. Et quand on lit un peu à côté, il y avait une grande rivalité entre ces deux actrices. Si ça peut pousser les gens à découvrir ce film, voilà. C'est intéressant. Donc c'est Suzanne Sarandon qui jouera Bette Davis et Jessica Lange qui va jouer Joan Crawford dans cette super casting. Ce qu'on appelle une anthologie, c'est-à-dire que la première saison est consacrée uniquement... c'est le principe de... Voilà, par exemple, de ce que fait Murphy, et aussi c'est American Crime Story aussi. Black Mirror, ils font pas ça aussi ? Black Mirror, c'est un épisode. Ouais, c'est des épisodes qui sont. C'est comme la quatrième dimension, c'est à chaque fois des épisodes différents. Ouais, voilà, là c'est peut-être. Ouais, non, c'est un peu différent. C'est chaque saison une anthologie, ouais. Ouais, c'est pas. Là, pour le coup, ils appellent ça quand même une anthologie. Oui, non, mais je veux dire. Murphy. Black Mirror, tu parles ? Oui. Ouais. Murphy, c'est chaque saison. Ouais, chaque saison est consacrée à vraiment un seul événement, et après, il y a une grande thématique autour. Très beau casting. Voilà. Là, ouais, franchement, Suzanne Sarandon, Jessica Lange, ça donne envie là, ce que tu racontes. Pas mal, hein. Ouais. Ryan Murphy, il a fait plutôt des bonnes séries. Ouais, ça va, c'est vrai. Il y a pire. Tu as fini pour cette news ? Oui, juste pour dire qu'il va réaliser aussi lui-même des épisodes. Ah, donc, c'est toujours sympa. c'est toujours bien. Dim, on connaît enfin le jeune Yann Solo. Voilà, exactement. Bon, après les auditeurs, ils vont commencer à savoir à chaque fois de quoi je vais parler, donc c'est-à-dire de Star Wars. Donc ouais, voilà, on connaît enfin le nom de l'acteur. Il s'agit de Alden Ehrenreich. Alors désolé si je prononce mal son nom. Il vole la vedette aux deux favoris de beaucoup, c'est-à-dire Taron Egerton qui avait joué dans Kingsman et Anthony Ingruger qui jouait Harrison Ford jeune dans le film Adaline. Donc Alden Ehrenreich, que je vais appeler Al, hein, ça sera plus simple. Oui, je pense aussi. Hein. Tu vas l'appeler comment? Alain? Al. Ah Al. D'accord, j'ai compris, Alain. On peut l'appeler Alain aussi. Hein. Bob. On a pu le voir dans le dernier film des frères Cohen, Hail César. Donc pour ma part, et je crois qu'on en avait déjà parlé dans un précédent podcast, enfin moi j'avais moyennement apprécié le film, mais lui ça restait une des bonnes surprises dans son rôle de star west, de western, qui cherchait à diversifier ses rôles, mais qui était complètement à la ramasse. Ouais, il était très bon. Bref, un loser magnifique comme les Coen aiment bien les mettre en scène. Donc pour la petite anecdote, c'est carrément Spielberg et Coppola qui a appuyé sa candidature auprès de Kathleen Kennedy, la productrice de Star Wars, pour qu'il obtienne le rôle. Putain, le pistolet, c'est clair. Ah ouais, c'est clair. Et pour la, d'ailleurs, je crois qu'il va jouer dans le prochain Spielberg aussi, là, adapté d'un roman Ready Player One, il me semble. Ouais. Qui parle de oui, dont on avait parlé ici. Ouais. Et pour la peine, bah, les excellents Phil Lord et Chris Miller, les réalisateurs du film, ont posté une photo sur Twitter du blaster du contrebandier sur la console du Faucon Millennium, histoire de teaser un peu plus les fans. Et le film sortira en mai 2018. Et bah, j'en profite pour faire une petite parenthèse sur Phil Lord. Non, le mec, il fait des Inception de... faut absolument que vous alliez voir les premières images de leur nouvelle série qui s'appelle Son of Zorn. C'est maintenant une des séries que j'attends le plus. J'en ai entendu parler dans une autre news, mais je rappelle un peu ce que c'est. C'est un barbare en dessin animé un peu inspiré de Musclor qui débarque dans le monde réel, dans une petite banlieue typique des États-Unis. Ça m'a vraiment fait marrer de voir un perso comme Musclor, assis pépère sur un canapé avec sa femme, sortie de Desperate Housewives, ou encore près d'un garage, avec au lieu d'avoir une voiture, un aigle géant de combat. Enfin bref, un gros what the fuck comme je les aime. Je crois que la bonne annonce est sortie aujourd'hui, donc bah, n'hésitez pas à aller la voir. J'ai pas vu encore, mais the ça, son après, ça of... promet. The Son of, son of Zorn. Of Zorn. Zorn. Ça va plaire à Chatroupute, ça. Je pense. Julien, tu voulais nous parler du chiffre fuck. Ouais, c'est une nouvelle rubrique que j'avais créée. Encore une rubrique, non, ouais. Je l'avais créée il y a un mois, mais je ne l'avais pas inaugurée parce que le chiffre était finalement passé et ça n'avait plus aucun intérêt. Donc le chiffre fuck, c'est quoi? C'est un peu le chiffre du diable. C'est une réussite dont apparemment beaucoup de critiques ou d'observateurs se seraient bien passés. Donc par exemple, tout en haut de cette échelle du chiffre du diable, on pourrait avoir, bon là pour le coup j'invente, imaginons que si Les Visiteurs 3 devenait le plus gros succès du cinéma français, là ça serait une sorte de fuck ultime lancé contre la critique, les Césars et tout le bon goût bobo intello français. Donc là, il pourrait faire un gros fuck. Donc là, le chiffre fuck de la semaine que j'ai choisi, c'est 10 milliards de dollars. Alors, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Non. 10 milliards de dollars, non. Donc je ne sais pas, Dim, 10 milliards de dollars, est-ce que ça te dit quelque chose? Non, pas vraiment. Donc en fait, c'est ce que les films du Marvel Cinematic Universe, hein, le fameux MCU, ont rapporté dans le monde entier en 8 ans et 13 films. Donc depuis 2008, ils ont empoché en recettes 10 milliards. Ça va, tranquille. Ouais, ça va, oui. Donc alors, je l'ai mis dans le chiffre fuck parce que, bon, ici, on aime bien, chez Upcast, on aime bien les films Marvel, mais on trouve quand même qu'on a un peu trop. Mais le succès insolent fait que bah, finalement, bah, ils peuvent nous faire un gros fuck. D'ailleurs, je vois bien Mickey nous faire, comme ils ont racheté pour 4 milliards, je vois bien Mickey nous faire un joli doigt d'honneur. Et en plus, nous dire, bah, on vous emmerde, puisque côté Marvel, on le sait, sont prévus Doctor Strange, les Gardiens de la Galaxie 2, Thor Ragnarok, Black Panther, Avengers Infinity War partie 1 et partie 2, Ant-Man and the Wasp, Captain Marvel. Donc voilà, les 10 milliards là. Les reboots de Spider-Man. Et tu vois, moi, je pensais bêtement que Civil War, ça allait se planter. Je m'étais dit, ah, ça y est, les gens en ont marre, Civil War, ça va jamais marcher, ça va atteindre genre le milliard dans pas longtemps. Alors justement, j'ai les chiffres de la décomposition de ces 10 milliards. Donc déjà, Captain America, c'est un de ceux qui marche le mieux parce qu'il en est déjà presque à 1 milliard. Le dernier, Civil War. Ouais. Il en est déjà à 940 millions. Le truc est sorti il y a 3 semaines, quoi. Voilà. Et sachant que le plus gros succès de Marvel, c'est Avengers, donc le premier qui avait fait 1 milliard 500 millions de dollars. Pas loin déjà, quoi. Et alors moi, ce qui est marrant, c'est que par exemple, tu vois un truc comme Iron Man. Le 3 a fait carrément 1 milliard 200 millions. C'est-à-dire, il a fait la totalité des deux premiers Iron Man. Alors que moi, je trouve que c'est le moins bon des trois. C'est le film de super-héros qui a le mieux marché hors film d'équipe Iron Man 3. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est par contre, moi, celui que je préfère, c'était Les Gardiens de la Galaxie. Et il a fait donc 700 millions, 773 millions. Un peu de la merde. Ils sont un peu vautrés. Ils sont un peu vautrés, là. Mais tu vois, c'est quand même deux fois moins que les Avengers et même que l'ère d'Ultron. Ah, qui était pas c'était moins connu, c'était moins connu. Voilà, c'est moins connu, mais bon, je trouve quand même meilleur. Ou même par exemple que il a fait le même score que le Soldat d'hiver. Donc bon, ouais. En même temps, finalement là, avec Civil War, on voit qu'ils vont vraiment, ils ont déjà dépassé. Ils vont aller loin. Le Soldat d'hiver et First Avenger. Le premier Captain America. Quand même Robert Downey Jr. il doit cachetonner mais grave parce que c'est lui qui ramène tout le monde à chaque fois. Bah, le mec qui son personnage Tony Stark ça. Le mec qui fait aussi Captain America aussi parce que là il va s'approcher du milliard bientôt quoi et on n'a qu'à 3 semaines d'exploitation. Tu te rends compte? Bah ouais. Et ouais non et Iron Man 3 par exemple en France ça a fait autant d'entrées que Avengers. Ah ouais. Putain. Mais je me rappelle quand il est sorti tout le monde allait le voir je sais pas pourquoi. Moi ouais, je l'ai pas aimé du tout celui-là. Je trouvais que c'était celui trop. Je pense parce que Avengers c'était la grosse surprise et puis voilà il y avait une grosse attente. On va dire ce qui allait se passer après la période post-Avenger. Et puis bon, après, il n'y a pas à chier, je trouve Robert Downey Jr. Ouais, c'est lui. C'est peut-être pas mon préféré, mais bon, c'est lui le patron, quoi. Ouais, c'est lui qui ramène les gens. Hein. Ouais, ça c'est évident. J'ai quand même du mal à croire que les gens attendent, tu vois, de voir la suite. Genre, ah, on a vu Avenger, on a envie de savoir ce qui se passe après, on va voir Iron Man 3. Tu vois, moi j'ai toujours du mal à savoir lequel est avant lequel est après lequel, qui a fait quoi. Ce que je t'ai déjà dit, Greg, c'est que maintenant c'est plus devenu une série télé. Le problème, c'est au cinéma, quoi. Moi j'étais voir Civil War par exemple, j'avais vu Le Soldat de l'Hiver juste avant, donc je savais de qui on parlait quand Le Soldat de l'Hiver est revenu, mais il y avait un mec en rouge qui traversait les murs, je savais pas qui c'était. Alors qu'il était dans un autre film de Marvel, je sais plus quel mec tu m'as dit. La Vision. C'est Ant-Man, non? Non, c'est Vision. C'est Vision. Ah oui, Vision, ouais, bah, il est apparu dans Ultron. Voilà, Ultron, c'est-à-dire que si tu suis Captain America, tu peux pas savoir qui est Vision, quoi. Moi j'ai vu Ultron, je me rappelle même pas. Hein. De toute façon, Marvel, ils ont fait une déclaration, ils ont dit que maintenant ils s'en fichaient des gens qui prenaient les films. On a bien remarqué. Hein. De toute façon, ça marche, quoi. Ils s'en fichent, ça marche, et puis voilà, maintenant ils estiment que c'est des films pour les fans et voilà fait pour les fans et bon voilà il y aurait bon, tout après, un... c'est pas non plus dramatique de voir non je suis d'accord j'ai apprécié quand même donc en gros ils font 10 milliards et ils vous font un gros fuck exactement non, enfin, on met les types qu'on veut dans qu'il y aurait un débat intéressant à faire sur la mythologie Marvel par rapport de nos jours mais bon on verra ça surtout avec tout ce qu'ils ont inspiré maintenant tout le monde veut avoir son pour univers, moi c'est le mythe moderne hein. Ça remplace je vais injurier beaucoup de gens mais ça remplace tout ce qui est Bible et Coran. Bon. Alors, on se dissocie de ses propos. Oui. Upcast se dissocie de ses propos. Nous ne sommes pas responsables de ce qui a été dit. Pour moi, il y a eu la mythologie biblique. Ensuite, il y a eu la mythologie grecque. Je vais couper le micro de Stan. Et maintenant, il y a la mythologie. Je suis désolé, je suis très sérieux. C'est pas la première fois que c'est comparé à la mythologie grecque. Je suis désolé. Il y a eu la mythologie biblique, il y a la mythologie grecque, et maintenant il y a la mythologie Marvel. On va pas faire ce débat maintenant. Je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est des récits mythologiques. Après, est-ce que ça remplace? Oui, voilà. Je pense que insidieusement. J'ai l'impression que la religion est quand même plutôt encore pas mal d'actualité dans pas mal de pays. Je suis d'accord. Mais je pense très honnêtement, mais ce sera un débat. Je pense très honnêtement que dans notre contrée à nous, c'est un sursaut avant de mourir. Je pense qu'il y a des gens qui sont marveliens. Non, mais le mec. J'ai vu peu de gens s'agenouiller devant quelqu'un de Mais je suis désolé, tu demandes un bouclier chez eux. Tu demandes à n'importe quel mec lambda de te raconter quelque chose de Marvel, il saura mieux que de te raconter un épisode biblique. Je suis désolé. Ça veut pas dire que c'est pas plus... ça remplace dans la culture. Je suis désolé. C'est pas parce que c'est plus connu. Mais non, que mais les ça, gens, on a la même relation. Je suis sûr que ça vous fait rire. Mais par exemple, vous demandez à quelqu'un de raconter le mythe de Deep, personne ne saura rien. Ouais. Bon. Voilà. Et ben, demande à quelqu'un de dire quelle nana a couché avec tel mec dans Game of Thrones. C'est comme quand Ultron et qui vient Tony Stark. Voilà. Je suis désolé, ça vous fait rire aujourd'hui, ça nous fait certainement tous rire, hein. Mais je suis sûr que c'est une mythologie qui est en train d'écraser, ça s'appelle le soft power, et je suis sûr que c'est en train de gagner, mais tranquillement. Mais je suis assez d'accord avec toi complètement que c'est des mythologies nouvelles, et même depuis la création des. Et on s'en rend pas compte que c'est en train de remplacer des comics super-héros. Ça part des récits mythologiques, ça part aussi des récits historiques. Voilà, ça mélange un peu tout ça. Ils ont bien fait. Il y a un syncrétisme. Mais c'est un débat, ça sera un débat très long. Ça sera une bonne idée pour un débat pour Doctor Strange ou Suicide. C'est vrai que la façon dont je l'ai balancé, évidemment, c'est comique. J'ai bien conscience. Ça écrase la Bible. Ah, d'accord. J'en ai bien conscience, mais je suis désolé. Posé de manière réfléchie. Donc, tu penses qu'il y a une époque, après, il y a des gens qui sont fans de Captain America, ils vont se battre contre d'autres gens qui sont fans de Spider-Man. Non, mais je pense que vraiment, dans la culture populaire, les références bibliques et autres sont plus d'actualité. C'est déjà un peu le cas sur les forums. Non, mais c'est vrai, c'est déconné. J'ai jamais vu autant de débats aussi virulents que depuis la sortie de BVS où il y a les pros. On fera un débat là-dessus. Ouais, les infidèles de Captain America. De manière posée, ça peut être un débat. Oui, mais c'est intéressant de parler de la mythologie de. Notons-le comme idée. Parce que je pense que c'est du soft power en masse là. Vraiment, on invitera peut-être des chercheurs du CNRS et tout pour pas faire trop de débordements. Sinon, on va se prendre des fatwas, les gars. On va se faire des trucs. Ça va être monstrueux là. Avant de sortir du domaine de. Avant de passer au domaine de la musique, pardon, plutôt, les gars, Dim, je vais te redonner la parole parce que tu veux nous parler des news sur des séries anglaises. Ouais, donc un petit tour vers une série anglaise. Donc, c'est pas un retour d'Eisenberg dans Better Call Saul. Zut, le nom de l'acteur, j'ai oublié. Bryan Cranston est bien de retour dans une série, une série produite par Channel 4 et Sony, ce que m'a dit Julien tout à l'heure. Ouais. Et ce ne sera pas n'importe quoi, elle s'intitule Electric Dream, The World of Philip K. Dick. Donc la série est écrite par Ronald D. Moore, le showrunner de l'excellente série Battlestar Galactica. Michael Diner, le showrunner de Justified, qui est... une série qui est plutôt pas mal. Et Master of Sex aussi, qui est très bien. Ah oui, ouais. D'accord. Et par Cranston lui-même. Donc, si j'ai bien compris le concept de la série, ça sera inspiré des nouvelles de l'auteur. Donc, peut-être une série un peu comme Black Mirror, avec une histoire différente par épisode. Ouais, 10 épisodes, c'est ça, apparemment. Voilà. Aussi, en parlant de série anglaise, le showrunner Howard Overman, pour moi la mythique série Misfits, a annoncé son nouveau projet qui s'intitule Crazy Face, qui suivra l'aventure de deux filles âgées d'une vingtaine d'années qui se découvrent des pouvoirs de chasseuses de démons. Donc j'imagine déjà bien des nanas bien trash et vulgaires comme il peut les écrire à la Misfits, mélangé avec un fantastique bien classe et inventif, comme sa série précédente pouvait le faire. Donc la bonne nouvelle, c'est que la série sera diffusée sur Netflix sûrement courant l'année prochaine. Cool. Voilà. Cool. Ok, super. J'aime bien les séries anglaises. C'est clair, c'est les meilleurs. On va passer maintenant un peu plus à la musique. Alors Julien, tu voulais nous parler de Magic, ouais, de fin. Ouais, une mauvaise nouvelle qui nous vient de la presse papier. Donc Magic, la revue pop moderne, hein, c'est fini. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Magic, peut-être que tu ne connais pas Magic, Stan. Non. C'est un mensuel musical qu'on aimait beaucoup. Alors ici, donc je parle pour moi et pour Greg, même si je pense que Greg a dû pester pour son abonnement. Ouais, je suis un peu dégoûté, j'avoue. C'est marrant parce que juste avant, il y a quelques temps, on en parlait. Je sais plus, il y a peut-être une semaine de ça. Il recevait jamais en fait, il est abonné, mais il recevait jamais le... Je me suis abonné, en fait, j'ai été abonné pendant 7 ans à Magic, et je me suis rabonné l'année dernière, en août, voilà, pour tout savoir, pour la petite histoire, hein, nos auditeurs apprécieront, et donc je n'ai jamais reçu un seul numéro, donc forcément on a eu des relations un peu tumultueuses, Magic et moi, dans cette dernière année, parce que je leur ai envoyé des mails de menaces, des choses comme ça, envoyez-moi mon Magic s'il vous plaît, parce que c'était effectivement un magazine que j'adore, un magazine, donc ce revue pop moderne, et je comprends mieux maintenant pourquoi ils ne m'ont pas envoyé ces magazines. Et il n'y avait tout simplement plus personne pour me répondre, en fait. Hein, donc, tu vas jamais plus jamais recevoir ton Magic. Voilà. Alors, Magic, ça existait depuis mars 1995, hein, ça fait 21 ans. Ouais. Il y aura eu plus de 200 numéros. Là, ils en étaient au 201 et je pense qu'ils ne comptent pas les hors-séries, il y en avait quand même pas mal. Ouais, pour le présenter rapidement, c'était un magazine, on va dire, assez exigeant quand même. Éclectique et exigeant, je dirais. Avec une idée directrice, c'est parler de ce qui fait la pop actuelle, pop au sens très large, à travers des news, des chroniques et surtout des longues interviews. Je trouve que c'était un peu la marque de fabrique. Moi, je l'ai découvert quand je me suis un peu désintéressé des un rock qui était devenu un news culturel qui parlait surtout de politique. Voilà, quand ils ont pris un autre tournant, où je voulais vraiment un mag qui parlait que de musique. Et je l'ai acheté assez régulièrement. C'était plutôt bien foutu. La rédaction, donc en fait, ils ont expliqué que l'arrêt du magazine dans une lettre publique adressée au lecteur, elle était due comme souvent aux problèmes qui touchent le secteur de la presse papier, donc à des ventes. Hein. Donc ils disaient, je lis rapidement ce qu'ils mettaient parce que c'est assez intéressant. Comme l'ensemble du secteur de la presse, Magic Revue Pop Moderne connaît depuis quelques temps des difficultés économiques. Nous avons cherché des solutions, nous avons cherché des partenaires, des repreneurs, mais aucune piste ne s'est concrétisée. En l'état, il est donc probable que le numéro 201 de la revue daté du mois d'avril 2016 soit le dernier. Grâce à la loyauté et la passion toujours gaillarde de nos pigistes, photographes et proches équipes, nous avons pu malgré tout sortir jusqu'au bout, on l'espère, un magazine riche et vivant. Et là, pour l'occasion, ils avaient partagé une dernière une en forme d'épitaphe. Hein, c'était assez sobre, blanc sur noir, et qui évoque les oscillations de l'album de Joy Division qui s'appelait Unknown Pleasure. Donc là, c'était, les oscillations étaient toutes plates, contrairement à la pochette. Donc plutôt une belle petite. Un peu triste, hein, triste. Un peu triste, voilà. Ouais. Et alors, pour les gens qui apprécieraient ce genre de magazine, est-ce qu'il y a des palliatifs? J'ai envie de dire, c'est un peu triste comme mot, mais est-ce qu'il y a des remplaçants? Ça va être très difficile parce que. Au niveau papier, peut-être au niveau web, est-ce qu'il y a des sites qui pourraient remplacer au niveau contenu, un contenu aussi fourni que ça? Moi, aussi. Je dirais non. Non. Honnêtement, non. C'est vraiment une perte. Quoi. C'est vraiment une très grosse perte dans le sens où le contenu était hallucinant de qualité. Et vraiment, et, par exemple, si tu lisais les critiques d'albums, le niveau était incroyable. Enfin, vraiment, c'était incroyable. Chaque chronique, chaque critique était très bien écrite, avec qui te renvoyait vers des autres références, qui t'expliquait chaque morceau, il s'attachait aux paroles, etc. Et au-delà de ça, donc au-delà de cet aspect critique et chronique qu'on peut retrouver sur certains sites quand même. On parle de Pitchfork, tu veux voilà, dire Pitchfork, notamment, il y avait aussi une dimension que les gens voient peut-être moins sur Magic, qui était une dimension du soutien aussi. Un soutien de la musique française notamment, c'est un magazine qui a régulièrement mis en avant des artistes un peu Patrick méconnus, Bruel. Voilà Patrick Bruel par exemple, hein, ce genre de petits artistes. Non mais c'est vrai qu'ils avaient une tendance à bien soutenir tout ce qui était la scène underground française. Et parfois moins underground, hein, ils étaient particulièrement amis avec Étienne Dao notamment. Ouais, ou Jean-Luc Murat qui faisait souvent la couve. Voilà, exactement. Mais voilà, ils savaient aussi montrer des plus petits groupes. Ils avaient soutenu pas mal La Femme par exemple, qui s'était bien fait connaître notamment par rapport à eux, enfin grâce à Magic. Et puis c'est vrai que ça, dans les sites internet, on retrouve moins cet aspect soutien et l'aspect, comme tu l'as dit, interview qui était aussi de très bonne qualité puisqu'ils avaient des références extrêmement pointues. Une vraie ligne éditoriale intéressante. Quoi. Ouais, après, c'est aussi le jeu de la presse musicale française faisait qu'aussi les magazines comme ça, ils sont souvent obligés de choisir. Enfin, ça, c'est aussi par goût. Mais tu vois, c'est-à-dire que si par exemple Rock & Folk fait sa une ou met disque du mois sur un artiste, les Inrock vont pas forcément faire la même chose. Donc parfois, ça donnait des guerres un petit peu stupides où ils mettaient des une étoile, je sais pas, aux Strokes ou je sais pas, à The Kills. Ils vont plutôt soutenir des groupes style Girls ou voilà, d'autres groupes comme ça. Donc des fois, il y avait un peu des petites guerres d'ego entre les magazines. Mais voilà, c'était un magazine qui avait une vraie ligne éditoriale, comme tu dis. Et surtout, moi, ce qui va manquer, je disais encore, c'est les interviews. Je pense que c'est difficile de trouver ça sur la presse web parce que forcément, les chroniques, tout le monde peut en faire, tout le monde peut en écrire, des papiers. Mais les interviews qui faisaient parfois 4-5 pages, c'est quand même plus compliqué. Bon. Grosse perte. Ouais, c'est presque grosse triste. Hein. Même moi qui n'aime pas la musique, je trouve que c'est. La musique, j'aime pas ça. J'aime pas la musique. T'aimes bien Goldman quand même. Non, même moi qui ne suis pas mélomane. Tu achètes Chorus ou. J'écoute pas de musique, voilà, c'est aussi bête que ça. voilà, je trouve que c'est dommage une telle perte de contenu. Avant de clore cette partie divertissement, je crois que Grégoire, et je mets entre parenthèses Julien, malheureusement, ont une news secrète. On a une news secrète qui, malheureusement, Stanislas, va pas te réjouir puisqu'elle porte sur la musique. Oh, mais j'adore la musique. Donc la news secrète pour les gens qui ne connaissent pas podcast ou qui n'ont jamais entendu de news secrète sur podcast, c'est tout simplement une news dont les autres ne sont théoriquement pas au courant, hein, pas au courant dans le fil conducteur partagé. Alors malheureusement, Julia et moi, cette semaine, on a prévu de faire la même news secrète, donc ça c'est quand même un truc qui n'est jamais arrivé auparavant. News secrète qui consiste tout simplement à faire deviner, ou en tout cas à faire essayer de deviner aux autres, en l'occurrence ici, les artistes les mieux payés de la planète, hein, donc dans le domaine de la musique, les groupes et chanteurs les mieux payés de la planète en 2015. Donc voilà, alors j'ai une liste sous les yeux de 40 artistes, donc quand je dis artistes, c'est comme je l'ai dit, artistes individuels ou groupes, qui ont le plus gagné d'argent en 2015. Oh, putain. Je vais vous dire le premier, parce que de toute façon, Julien s'en souvient. Je l'ai oublié, tu sais que les choses... Je ne peux pas vous le dire. Et c'est tellement difficile, et on verra après. Ah oui, oui, j'ai retrouvé le nom. J'ai oublié. J'ai retrouvé. Dans cette liste de 40 noms, je vais vous demander de trouver peut-être trois noms. Des artistes qui ont le mieux gagné leur vie en 2015 dans le domaine de la musique. Je t'aurais bien dit Michael Jackson, mais... Allô. Alors, je pense qu'ils sont en vie, ces artistes. Ne parle pas des... Dimitri, si tu as des avis, tu peux essayer. Tu peux aussi tenter. J'ai envie de placer Kanye West, mais... Kanye West n'est pas dans la liste. Mais j'avais surtout envie de le placer parce que j'ai enfin écouté du Kanye West après le trailer d'Assassin's Creed, justement, et... Mais les gars, c'était un troll en fait ce que vous me faisiez le coup qu'on avait fait un débat là-dessus. C'est nul. Bien joué, Dim. Ouais. C'est nul. Voilà une bonne critique, bien constructive, Dimitri. Hashtag c'est nul. Hashtag c'est nul. Donc Kanye West n'est pas dans la liste des artistes qui ont mieux. Attends, mais attends, est-ce que dans les 40 personnes, il y a des gens connus? Oui. Ils sont globalement. Il y en a certains. Non, mais même que... par moi, je veux dire. Oui, oui, oui. Il y en a que tu connais. C'est pour ça que je dis, vous pouvez en trouver trois parce que c'est trois noms connus. Il n'y a pas Rihanna dans la liste Rihanna. Des 40. Bah, Beyoncé alors. Non. Et il n'y a pas Beyoncé dans la liste des 40 artistes qui ont le mieux gagné leur vie. Non. Il n'y a pas de Jay-Z. Elle n'a pas sorti un album, Madonna ? Madonna est dans la liste. Madonna est dans la liste et Madonna est 14e de cette liste. Waouh, allez, qui fait mieux ? Stanislas a trouvé un nom. Allez, 14e. La première, Taylor Swift. Taylor Swift. Ah bah oui, c'est Dimitri, la première. C'est la première. Elle a gagné 73,5 millions de dollars en 2015 juste avec la musique. Pour info, Madonna qui était la 14e, on a gagné que 12 millions. Putain, Taylor Swift, c'est presque aussi bien que les Marvel. Taylor Swift, elle peut s'acheter un Marvel. C'est un Marvel. Mais justement, ce qu'il faut préciser, c'est pourquoi finalement il y a si peu de gens qu'on a l'air de connaître. Justement, c'est vrai que j'allais y venir parce que. Enfin, je te laisse. Non, je crois que j'ai jamais entendu un morceau de Taylor Swift. Oh, ouais, si, pareil, forcément. Pareil. On en mettrait un fin de podcast. Qu'est-ce qu'elle a fait comme morceau connu ? C'est vrai que, en fait. Non, mais pourquoi en fait, c'est la plupart des noms, vous ne les connaîtriez pas. C'est... Non, je vais dire des morceaux de Taylor Swift, mais je ne sais pas. Comment c'est pas elle ? Non, c'est pas elle, c'est Carly Rae Jepsen. Oh putain. Oh. Je crois, de mémoire. D'accord, alors Taylor Swift, elle a fait. Pourquoi Blind Test, t'as pas tout trouvé ? Le beau. Ah oui, on est des beaux. Taylor Swift, elle a fait, je ne sais plus ce qu'elle a fait. Putain, on est nul quand même. Bon, bref, tout ça pour dire. Alors, qu'en fait, nous, pourquoi il y a tellement peu les gens qui sont connus. Amadou et Mariam. Non, ils sont pas dans cette liste, Stanislas. C'est les gens qui font de l'argent avec des tournées. Voilà. Pas forcément avec des ventes de disques, puisque les ventes de disques aujourd'hui ne sont pas les tournées. Il y a pas longtemps. Parce que tu vois, par exemple, pour Taylor Swift, elle a fait. Donc, il parlait de 73 millions de dollars. Elle a fait 61 millions de dollars grâce à la tournée. Ah, donc elle gagne pas tant d'argent que ça. Donc en fait c'est vraiment les gens qu'on... Donc ça peut être des artistes américains qui tournent dans le... Voilà. Dans le... Mais qui n'ont pas d'album. Oui, et que nous on connaît pas spécialement. De la country ou autre. Ouais, mais exactement. Où que tu... Il y a... Alors voilà, je vais en dire certains qui ont... Brett Denan. Notamment des artistes bizarre. De tournée. Je ne sais pas qui ça existe, hein, ça existe. Ah bon, d'accord. Dans les... non, mais, par exemple, je dis pas que des bêtises. Dans cette liste, notamment dans les 10 premiers, il y a deux chanteurs de country américains, donc ici qu'on ne connaît pas. J'ai pas dit que des bêtises. Kenny Chesney, qui a gagné 39,8 millions de dollars, qui est le deuxième de la liste. Donc loin derrière Taylor Swift. Tu connais pas, il était marié brièvement avec Renée Zellweger. Ah non, je connais. Voilà, moi, je suis un faux people. Le point people. Luc Bryan, hein, qui a gagné 23,1 millions de dollars, qui est aussi un chanteur de country américain. Bah, je veux dire des bêtises, il n'y a même pas Adèle. Il y a Adèle. Si, Stan est fort ce soir. Adèle en 9e position, qui a gagné 20,5 millions de dollars. Enfin, Dim a trouvé la numéro 1. Alors là, pour le coup, je crois qu'Adèle, c'est Prince. Dans ce cas-là, il doit avoir aussi des artistes plus rock, style Foo Fighters. Non, Foo Fighters ne sont pas dedans. Ah bon ? Non. Attends, est-ce qu'il y a du genre Sam Smith ? Alors oui. Sam Smith, je l'ai vu, il est 31ème. C'est lui qui avait fait la bande-annonce, la bande originale de... Ouais. De James Bond. Oui, c'est ça. De Spectre. Voilà. Mais ouais. Tu parlais d'Adèle. Adèle, elle a surtout gagné de l'argent par les ventes de disques. Alors elle, c'est la seule qui s'en sort par les ventes de disques. Parce qu'elle en a vendu tellement que voilà. Et bien surtout, elle ne met pas sa musique sur les plateformes de Spotify. Comme Taylor Swift d'ailleurs. Non, alors. Faites-moi plaisir, les gars. J'espère qu'il y a au moins un artiste de métal, enfin quelqu'un que je connais. Il y a des groupes de rock, mais c'est peut-être pas ce que tu crois. Hein. Il y a notamment U2 qui est en 8e place, quand même. U2 qui n'a pas forcément une actualité, j'ai l'impression, débordante. Et bah, ils vendent quand même, ils ont quand même fait 21,8 millions de dollars en 2015. Dans les groupes de rock, on a un vieux groupe de rock, Rush, moi je connaissais même pas, à vrai dire, hein. 12 millions de dollars. On peut parler d'ACDC que tu dois connaître, Dimitri, hein, qui est dans cette liste, qui est 24e avec 10 millions de dollars entièrement, j'imagine, grâce aux tournées. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre ? Enfin voilà, il y a beaucoup de choses moi que je ne connaissais pas. Là, par exemple, tu vois, il y a Shania Twain. Aujourd'hui, Shania Twain, elle a plus d'actu. Tu te rappelles ? Un titre, un tube, il y a deux, trois tubes, il y a, je sais pas, 10-15 ans. Je me souviens, c'était une sorte de bimbo. Oui, c'est ça. Non, elle était venue un peu de la scène country américaine. C'était entre la country et la pop, ouais. D'accord. Et elle était bien mignonne d'ailleurs. Oui. À l'époque, oui. Mais non, c'est pour dire que maintenant, elle gagne de l'argent juste sur son nom, sur ses tournées, et pas du tout sur ses ventes de disques. Alors, dans ceux que vous pourriez connaître, non, par exemple... Non, mais c'est peut-être un peu bête ce que je veux dire, mais 10 millions pour ACDC, c'est pas énorme, en fait. C'est déjà pas mal. Oui, mais... dans le contexte de la musique, on a du mal. Il apparaît 5 minutes dans un film, il touche autant. Oui, mais c'est... Non, c'est parce que c'est ma référence, c'est le cinéma, je suis désolé. On parle d'acteurs qui sont aussi très, très connus. Bon, bref, en tout cas, il y avait notamment The Rolling Stones en 3e position, que vous pourriez connaître. Qui ont gagné en gros 40 millions de dollars. Quelque chose. Les Grateful Dead hein, qui sont présents en 6e position. One Direction en 5e position. Ça, malheureusement, je connais. Pour le top 10. J'ai cité dans le top 10 U2, on a cité Adele et le dernier du top 10, c'est Maroon 5 avec 19,2 millions de dollars en 2015. On aurait pu en trouver plus quand même. T'as pas cité Billy Joel ? Ah, j'ai pas cité exactement, t'as raison. Billy Joel qui était quatrième position. Pareil, Billy Joel, il sort pas des albums. Bah oui, non, c'est pas trop d'actu. Son actu n'est pas brillante parce voilà. Et bah pourtant, il est là. Est-ce qu'il y a des gens notables, des noms notables dans la carrière? Oui, Céline Dion, Britney Spears, Michel Sardou. Michel Sardou ? Non. Il y a The Weeknd. Je vous crois, les gars. On peut parler de The Weeknd, hein, qui est un artiste américain qui a fait quand même un assez gros succès en début d'année. Merci de prévenir. De dire qu'il c'est pour moi. D'accord, oui. Non, mais d'accord. Ça ressemble à du Michael Jackson. Oui, c'est le nouveau Michael Jackson. C'est vrai ? C'est vrai. Ouais. Ah, je croyais que c'était. L'autre là. Non, c'est pas lui. Je te ferai écouter tout à l'heure pendant qu'on mange une pizza. Comment il s'appelle? Mark Ronson? Non. Bon, bref, Justin Timberlake? Non. Celui qui fait. Bon, je vais retrouver. Excusez-moi. On fera un cut et tu l'inséreras à ce moment-là. Tu referas la boîte. C'est super connu, mais bon, c'est pas grave. Voilà, vous connaissez peut-être Sam Smith, Drake, 5 Seconds of Summer, ça je connais pas. Paul McCartney qui est dans la liste. Voilà, il y a pas mal de noms que je connaissais pas en fait, donc c'est ça qui m'a surpris, qui est extrêmement difficile dans cette news secrète peut-être. C'est que des noms de chanteurs, pas de producteurs de chansons. Non, c'est que des noms de chanteurs ou de groupes. Il y a des groupes de groupes de country américains qui sont encore là. Imagine Dragons, ça c'était pas le groupe de. Ah, ça je connais. Tu vois, c'est un truc. Il y a des choses que je connais. Je crois que je connais un titre d'eux, mais je ne sais plus ce qu'ils ont fait exactement. Je sais plus quel style c'est. Non, c'est celui qui chantait Today I don't feel like doing anything. T'es sûr de ça? Comment il s'appelait lui? Oh putain les gars. On va Bruno Mars. Voilà Bruno Mars. Plein de chansons pour le dernier Transformers. Oh putain, et encore un quiz que j'ai trouvé. Allez, par ici les beaufs. Bruno Mars, voilà. Je pensais Bruno Mars comme le nouveau Jackson, toi. Non, c'est parce qu'il limite, parce qu'il le plagie. D'accord. Voilà, donc c'était la news secrète. Oui, bref, on s'en fout. Très, très difficile. Ouais, on s'en fout. Ok. Merci. Non, mais c'était intéressant. Non, ce que je dis, on s'en fout, Craig. Arrête. Non, c'était intéressant. Merci pour cette news secrète, les gars. Bah, de rien, écoute. On va enchaîner avec la partie jeux vidéo. Partie jeux vidéo avec une partie un peu plus courte, puisqu'on a été très bavard dans la partie divertissement, qui a duré plus d'une heure vingt. Hein. Voilà. Voilà. Il y a des quotas de temps. Il y a des quotas de temps, exactement. C'est qu'on est très doué pour les respecter. Et une partie jeux vidéo qui va être plus sous format News Flash. Grégoire, tu voulais parler de Disney Infinity. Bah ouais, News Flash, c'est fini. Voilà, alors news suivante. Non, c'est vrai que le mardi 10 mai, Disney a annoncé l'abandon de cette série née en 2013. Alors moi, ça m'a étonné, j'avoue, je m'attendais c'est pas à Disney très précis, Infinity. Le mardi 10 mai. Oui, le mardi 10 mai. Non, c'est marrant comment tu dis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il était quelle heure? Non, mais il était 10h22. Non, mais voilà, ça a été Disney Infinity, ça a été lancé en 2013 sur le modèle de Skylanders, qui faisait déjà un sacré carton à l'époque. Rappelons que par exemple, le marché représentait 35 millions d'euros en 2014 en France et en représentait 51 millions d'euros en France l'année d'après. Donc il avait quand même pas mal grossi. C'était principalement tiré par leur des concurrents. Ils étaient arrivés quand même Disney Infinity assez tôt par rapport à Skylander, mais ils s'étaient rapidement fait rattraper par les Amiibo Nintendo notamment, et puis plutôt par les Lego Dimension aussi. Donc là, ils ont annoncé qu'ils abandonnaient ça. Moi, j'avoue que j'avais été étonné parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les supermarchés, hein, les Disney Infinity, etc. Parce que ils avaient quand même mis les moyens pour développer cet univers. Alors ils ont développé par là même, c'est un peu l'occasion de revenir un peu sur Disney et les jeux vidéo, puisque finalement c'est un peu l'arrêt de Disney dans les jeux vidéo une nouvelle fois, j'ai envie de dire. Ils ont quand même annoncé que ils allaient continuer à publier des jeux sur smartphone, hein, notamment apparaître sur console, mais fait par des éditeurs, des partenaires extérieurs, hein, comme les prochains Star Wars par exemple, fait par Electronic Arts. Alors Disney, les jeux vidéo, c'est quand même une histoire qui date depuis longtemps, parfois des bonnes histoires et parfois des mauvaises histoires. C'est quelque chose qui remonte aux années 80, 83 notamment, avec le succès de l'Atari, l'Atari 2600, pour voir le premier jeu Mickey Mouse. Et puis, globalement, on va dire que les premières apparitions de Disney sur console, c'est quand même des apparitions qu'on peut dire plutôt timides. On va dire, c'est juste, notamment dans tout ce qui est dans les années 80, jusqu'à la signature d'un contrat avec Capcom, qui ont adapté donc Mickey, la bande à Picsou, Tic et Tac, etc. sur les consoles NES de Nintendo, où on commence vraiment à avoir là beaucoup de jeux Disney dans les années 80 sur les consoles, notamment Nintendo, avec notamment qui va s'étendre jusqu'à la première moitié des années 90, où là c'est un peu l'âge d'or de Disney et des jeux vidéo. Putain, mais elle est pas flash du tout, ta news. Alors, je vais essayer d'accélérer, bien sûr. Non, mais elle est très intéressante. Mais en fait, tu nous as complètement eu là. Non, mais je t'avais dit que je revenais un petit peu sur l'histoire de Disney dans les jeux vidéo. Je te taquine. Donc, c'est vrai que je me suis dit c'est un peu dommage parce que finalement, on a quand même eu, justement, après ce contrat avec Capcom, un contrat avec Virgin Interactive qui rappelait quand même des bons souvenirs parce qu'on a eu Aladdin et le Roi Lion qui étaient quand même deux monuments du jeu vidéo à l'époque, avec notamment tout un travail de Disney sur les animations qui n'avaient jamais été vues dans les jeux vidéo. Et qui alors, le mieux, c'est Super Nintendo ou Mega Drive? Donc là, si tu parles de Aladdin, Mega Drive. Ah, ça, c'est à vous de voir. C'est sur Mega Drive qu'ils avaient travaillé les plus les animations avec Parce Disney. Que le truc, c'est que Aladdin, c'était fait par Shiny Entertainment. Mm. Et l'autre c'était Virgin. Capcom. Ouais. Ah oui, donc c'était celui de Capcom là dont je parle, hein, effectivement, notamment. Mais de toute façon, les interventions de Disney avaient commencé, dans les deux cas, pour Aladdin comme pour Le Roi Lion, où c'était la première fois en fait que Disney intervenait et que même qu'une entreprise extérieure intervenait dans l'animation des personnages sur console, puisque les dessinateurs envoyaient des croquis de dessins. Pour Castle of Illusion et Quackshot, c'est fait sans Disney, quoi. Enfin, je veux dire, sans que Disney intervienne. Ça, je sais pas si c'était avant ou après. C'était avant. C'était avant. C'était sur Mega Drive. Il me semble que c'était avant. C'était à peu près en même temps, c'est la même période. Moi, il me semblait, parce que Castle of Illusion, j'ai acheté en même temps que ma Mega Drive. Ouais. Et Quackshot aussi. Alors que Aladdin est arrivé après. Ouais, je sais plus qui développait Quackshot. Parce que autant pour Aladdin. C'était pas Disney Interactive, ça? Bah, si, je crois que c'était Disney Interactive. T'es sûr que c'était eux? Je crois que c'était eux. Bon, vous nous direz dans les commentaires si on retrouve l'info, on la mettra également avant vous. Bon, de toute façon, cette période d'âge d'or, finalement, des années 90, ça n'a pas duré longtemps, puisque bah, c'est l'apparition de la PlayStation 1 et puis les jeux en 3D qui font un peu tomber Disney une première fois, enfin en tout cas une nouvelle fois dans l'oubli, hein, voilà, puisque bah, ils sont plus trop à l'heure de Tomb Raider, ils sont plus trop à la mode avec leur Mickey. Bon, même si quand même, ils lâchent pas l'affaire, bien sûr, hein, notamment on peut penser à Kingdom Hearts. Qui avait quand même eu un petit succès critique et d'estime, même si le succès commercial n'était pas forcément au rendez-vous. C'est en 2007 que Disney se rapproche à nouveau des consoles, avec bah, notamment le succès de la Wii, où ils se disent bah, « Tiens, peut-être qu'il y a un public un peu plus mature, enfin un peu plus jeune et qui correspondrait plus à notre cible pour qu'on revienne. » Donc là, ils créent Disney Interactive Media en 2007. Il crée notamment aussi, on peut parler du jeu de Warren Spector, hein, Epic Mickey, qui avait fortement marqué les esprits à ce moment-là. Et puis, c'est pas été couronné de succès, puisque finalement, dans les années 2010, ils ont un peu cherché leur position sans forcément sortir de grands titres. À ce moment-là, c'est surtout des remakes, hein, DuckTales ou Castle of Illusion, qui ont été refaits. Et puis, se sont finalement engouffrés dans la branche en 2013 des Skylanders avec Disney Infinity. Alors, je précise pour Castle of Illusion. Tu as la précision alors. Donc, c'est Sega qui l'a développé Disney Interactive. C'est ça, pour Disney Interactive, ouais, c'est ça. Et pareil pour Quackshot, c'est aussi Sega. C'est pour Disney Interactive. Quackshot ouais. Aussi. D'accord. Donc voilà, et puis bah, finalement, donc, bah, voilà, dernier revirement finalement dans l'histoire des jeux vidéo. Peut-être c'est la fin des jeux vidéo pour Disney, ça je ne sais pas, on verra. Ouais, non, moi je suis curieux parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même des bons moments, on va dire, hein, des bons jeux. En tout cas, c'est la troisième fois que Disney dit au revoir aux jeux vidéo. Ouais, c'est quand même étonnant parce qu'ils avaient quand même, enfin avec Disney Infinity. C'était quand même les méga grosses licences qui cartonnent au ciné et tout. Ils avaient misé une thune pas possible sur ce truc. Surtout plus. Qu'on attendait les héros Marvel dedans et tout ça quoi. Bah ils avaient ah bah, il y avait ils un potentiel. Déjà, ouais, ils sont déjà, je savais même pas. Il y a déjà Marvel, Star Wars et tout. Et je pensais que ça marchait bien. Pas plus longtemps en fait. On est sûr que la licence va pas être reprise par un éditeur sous licence Disney Infinity. Bah a priori ils ont dit que ça s'arrêtait. Ouais. Après, on n'est jamais sûr de rien. Ils peuvent très bien, tu vois, avec un deal commercial, un mec qui serait intéressé pour racheter les droits, etc. Ouais. Les droits, après, ça serait la bonne occasion de faire un deal avec Lego Dimension pour au moins Marvel, vu qu'il y a déjà les Lego Marvel en jeu vidéo. Non, mais tu vois, ils rachètent pas les droits, ils prêtent juste les licences et ils touchent l'argent sur la licence. Peut-être que ça qu'ils le feront, parce que bah, je pense qu'ils sont toujours intéressés pour mais du coup, la question moi, que je me pose est peut-être un peu bête, mais du coup, est-ce que c'est seulement Disney Infinity qui fonctionne pas vraiment ou c'est ce que les modèles genre Skylander ou Lego Dimension ont tendance à se casser la gueule en ce moment? Je pense que c'est Disney Infinity qui marche moins bien que. Je suis pas du tout au courant du marché, c'est une question très innocente. Que Skylander et que Lego Infinity, parce que Lego Infinity n'a pas des mauvais retours de ce que j'en ai lu. Après, je suis pas hyper renseigné sur les chiffres, hein, il faudrait les rechercher un peu plus. Que ça. Bon, j'ai l'impression que je me demande si c'est pas le modèle qui se casse la gueule. Peut-être que le modèle arrive aussi à terme. Hein. C'est vrai que c'est peut-être en baisse. Hein. L'explosion de Skylander remonte quand même effectivement plutôt vers 2013. Maintenant, il y en a un peu moins qui sortent. En tout cas, ça fait un peu moins de bruit quand il y en a un qui sort des Skylanders. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Peut-être que le marché décroît. En tout cas, ça signifie pour Disney qu'un investissement conséquent qu'ils avaient fait est en train du coup de moins être rentable et qu'ils sont en train de se retirer. Alors, est-ce qu'ils vont se retirer complètement des jeux vidéo? On sait qu'ils vont continuer sur téléphone mobile, a priori, comme tout le monde. Est-ce qu'ils vont continuer sur des autres secteurs type ah bah voilà, ce genre de jeu, a priori? Moi, je dirais plutôt non. Okay. Mais bon, voilà. C'est intéressant à suivre parce que Disney, aujourd'hui, on ne sait pas comment. Ah, puis ils ont toujours une relation tumultueuse de jeu, mine de rien, c'est un gros nom. Donc, bon, Après, tu vois, pour Disney Infinity, c'était peut-être plus dans leur projet. Peut-être que ce n'est pas non plus des trucs assez intéressants pour eux. Parce que là, justement, leur studio, c'était Avalanche Software. Et c'est quand même 300 personnes. Ouais. Donc peut-être qu'à un moment, ils se disent, bah, c'est peut-être aussi des plans, à un moment, ils taillent un peu voilà, parce qu'il y a des choses qui sont moins rentables que d'autres. Et ça je pense qu'ils attendaient plus de rentabilité de ce truc, en fait. Parce que quand ils ont vu la rentabilité de Skylander, ils ont dû se dire, oh, il y a un bon truc à faire. Et puis finalement, la rentabilité n'est pas si énorme que ça quand tu n'es pas le premier. Le retour sur investissement, comme tu dis, par rapport aux jeux mobiles, n'est peut-être pas assez intéressant. Et puis c'est possible aussi qu'ils anticipent le fait que les jouets vidéo comme ça se pète la gueule. Toi, Skylander, je crois que ça marche un peu moins bien qu'à une époque. Clairement, ce qui m'étonnerait pas, oui. J'ai l'impression que le modèle s'essouffle, mais ça, c'est vu de loin. Ok, merci Grégoire pour cette news flash. De rien. Julien, tu voulais nous parler de Shenmue. Oui, puisque peut-être que lors du prochain E3, on entendra encore parler de Shenmue 3 qui doit sortir, je rappelle, je crois que c'est fin 2017, il me semble. Alors, j'ai plus la date exacte, ou peut-être il sera sûrement reporté, donc on peut peut-être plutôt tabler sur 2018 et il sortira sur PS4 et PC. Mais ce qui serait bien aussi, hein, vu le peu de ventes que les deux premiers épisodes avaient fait sur Dreamcast à leur sortie, et même sur la Xbox première du nom, puisqu'on rappelle que c'est sorti peu de temps après le deuxième épisode, c'est que Sega nous ressorte les versions HD des deux épisodes. Et ça serait bien. C'est un peu ce que tout le monde attend. Déjà, parce que c'est quand même des jeux fantastiques, hein, pour ceux qui les ont faits. Moi, je les ai faits à l'époque Dreamcast. Ça reste quand même des très grands jeux. Et surtout parce que pour se lancer dans le 3, c'est mieux quand même de connaître ce qui se passe avant. Puisque Shenmue, je rappelle, ça a été construit par Yu Suzuki, donc le créateur, en plusieurs épisodes. Donc Shenmue 3, ça sera une suite directe à Shenmue 2. Et si tu n'as pas les deux premiers, pour lancer une licence, pour faire marcher un troisième épisode, c'est un peu compliqué. Alors le problème, c'est que la licence, elle appartient à Sega et non à Yu Suzuki, qui, pour rappel, a lui-même relancé la licence à coup de Kickstarter, et que Sega ne participe aucunement au développement ou à l'édition du troisième épisode. Alors, on se rappelle que c'est soutenu par Sony, on ne sait pas trop avec, comment, si c'est de l'argent au niveau de l'édition, si c'est juste pour la distribution, mais on sait qu'ils participent normalement au développement du jeu, peut-être que ce sera le cas, peut-être que ce sera précisé, mais c'est un financement aussi avec Kickstarter. Donc voilà, ressortir en HD les deux premiers épisodes, c'est pas vital pour Sega, étant donné que ils ont rien, ils ont pas un jeu à vendre derrière. C'est-à-dire Shenmue 3, aujourd'hui, ça les impacte que sur le prêt de licence, mais pas du tout sur le développement du jeu. Mais finalement, on peut se dire que ça serait un peu bête de ne pas profiter de la sortie de Shenmue 3 pour se faire un peu d'argent, même si on va dire que Sega, depuis l'officialisation de Shenmue 3, ils ont donné assez peu de signes encourageants quant à une sortie en HD de Shenmue 1 et 2. Et là, c'était jusqu'à aujourd'hui, c'était la semaine dernière, je crois, puisque, en fait, une petite lumière dans les ténèbres, c'est que Dan Sheridan, qui est le porte-parole de Sega auprès de la communauté, a déclaré « Nous aimerions le faire et nous sommes actuellement en train d'étudier comment cela pourrait devenir réalité ». Donc c'est quand même un premier pas en avant pour dire on veut quand même le faire et on va pas laisser tomber notre licence Shenmue et sortir la version HD. Ça serait peut-être qu'après aussi ils ont un deal avec Sony qui peut peut-être les pousser un peu pour sortir une version HD. Alors en fait, il expliquait qu'un des problèmes du portage, c'est la question des droits concernant en fait les nombreux produits sous licence utilisés dans le jeu d'origine. Il faut savoir qu'il y a les bornes d'arcade qui appartiennent à Sega auxquelles tu peux jouer dedans, mais il y a aussi plein de figurines à collectionner qui étaient des trucs très japonais qui doivent, à mon avis, ça va être au niveau administratif, au niveau complexité des droits pour les racheter, savoir à qui ça appartient. Pas les remplacer, c'est trop incrusté dans l'univers. Je pense qu'ils veulent quand même garder la fidélité le plus possible au jeu d'origine. Mais voilà, peut-être que c'est un truc qui simplement va prendre du temps pour savoir qui sont les ayants droit, à qui ils doivent de l'argent. Ça arrive avant le 3. Ouais, ils ont un peu de temps quand même. Bon. Et adapté tel quel, juste avec un upscale graphique, ça serait jouable pour un joueur d'aujourd'hui qui n'y a pas joué. Je pense qu'il faudrait quand même qu'il revoie un peu la jouabilité au niveau des caméras, parce que le pad Dreamcast, je crois qu'il y avait, tu joues à la croix. Et avec le stick droit, je ne sais plus si c'était la caméra, mais ça reste assez compliqué. Moi, je connais des gens qui l'ont refait il n'y a pas si longtemps que ça, ou même qui l'ont fait il n'y a pas si longtemps, et ils trouvaient que c'était hyper rigide. D'accord. Et au niveau rythme de jeu, ça souffrirait pas, ça irait ? Ah si, sur le premier, surtout le premier est beaucoup moins rythmé, parce que le premier c'était vraiment une simulation de vie où tu devais en fait travailler pour payer ton billet d'avion ou de bateau, je sais plus. Et donc c'était très très long. C'était du bateau, non ? C'était de bateau ? Je crois que c'est du bateau, je sais plus. Puisque après t'arrivais c'était à Hong Kong que t'arrivais. Mais de toute façon, il y a des jeux encore comme ça aujourd'hui. C'est vrai que c'était assez lent. Hein. Ouais. Je pense que les gens portaient des caisses avec portaient des palettes avec des espèces de petits véhicules, ça les ferait peut-être un peu chier. Ouais. Après le jeu il avait un certain rythme lié aussi à son propos, c'était quand même une quête initiatique finalement d'une vengeance où t'allais t'apercevoir que la vengeance c'était peut-être pas la meilleure solution, et donc t'apprenais des choses, t'apprenais les arts martiaux, t'apprenais la patience en fait. Donc le jeu peut-être qu'aujourd'hui... Oui, donc ça serait bête de le rendre super speed. Oui, vite, vite, apprends la patience, vite. Dépêche-toi de te calmer. Voilà, je sais pas, j'arrive pas à savoir si c'est un jeu qui peut marcher ou qui a encore un public ou voilà. Parce qu'il y a un culte autour du jeu, mais est-ce que c'est pas un culte de quelques milliers de personnes qui comme moi, ont fait le jeu à l'époque. Il y a des GTA qui sont passés entre-temps et qui ont redéfini un peu les standards de tout ce qui était monde ouvert et possibilités, tout ça. Donc maintenant, c'est vrai que c'est... Moi, j'ai un peu peur, hein, perso. Donc, Sega, pense à Shenmue HD. Voilà, pense à Shenmue HD. Donc, au moins, même si on a un 3 qui est mauvais, on aura quand même les deux premiers épisodes. Ça serait bien. Moi, de toute façon, je ne jouerai pas au 3 si je n'ai pas les deux premiers. Donc, Oui, c'est pour ça que je ne serais pas le seul en plus. Non, mais de toute façon, ça paraît vital pour la licence qu'ils sortent les deux premiers. À partir du moment où ça se coupe vraiment. Mais comme tu l'as rappelé, ils ne sont pas du tout financièrement impliqués dans le Shenmue 3, donc ils s'en foutent en gros si Shenmue 3 plante. Ce que Yu Suzuki a prévu de faire pour l'épisode 3, c'est une Previously On sur les deux épisodes. Voilà. Il l'avait fait déjà pour la version Shenmue 2 sur Xbox 360. Xbox première du nom, où tu avais un petit résumé en film vidéo du avec les cinématiques du jeu du premier épisode. D'accord. Ok. Bon, il va falloir suivre. Grégoire, est-ce qu'Overwatch est bêta alors ? Alors la bêta d'Overwatch, effectivement, c'est, tu veux de la news flash, je t'en donne. C'est un succès, voilà, hein, tout simplement. Du 5 au 10 mai, il y a eu la bêta publique d'Overwatch, hein, le nouveau jeu vidéo mis au point par Blizzard, hein, une sorte de FPS MOBA, on va dire, avec des équipes de 6 joueurs qui s'affrontent sur des cartes avec des objectifs à prendre, etc. etc. Et donc, presque 10 millions de joueurs, 9,7 millions de joueurs ont joué Overwatch lors de cette bêta, hein, donc énorme succès, la plus grande bêta que Blizzard ait jamais faite, hein, donc un bon test, un bon stress test pour les serveurs et un bon test de la popularité du jeu qui va à mon avis battre pas mal le record chez Blizzard. Donc voilà, ils se félicitent, hein, je vous lis pas toutes les citations, bref, ils sont tous très contents, ils se serrent les mains. J'y ai joué, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc voilà, des gros chiffres qui impressionnent avec 81 millions d'heures à travers jouées à travers le monde et plus de 37 millions de parties lancées qui ont été disputées pendant ces quelques jours de la bêta ouverte. Voilà, donc je pense qu'on retrouvera, de mémoire, Overwatch ressort le 26 mai, donc on en reparlera peut-être à ce moment-là, je ne sais pas, on verra. Voir si le succès se confirme à ce moment-là. Dans la promotion canapé. Je vous reparle dans la promotion canapé, exactement, d'Overwatch, okay. Et mon expérience lors de cette bêta ouverte. Curieux d'entendre ça. Après avoir parlé d'une légende de jeux vidéo telle que Shenmue, tu nous parles d'une autre légende. Ouais, Kojima. De Kojima. Ah, s'il y a bien un domaine du jeu vidéo où Hideo Kojima est un maître reconnu, c'est bien l'art du teasing. Hein. On se souvient de ses déclarations, notamment à l'époque de MGS. Alors, sur un soi-disant thème abordé par le jeu qui l'obligerait à quitter l'industrie du jeu vidéo. Bon, on cherche encore ce que c'était dans le jeu. Il avait déclaré ça. Il avait dit, oh, je vais tellement loin que je vais me faire vraiment lourder de... On ne sait pas trop ce que c'est. Non. Voilà, c'est la nana à poil, là. Non, je crois pas. Il y a des différentes théories, donc je ne vais pas les donner parce que sinon ça spoilerait le jeu. Mais voilà, même en cherchant, je ne vois pas ce qui est choquant dans les thèmes abordés. Il y a quelques trucs assez forts, mais pas de là à te faire quitter l'industrie du jeu vidéo. Je sais pas, à l'époque on aurait pu penser à d'autres choses, je sais pas. Voilà, mais bon, voilà, on cherche encore. Donc voilà, il avait aussi, on se rappelle de ses multiples trailers, hein, c'est lui qui les monte, il dit bien que c'est Kojima qui les a montés, written, directed. Il dit lui-même, c'est pas moi qui les ai montés, c'est Kojima. Voilà, c'est Kojima, et, je pense que c'est ça. Et souvent il a vraiment un art assez prononcé du teasing où il te montre en fait tout le jeu mais sans rien dévoiler, puisque en fait il réagence d'une certaine manière que quand tu as fini le jeu, tu comprends. En fait, quand j'ai fini MGS5, j'ai revu les trailers et en fait tout est raconté dans des trailers. Sauf que quand tu n'y as pas joué, tu peux pas comprendre. Donc ouais, il y a une espèce comme ça d'art certain de la manipulation. Et là, en fait, il a été interrogé par le magazine japonais Famitsu sur son prochain jeu. Donc on sait qu'il a quitté Konami, qu'il a monté Kojima Productions et qu'il va sortir un jeu. Il travaille pour Sony, pour une sortie sur PS4 et également sur PC. Donc en fait, il a déclaré que ça serait un jeu d'action, pas en monde ouvert apparemment. Donc il appelle pas ça un monde ouvert, donc il faudra voir ce que c'est. Peut-être qu'il a aussi été échaudé par le fait que finalement MGS5 n'est pas considéré comme un monde ouvert alors que ça avait été vendu comme un monde ouvert. Or, ce n'en est pas vraiment un. On en avait parlé quand j'avais fait mon petit retour sur MGS5. Donc il l'a qualifié lui-même de jeu incroyable. Il déclare « Nous sommes en train de réfléchir à tout en même temps, dont le scénario, les personnages et les systèmes de jeu. » Il a ajouté que le nouveau titre devrait plaire aux amateurs de AAA moderne, hein, citant notamment Uncharted et The Division. Bon, et courage. Il a conclu par cette phrase énigmatique « Lorsqu'il sera annoncé, vous vous direz peut-être que ce n'est pas si incroyable, mais vous comprendrez en le voyant et en y jouant. » D'accord. Donc voilà. Donc peut-être quand il va l'annoncer, on verra rien. On se dit bon, ouais, ok, ça va être. Il y aura peut-être un synopsis du jeu, et puis finalement, on va se dire ah, c'est pas génial, mais apparemment, quand on le verra et qu'on y jouera, on trouvera ça incroyable. Hyper original. En gros, alors il nous dit qu'il prépare un jeu vidéo en prévoyant en même temps le scénario, le gameplay. En gros, il fait un jeu vidéo, quoi. Ouais, en gros, ouais. Mais ça va être incroyable. Non, c'est pour dire qu'ils en sont, en ce moment, ils sont sur des phases d'expérimentation entre tout ce qui est à la fois visuel, tout ce qui est gameplay. Si tu reprends ses propos de manière bébé. Il est doué, ce que je dis. C'est clair, il dit juste, ouais, je fais un jeu vidéo, quoi. Voilà, en gros, il fait un jeu vidéo, mais il sait le faire savoir. Ouais, exactement. Il est très bon. Voilà la partie de la vidéo. On a été rapide, les gars. Il n'y a pas grand chose en ce moment. Quelques semaines de l'E3. On garde les cartouches, les billes pour l'E3, j'ai envie de dire. Ouais. On aura nos envoyés spéciaux là-bas. Ouais. On envoie qui d'ailleurs? Je veux bien y aller, moi. On va tirer un plouf. On va tout de suite enchaîner avec une partie techno. Partie techno avec Grégoire qui va commencer par nous parler d'un concours. J'avais pas entendu ce nom-là depuis des années, dis donc. Ouais, moi je suis un peu dans le rétro, je vais vous parler du concours L'Épine. Oh là là là. Bienvenue sur Radio Upcast, la radio qui vous parle des concours L'Épine. Donc voilà, le concours L'Épine, plus sérieusement, il y avait 550 inventions qui ont été réunies à la Foire de Paris. J'en parle parce que mine de rien, c'est un vieux concours, c'est créé en 1901. Et il y a eu des choses assez, quand même, qui ont un peu changé notre vie, qui ont été inventées, qui ont été popularisées grâce au concours L'Épine. Tu nous lances une news flash comme Disney là. Ah non, c'est pas une news flash, c'est une news un peu plus le concours L'Épine, putain. Non mais voilà, le stylo à billes, le fer à repasser, les lentilles de contact, ce genre de choses, c'est des choses qui ont été mises en scène, qui ont été connues grâce au concours L'Épine. Cette année, c'est pas le baby-foot 3D avec sa table qui s'animait sous le ballon, etc., qui a gagné. Malheureusement, moi je rêvais que ce soit ça parce que j'avais vu ce truc-là. Je m'étais dit, ça a l'air très cool. Non, c'est plutôt quelque chose lié au domaine de la santé, donc c'est assez révélateur. C'est une application de e-santé qui a été récompensée, donc qui permet en fait de gérer la manière dont on va gérer son diabète et notamment ses injections d'insuline. Quelque chose qui permet de mesurer en direct son hyperglycémie ou son hypoglycémie et de voir contrôler la dose d'insuline qu'on doit s'injecter. Il y a eu d'autres prix qui ont été... je peux notamment parler du Grand Prix avec un meuble ergonomique qui s'adapte automatiquement à la hauteur, etc., avec des tiroirs qu'on peut télécommander, ce genre de choses. Plein de petites choses assez rigolotes. Mais bon, voilà, signe des temps, c'est quand même une application de e-santé qui a été récompensée. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la même semaine, on a appris que Google avait négocié avec le Royal Free NHS Trust pour permettre à DeepMind, donc c'est une des entreprises qui appartient à Google, en fait, d'accéder aux dossiers médicaux de 1,6 million de patients anglais. Donc voilà, les patients n'étaient pas prévenus, mais donc leur dossier médical appartient maintenant à une filiale de Google qui peut les exploiter pour pouvoir analyser les données médicales qui y sont liées. Donc le but de Google, bien sûr, c'est de mieux comprendre en fait le parcours de soins et les résultats d'examen des patients et de pouvoir encore un peu mieux, on va dire, dominer le domaine de la santé. C'est pas le seul, Google a travaillé sur les projets de la santé. IBM a par exemple conclu un partenariat avec plusieurs établissements américains pour aider les médecins à établir des diagnostics grâce à la puissance de calcul de leur superordinateur Watson. Apple aussi, on sait qu'Apple fait un truc avec HealthKit notamment, qui sont dans le domaine de la santé. Avec, pardon ? HealthKit. D'accord. HealthKit, le kit de santé pour ceux qui aiment bien les films en VF. Et voilà. Enfin, voilà. C'était juste pour l'occasion de me dire que le domaine de l'e-santé est plus présent que jamais, notamment comme le révèle ce gagnant du concours L'Épine. Et j'ai appris en faisant des petites recherches pour cet article qu'il y avait quand même déjà actuellement 11 000 applications liées à la santé, et c'était un nombre en augmentation de 4 à 7% par an. Il y a bientôt une application qui va permettre de faire une échographie à partir d'un téléphone portable. Voilà, ça m'a un peu bluffé. On peut déjà faire un électrocardiogramme aux États-Unis grâce à son téléphone portable, donc voilà, bientôt chez vous. Donc déjà 20% aujourd'hui des médecins qui ont conseillé un objet connecté à des patients. Voilà, des petits chiffres que j'ai trouvés sur Internet au fil de cette recherche que je trouvais assez intéressant. Donc, il faudra quand même surveiller ce sujet de près parce que le domaine de l'e-santé gagne des prix aujourd'hui, Google s'y intéresse, etc. etc. Mais bien sûr, derrière, la question des assurances et des données privées. Est-ce que nos données privées, nos données de santé vont se retrouver sur Internet potentiellement piratables, hackables par quelqu'un qui s'y connaît? Bien sûr que oui, mais ça, on en reparlera au moment où il le fera. Quelqu'un le fera. Donc voilà pour la petite news sur le concours L'Épine. Ok, intéressant tout ça. Julien, tu voulais nous parler de Twitter, Facebook et YouTube. Ouais, je vais vous parler d'une étude, comme ça vous allez pouvoir vous moquer de moi. À chaque fois que je parle d'une étude, c'est un truc. Tu nous cites les chiffres. Je sais pas, certains, ce gosse. Alors, je sais pas si vous avez entendu justement parler de cette étude qui a été menée par trois associations françaises de lutte contre le racisme et l'homophobie. Donc, c'est SOS Racisme, l'UEJF et SOS Homophobie. En fait, cette étude a visé à évaluer la qualité de la modération de Facebook, Twitter et YouTube concernant les contenus haineux. Entre guillemets, ceux qui citent ce qu'ils appellent les contenus haineux. Donc, comment ça s'est passé cette étude? Entre le 31 mars et le 10 mai 2016, les militants de ces associations ont signalé 586 contenus à ces services en ligne, notamment en raison de leur caractère raciste ou homophobe. Et l'idée, c'était de voir combien de ces contenus seraient modérés par les trois réseaux sociaux qu'ils ont mis dans leur panel. Donc, 31 mars, 10 mai, que 10 jours, ils en ont quand même relevé 586. Ouais, ça va vite, ouais, c'est bien. Bon, en même temps, je pense qu'ils en ont même raté. Il y a matière. Il y a matière sur Twitter, YouTube ou Facebook. Bah, 586 sur 1 milliard de personnes sur Facebook, c'est, ça va. C'est pas énorme. Franchement, ça va, les gars. Je pense c'est en France. Oui, je trollais. Alors, Twitter, d'abord, c'est un peu le cancre de la classe, puisque sur les 205 contenus signalés à Twitter, seulement 4% ont fait l'objet d'un retrait. Donc, les associations concluent pour Twitter, je cite, « Twitter est donc l'acteur qui s'étant le moins conformé à ses obligations légales et à ses propres conditions générales d'utilisation. » Donc YouTube, c'est pas beaucoup mieux, puisque sur 225 contenus signalés, 16 ont été supprimés, soit seulement 7%. Donc c'est un peu mieux, 4% et 7%. Et Facebook, c'est un peu le meilleur élève, puisque ça serait un taux de retrait de 34%. Donc c'est pas encore... Oui, c'est pas bon, après, il faut voir peut-être ce qu'ils signalent aussi. Hein. Faut peut-être voir ça aussi. Donc les trois associations se sont exprimées sur ces résultats, notamment par la voix de Sacha Rengervich, qui est le président de l'UEJF. Donc il déclare « Cette étude démontre clairement que les réseaux sociaux n'ont toujours pas pris la mesure du travail à faire pour contrer les dynamiques de haine sur Internet. La plupart des signalements ne font l'objet d'aucun traitement. Il existe ainsi une quasi-impunité pour ceux qui attisent la haine sur Internet. Un grand nombre d'idéologues racistes, antisémites, négationnistes, homophobes ou sexistes profitent de la caisse de résonance que leur offrent les réseaux sociaux, en sachant pertinemment que la plupart de leurs messages ne font pas l'objet de poursuites ni même d'un retrait. Il est indispensable que les réseaux sociaux prennent enfin leurs responsabilités et investissent le temps et les moyens nécessaires pour casser cette dynamique. Donc pour ceux que ça intéresse, on devrait avoir plus de détails sur cette étude, puisque je crois que c'était dimanche. En fait, l'étude complète a été révélée en détail lors de la seconde édition des Assises de la lutte contre la haine sur Internet. Donc voilà, c'est des, je ne sais pas si vous avez des commentaires à faire sur ces chiffres. Si, c'est intéressant. Est-ce que c'est un problème de modération ? C'est vrai qu'ils ont, ce qu'ils disaient aussi dans l'étude, c'est qu'ils sont plus enclins à modérer une image avec un sein qui traîne, voilà, que des propos. Je ne suis pas étonné par ces chiffres perso. Hein. Enfin, moi, c'est un parallèle un peu étrange que je vais faire, mais qui me rappelle un peu ça. C'est les vidéos de surveillance, les caméras de vidéosurveillance dans les villes. Voilà, on met plein d'argent pour en mettre, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de gens pour regarder les images que ça produit. Ben là, c'est un peu pareil. On peut mettre plein d'algorithmes pour signaler plein de choses, mais le problème, c'est qu'après, il faut qu'il y ait une décision humaine qui dise, bah oui, ça, en fait, il y a quelque chose d'offensant, donc il faut le retirer, ou là, il n'y a rien. Et ben, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de monde et qu'il faut payer de l'humain pour faire ça, et que ça coûte extrêmement cher, et du coup, qu'ils ne mettent pas les moyens, en fait, ces grands groupes pour faire ça, quoi. Alors, le problème, c'est que ça passe, parfois, ça peut passer entre les mailles du filet, mais là, c'est des contenus qui ont été signalés. Ah, mais même, il faut tous les regarder un par un, ça leur prend du temps. En fait, oui, ce que ça soulève ton enquête, moi, c'est plutôt le fonctionnement de ces trois grands que tu cites, plutôt que le fait que les gens postent des... Oui, parce que ça, c'est sûr, il y en aura toujours des gens qui vont poster. Moi, ce que tu as esquissé d'ailleurs dans ta news, hein, c'est ce qui m'interroge, c'est qu'est-ce qu'un contenu à signaler, voilà. Et parfois, tu es juste énervé par une vidéo et tu as envie de la signaler alors qu'il n'y a rien. Ça t'énerve juste toi. Voilà. Mm. C'est-à-dire, je pense qu'il y a plein de gens qui cliquent sur signaler et qu'il n'y a rien à enlever. Oui, tout à fait. La réponse de Facebook et Twitter, c'est qu'ils ont des algorithmes qui laissent gérer ça. Ils peuvent pas gérer. On fait des blagues en antenne qui pourraient être signalées. Putain, en antenne, tout le podcast est signalé. Oh putain. Là, c'est bon, là. On se prend des procès et tout. Là. Voilà, j'essaierai d'aller voir un peu ce qu'ils ont signalé, un peu voilà, comment ça fonctionne. Avec plaisir, ça doit être intéressant. Ouais. Voilà. Grégoire, tu voulais nous parler d'un moyen de transport très rapide. Oui, un moyen de transport très rapide. Très rapide, entre parenthèses. Ah bon, je me souviens plus. Non, bon, c'est bref. Ta news qui est très rapide. Ah oui, c'est ma news qui est rapide, effectivement. Je voulais parler de l'Hyperloop, hein, puisqu'on a vu enfin un test de l'Hyperloop. Hein, donc c'est le train futuriste ultra rapide imaginé par Elon Musk, hein, le père de Tesla et de PayPal, qui a fait donc un test de l'Hyperloop le mercredi 11 mai dans le désert du Nevada. Donc voilà, c'est plus une news pour vous dire, allez voir un peu la vidéo, parce que c'est peut-être le futur du transport. Hein. Donc c'est l'entreprise Hyperloop. Loop One, et en 1,1 seconde, donc la vidéo est assez courte, l'appareil est monté de 0 à 186 km/h. Il a voyagé sur 100 mètres hein, juste avant de s'arrêter dans un nuage de sable. Voilà, donc c'est un concept en fait qui de faire un train qui est capable d'évoluer à une vitesse subsonique, à savoir 1126 km/h, en circulant sur coussin d'air à l'intérieur d'un tube maintenu à basse pression et qui sera propulsé soit par un système électromagnétique, ça c'est la finalité, mais là pour la vidéo c'est pas encore un système électromagnétique, c'est de l'air propulsé à haute densité. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose à suivre, parce que mine de rien, il parle de dès 2019 faire des transports de fret avec l'Hyperloop. Il y a la SNCF qui a investi dedans, donc on voit quand même que c'est un projet qui est quand même assez concret. Oui, en Europe, il y a des pays qui ont investi, oui. Je pense pas qu'il faut s'attendre à ce que ça soit le futur du transport pour l'homme tout de suite, parce que mine de rien, il faudrait complètement, par exemple, creuser des tunnels sur toute la France pour pouvoir faire Paris-Marseille en Hyperloop. Il faudrait faire un tunnel Paris-Marseille, donc c'est pas mal de travaux. Mais forcément solidaire. Je pense que oui. Ça peut être un tunnel de verre. Ça pourrait être un tube de verre qui serait en hauteur. Ça nécessiterait aussi pas mal de travaux. Le problème, c'est que ça ne peut pas. Je pense pas, vu les risques que ça enclenche avec une vitesse aussi rapide que 1126 km/h, je pense pas que ça pourrait couper des voies routières en fait. Ce serait un peu ça le problème, c'est qu'il faudrait que, d'une façon ou d'une autre, ça coupe. On pourrait pas mettre juste un petit passage à niveau. On pourrait pas mettre juste un petit passage à niveau. Tu vois. Puisque on parle de, par exemple, Paris-Marseille qui se ferait en 40 minutes en hyperloop. Hein. Donc voilà, ça serait difficile, je pense, de mettre un petit clic. Bah, surtout le passage à niveau, faut que tu l'annonces 25 km avant. Au moment où le train part de Paris, tu commences à faire baisser les passages à niveau sur toute la France, quoi. Donc, en gros sous terre, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que on verra ça plutôt pour le fret que pour le public pour l'instant. Mais moi, je trouve ça assez enthousiasmant. Rien que la vidéo est impressionnante. Alors, on comprend pas trop ce qu'on voit. On voit juste un truc qui se déplace très vite. Mais savoir que c'est peut-être le futur avec un transport électromagnétique comme ça, moi, ça m'enthousiasme. Ok, super. Julien, tu fais deux news qui sont liées par le fait que ça parle de l'écran et de réalité virtuelle ou... Non, de rumeurs. De rumeurs. Allez, fais-nous voilà. Des rumeurs. Une fois n'est pas coutume, on va parler un peu de rumeurs. On s'est dit, bon, on va faire un peu dans le sensationnel. Oh, j'y arrive plus ce soir. Sensationnel. Il est l'heure minuit et demi, là, c'est ça. Putain, il est que 22h. Non, parce qu'en fait, cette semaine, Google va tenir une conférence annuelle et il se murmure de la bouche de l'ex-journaliste high-tech Peter Rojas. Je ne sais pas si vous le connaissez, moi pas du tout, mais autant citer ses sources, que Google en fait pourrait annoncer un nouveau casque de réalité virtuelle. Donc c'est une rumeur qu'on a déjà évoquée, on en a peut-être parlé ici, peut-être il y a 2 semaines dans un point VR, justement à propos des rumeurs de casque VR qui avaient été relayées par le Wall Street Journal. Pour le coup, là, la rumeur ne parle pas d'un casque en carton comme le Google Cardboard, hein, qui est un produit, je crois, qui coûte 15 euros. C'est Dim qui en a un, je crois. Ouais. Mais d'un produit. Pas 5 euros. 5 euros, d'accord. Bon. Ouais, c'est vraiment pas cher. Mais là, c'est pour le coup, ça serait un produit bien plus technophile qui serait destiné à concurrencer HTC, Oculus ou Sony. Donc l'idée, en fait, c'est un casque parfaitement autonome qui fonctionne sans smartphone, sans PC ou console. Donc ça, c'est quand même déjà assez intéressant. Avec son propre écran, son processeur, sa batterie, ses capteurs et son environnement logiciel. Donc un truc complètement indépendant qui serait normalement sans fil. À la HoloLens, quoi. Pèserait combien de kilos? Alors, déjà, on ne sait pas du tout le prix. Déjà, c'est qu'une rumeur. Et qui coûterait seulement 400 euros. Oh, j'ai un gros doute là. Voilà, ce qui sous-entend pour le coup un appareil avec des performances nettement en deçà de tous les autres, puisque là, il faudrait que ça intègre un processeur, puisque là, on parle pour l'Oculus, on est plus à hauteur de 2000 euros. Avec le PC, etc. Et même ouais. Pour la PlayStation, on est aux alentours de 800 euros, les deux compris. Là, on serait à moitié prix, donc on peut forcément penser que ça serait moins puissant, mais je pense qu'il pourrait quand même avoir une place sur le marché, c'est-à-dire vraiment un entrée de gamme qui serait ni leur Cardbox, ni quelque chose comme le HTC Vive très compliqué à mettre en œuvre. Là, peut-être quelque chose qui soit hyper simple, on le met juste sur la tête. C'est que le Samsung Gear VR, il est déjà vendu à 1 million d'exemplaires. Hein, donc, Et déjà, il faut un téléphone. Si tu pars du principe que ce casque est fait pour, non pas les jeux vidéo en réalité virtuelle, mais pour des films ou des expériences en réalité virtuelle, c'est... Bah, il y aurait des applications. Possible. Après, ça serait il y aurait comment on appelle ça, un environnement logiciel. Faut voir après ce qu'ils mettent dessus, mais il n'y a pas de raison que... Il n'y a peut-être pas besoin d'autant de puissance de calcul que la PlayStation, du coup, Ça dépend ce que tu mets comme expérience de réalité virtuelle. Mais disons que ça peut être une entrée de gamme, moi je trouve assez intéressante... Je pense que ça peut participer à la démocratisation. S'ils arrivent à vraiment miniaturiser comme... Ah, c'est mieux comme ça, Greg. On fait des tests de son. Vers la fin, on se dit, on va faire des tests de son. Exactement. Tu mets au fini. Si en effet, ils arrivent à proposer un concept où tout est miniaturisé, tout est portable, ça peut être très intéressant. Ça franchit des fils. On en a souvent parlé ici. C'est un peu un des freins, à mon avis, pour que la réalité virtuelle s'impose. C'est-à-dire, déjà, il faut une machine. Après, là peut-être qu'il sera gros parce qu'on ne sait pas du tout à quoi il ressemblera, mais le fait d'avoir tout en un seul appareil, ça peut être quand même. Ça fait plus rêver qu'un gros câble. Ouais, ça casse quand même un mur, que des gros câbles partout, que ton PC que tu dois updater ou une console. Voilà, Bon, à voir, hein, peut-être qu'ils annonceront rien du tout et que donc Peter Rojas nous aura bien pris pour des cons et que c'est pas du tout vrai. Ce sera le chiffre fact. Surtout qu'il est ex-journaliste high-tech, donc peut-être qu'il n'en a plus rien à faire de balancer des autres rumeurs à la con. Et du coup, Samsung ouais, deuxième rumeur, alors là pour le coup c'est plutôt un serpent de mer puisqu'on en parle au moins depuis un an. C'est l'arrivée chez Samsung d'un smartphone à écran pliable. Nom de code projet Valet. Et en fait, donc ça fait apparemment plus de 3 ans que Samsung travaille sur ce projet. Valet ou Wallet ? Valet. Comme la Valet. D'accord, ouais. Pas comme le portefeuille. Mais tu vois que ça pourrait y faire penser à Wallet, mais c'est Valet. Et selon le site IT News, ce nouveau smartphone pourrait être commercialisé en début d'année prochaine. Donc ça serait quand même assez imminent. L'idée, moi, je la trouve vraiment très séduisante. Et ça pourrait peut-être un peu, c'est ce que attend, d'après les rumeurs Samsung, l'innovation un peu majeure qui relancerait le marché des portables, des smartphones qui est en berne depuis quelques mois. Donc en fait, on aurait un smartphone qui plié ferait 5 pouces de diagonale et qui déplié se transformerait en tablette avec un écran de 7 pouces. Oui. Voilà. Donc en gros, ça ressemblait à un portefeuille. C'est vrai que tu parlais de wallet. Oui, non, mais en fait, moi, je préférais avoir un portable déplié de 5 pouces et tu plies, ça fait un format carte de crédit. Non, là, ça serait pas... non, là, l'idée, ça serait d'avoir un smartphone et une tablette. D'accord. Mais pas une tablette style. Enfin, tu vois, les ceux qui sont vraiment. Ouais, voilà. Mais c'est, ouais, c'est... Oui, mais c'est une vraie tablette. Mm. C'est pas un téléphone style, tu vois, l'iPhone 6S oui, ou. Une phablette. Une phablette. Voilà. C'est une phablette. Là, tu me le montres, voilà, 7 pouces, c'est ça. Et plié, il ferait que 5 pouces. Non, tu trouves pas ça séduisant quand même. C'est gros déjà. Oui, mais c'est gros. C'est parce que je me dis si un portable est pliable, autant qu'il soit beaucoup plus petit dans la poche et que quand tu le déplies, il soit la taille d'un portable normal. Mais tu vois. Ouais, mais l'idée c'est que tu es aussi. Ouais, c'est... Oui, on va pas discuter. Stan râle. Non, on débat. Pas content. Ah, oh, si, je suis très content. Donc, ils utiliseraient une dalle OLED pliable développée par leur division Samsung Display. Et donc, en fait, apparemment, ils auraient déjà contourné tous les obstacles technologiques que pose le fait d'avoir un écran pliable, forcément. La batterie. Et la batterie, tout ça. Alors, je sais pas comment on peut tordre des écrans. La batterie pliable n'était pas possible jusqu'à il y a quelques années. Et c'est maintenant c'est possible. Ça, c'est possible maintenant. Ouais. Donc, ils mettent une plus petite batterie, je sais pas. Et ils ont acquis tous les brevets pour une production prévue, selon les rumeurs toujours, second semestre 2016. Ouais, pas mal. Moi, je serais cru. Ouais. Je serais preneur. Je pense que ça ferait pas mal sur le marché, ça. Les gens, ils aimeraient bien. Tu vois, t'es genre, ah ouais, ça se plie. C'est une question d'image aussi. D'image. Ça me fait penser. C'est très bête comme. Pardon, Julien, je te coupe. Les premiers jeux Nintendo, là, qui se. Ouais, les Game & Watch. Ouais. J'imagine vraiment un truc genre Game & Watch. Je pense que ça sera un peu mieux. Oui, non, mais je veux dire, dans l'objet. Tu parles de Nintendo, parce qu'on avait parlé à une époque des écrans, je crois que je sais pas si c'était pas Sharp. C'est Sharp. Qui faisait des écrans pliables et on avait parlé d'un écran en forme de donut. Aussi des écrans plutôt. C'est pas pliable, c'est plutôt de toutes les formes, en fait. Ouais, de toutes les formes. Non, les écrans pliables, c'est plutôt Samsung qui a innové avec ça, je crois. Les écrans souples et pliables, c'est Samsung, et les écrans de toutes les formes, c'est Sharp, ouais. Et comme on voit en même temps le succès à la fois, par exemple, des trucs deux en un, on voit pour les ordinateurs et tablettes, peut-être qu'un smartphone vraie tablette, un truc qui serait faut voir l'épaisseur, petit, faut voir l'épaisseur, oui, ouais, voilà, faut voir le produit, mais disons que moi, je pense que ça peut être une idée, c'est une idée séduisante. Surtout pour la solidité aussi, si on se dit que c'est plié dans sa poche, voilà, c'est ouais. Bien, ça, on peut le faire tomber, on s'en fout, quoi. On peut le jeter par terre. Voilà. Ok, bah intéressant. Fini pour tes news rumeurs. Bah, c'est des rumeurs, hein, attention. Oui, c'est des rumeurs. Ne vous emballez pas. Voilà. Grégoire, oui. Tu as encore une news secrète. Ah oui, ce sera la dernière news secrète. C'est une news flash secrète. Hein, donc ça sera rapide. Flash avec les guillemets de Grégoire. Voilà, non, ça sera un peu plus rapide puisque en fait, bah, je vous avais parlé de l'iPhone hein, dans dans le dernier podcast. Je vous avais dit ça va pas très bien chez Apple en ce moment. Les iPhones se vendent pas très bien. On anticipe un iPhone là le prochain qui serait pas terrible, pas beaucoup d'innovation. Et du coup, il y a des rumeurs déjà sur le prochain iPhone, l'iPhone 8, qui pourrait être lancé dès 2017, au vu, comme je vous l'avais dit, des résultats décevants des iPhones dernièrement. Et pour un peu redorer quand même l'image d'Apple, le Time a propulsé l'iPhone au top 50 des gadgets les plus influents de l'histoire. Donc voilà, vous avez bien compris le but de ma news, c'est que j'ai pas le top 50 sous les yeux parce qu'il y en avait beaucoup trop. J'ai pris le top 15 des gadgets, donc le premier c'est l'iPhone d'Apple en 2007. Ben, je suis assez d'accord avec ça. Et je vais vous demander... Bah, redis-nous l'intitulé Le top 50 des gadgets les plus influents de l'histoire. De l'histoire complète. De toute l'histoire complète. Top 15 hein, maintenant. Donc là, moi j'ai le top 15 sous les yeux parce que j'ai pas été chercher tous les 50. Alors numéro 1 l'iPhone, je serais peut-être plus dubitatif. C'est 20 dernières années par exemple. L'histoire. Donc voilà, est-ce que vous pouvez dans ces 15 là m'en citer un autre? Peut-être que vous m'en citerez un qui est pas dans le top 15, qui est dans le top 50. Alors le Walkman. Mais... Et Stanislas commence fort avec le Walkman est top 4. Le Walkman de Sony de 1979 hein, qui arrive en 4ème position. Alors c'est que des appareils électroniques ? C'est que des appareils électroniques hein, qui existent. Voilà, dans ce top 15, le plus vieux, je vous donne un indice, le plus vieux date de 1877. Ah bah le téléphone. Non, Morse, ce n'est le pas le télégraphe. Le téléphone. Le phonogramme. Le télégraphe. Il y a le. Alors, c'est le tourne-disque c'est le phonogramme 1877. Hein, bien joué. La première popularisation. Bah, le PC, quand même, est là-dedans. Effectivement, le PC est dedans. Alors, est-ce qu'il est dedans? Je sais que je l'ai vu dans le top, mais je ne sais pas s'il est dans le top 15. Alors, c'est peut-être l'ordinateur qui est dans le top. Si, c'est l'ordinateur. En fait, c'est l'ordinateur Macintosh d'Apple, en fait. Le mini-disque. Le mini-disque. Le mini-disque. Non, Julien. Le mini-disque numéro 1. Le premier PC était dedans aussi, mais il n'est pas dans le top 15. Je n'ai pas tout le top 50 en tête, mais il était dedans. C'est marrant, ils mettent le... D'accord, non, je sais pas. Je ne m'y connais pas assez, mais c'est marrant de mettre le Apple avant le PC, quoi. Voilà, donc... Le premier lave-linge. Alors, le premier lavage... Oh, Julien qui pense à la condition de la femme. Quel sale, monsieur. Il n'est pas dedans. Après, enfin, la religion, on va avoir les fémines sur le dos. Après, les fatouas, il est pas dedans, mais il est peut-être dans le top 50, peut-être. Allez voir. Est-ce que vous voulez que je vous cite un petit peu ce top 5? Et si on a l'enregistrement hors antenne, on aura encore plus de problèmes avec les fémines. Celui-là, on ne le publie jamais, celui-là. Pourtant, je disais rien, là. Non, on a un autre produit. On a quand même, donc, on a Apple, on a l'iPhone en première position, on a l'ordinateur Macintosh en troisième position, on retrouve également l'iPod en neuvième position. Il y a que des trucs Apple. Ouais, ils sont très bien placés. Non, il faut avouer. C'est un peu exagéré. Alors, en fait, en deuxième position, c'est le téléviseur Trinitron de Sony, le premier téléviseur couleur, en fait, tout simplement, en 1968. Ah oui, d'accord. Walkman de Sony, tu l'as dit, en quatrième position. C'est IBM avec son ordinateur modèle 5150 en 1980, donc c'est le premier, en fait. PC. Le four à micro-ondes, est-ce qu'il y est Il est peut-être dans le top 50, mais je le vois pas ici. Tu nous frustres, hein, Greg. On peut parler du première radio. De pas avoir les autres. Ah bah attends, c'était long. Hein. Bref, premier transistor radio de Regency en 1954, qui est 7e. L'appareil photo Brony de Kodak en 1900. Brony, ça va. Le 10e est un peu étonnant puisque c'est un sextoy. Je suis sûr en plus. Le masseur Magic Wand. Non, c'est un masseur à... Le 10e va vous étonner. Je vais mettre ça dans les Twitter. Et on va faire très en forme. Et en plus, on va le mettre en 10 pages. Quoi. C'est clair. On a 11e la calculatrice Pocketronic de Canon. En 12e, le magnétoscope, le premier VCR en fait, le Philips. Ça, oui, c'est important. Oui. En le laserdisc, il n'y est pas Peut-être plus tard. Et attends, la télécommande. C'est tout bête hein, comme invention, la télécommande. Ah, peut-être plus tard, mais en tout cas pas dans le top 15. Hein, c'est perdu pour le top 15. Ouais, mais c'est pas un appareil là. Oui, mais c'est une invention qui a bouleversé la façon de regarder la télé. Le téléviseur est plus. Oui, mais. Ouais, mais imagine un téléviseur sans télécommande. Juste la télécommande sans le téléviseur. Ça donne un mauvais film avec Adam Sandler. C'est pas faux. Oh putain, il est nul ce film. Bon, bref. Il y a la console de jeu Atari 2600 que vous n'avez pas cité. Non, même pas la 13. Si, la NES est en 15e position, vous auriez pu la trouver en 1983. Ouais, la PS4, là. Et le 14e, c'est. Le 14e, c'est tout simplement le premier modem, hein, la connexion Internet, 1994. D'avoir les basiques. Voilà, donc je vous laisserai le lien sur le site pour aller voir le top 50. Parce qu'il y en a plein. Parce qu'on est frustrés. Je les ai tous là, mais tu vois, il faut lire tout le truc, c'est hyper long. Hein, le Segway en 48. Ah bah voilà, dis-nous les trucs comme ça. Non, mais je vais pas tous les dire. Mais non, pas les 50. T'es sûr qu'il y a le mini-disque Bah je le vois pas. C'est aussi long que ça, mais c'est un grand. Ah bah c'est, ah oui, c'est bon, c'est parce qu'il y a les photos. Ah bah non, mais en fait t'as toutes les explications du time machine. Enfin, pourquoi ils l'ont mis là? Tu as la PlayStation là. Ah, la PlayStation. Tu as une Xbox ou quoi? La Wii est 32e, la PlayStation est 31e. La Game Boy elle y est. La Game Boy je l'avais vue, ouais, mais je la trouve plus. Honnêtement, si je peux me permettre, hein, mettre une console genre la NES, puis après mettre une PlayStation, pour moi c'est pas une révolution la PlayStation, c'est juste une continuité quoi. C'est une évolution. Je sais pas si je suis d'accord. C'est aussi la popularisation du lecteur DVD, etc. Tu vois. La PlayStation, c'était... Non, c'était un CD. C'était un lecteur CD, ouais. Ou non. Je suis pas sûr qu'il y ait de DVD. En tout cas, c'était aussi une nouvelle technologie. Enfin, c'était une rupture technologique. DVD, c'était non, je suis pas d'accord, moi. C'était une rupture technologique, quand même. Non, c'était une évolution. Ah, la Game Boy est là, 16e. Elle est derrière la PlayStation. Non. La Game Boy ? Ouais. Non, elle est devant. Ouais, je continue à dire que la PlayStation est une évolution, certes, qui a fait un petit pas dans l'avancement des consoles, mais qu'une évolution de. Je vous montre le vibromasseur. Hein. Mais non, c'est un masseur à joues. Dans la Redoute, je l'ai vu, c'est un masseur à joues. C'est ça, t'as raison. Le masseur à joues. Voilà pour la petite news flash. On va passer par les plus. Ça aurait été drôle. Ça fait déjà 40 minutes, quoi. Bon, on va terminer ce podcast avec, comme d'habitude, notre petite promotion canapé, et puis on parlera des sorties ciné à venir. A tout de suite. Dernière partie avec la promotion canapé. Julien, qu'est-ce qui t'a occupé? Excusez-moi, on s'en a fou rire, donc je rigole. Julien, qu'est-ce qui t'a occupé? Qu'est-ce qui a occupé mon petit esprit pendant... Exactement. Pourquoi tu dis petit esprit? Ne te dénigre pas, Julien. Non, voilà. Moi, j'ai joué à un jeu pas très attendu, pas très connu, qui s'appelle Uncharted 4 A Thief End, donc la fin d'un voleur, sur PlayStation 4. Pas de spoil, s'il te plaît. Non, je ne vais pas spoiler. Donc, je suis à peu près je suis au chapitre 14, donc une quinzaine d'heures de jeu. Sur combien de chapitres, tu sais où t'en es? Je crois qu'il y en a 22 ou 23. Je joue en difficile et j'explore pas mal. Je cherche à trouver un peu tous les trésors. Je suis passé par pas mal de sentiments différents au cours des 14 chapitres que j'ai fait. Alors, au début, j'ai été hyper déçu. C'est-à-dire que les 4-5 premiers chapitres, donc c'est la mise en place du jeu. Et pour le coup, pour ceux qui ont fait les zones Uncharted, qui, surtout le 2 qui démarrait très très fort, là ça démarre très très doucement, dans un espèce de faux rythme, avec des flashbacks que moi j'ai trouvé un peu inutiles. L'idée, pour ceux qui ne connaîtraient pas Uncharted 4, c'est que Nathan Drake est plus ou moins à la retraite d'aventurier, donc il vit une petite comme ça, vie paisible avec sa compagne, hein, et il va quand même se retrouver plongé dans l'aventure. Mais voilà, c'est très très lent, j'ai pas trouvé ça super bien écrit pour ce que ça racontait. Il n'y a pas le rythme et le punch qu'on a dans Uncharted 2, et même dans le début du 3, donc les 4-5 premiers chapitres, moi j'étais un peu comme ça. C'est retraité quoi. Bah ouais, mais surtout, en fait, en soi, c'est pas inintéressant, mais c'est un peu long, et c'est surtout complètement inintéressant à jouer. Alors, c'est pas inintéressant à regarder, mais à jouer, ce qu'il te demande de faire, c'est du pouce-stick. Je vais pas spoiler ce que tu fais dedans, mais... Ça me rappelle un peu dans Uncharted 3, quand tu joues le Nathan Drake petit, où t'es dans le musée, et tu découvres le musée. C'est un peu ça. Tu te fais un peu chier, quoi. Bah, c'est un peu ça. C'est joli, mais tu te fais chier, d'accord. Voilà, bon, je trouve ça bien, ce passage-là, face à... Oui, mais le problème, c'est que ça... Ça coupait un peu le rythme, mais je sais pas, j'ai pas trouvé ça désagréable. Bah là, tu démarres un peu là-dessus. Voilà, le problème, c'est de démarrer là-dessus, c'est pas que ça coupe le rythme, c'est que c'est... Et à partir du chapitre 6, quand tu arrives en Italie, là, ça démarre vraiment. Tu retrouves Sully et donc Sam, qui est le nouveau personnage, qui est le frère. Donc, ça, je ne sais pas, un spoil, hein, on le voit tout de suite. Sam Drake, qui est donc le frère de Nathan. Et là, pendant, on va dire, du chapitre 6 à 12, j'ai vraiment retrouvé tout ce que j'aimais dans Uncharted, c'est-à-dire ce côté vraiment rythmé, avec des situations complètement hallucinantes, où voilà, pour ceux qui avaient vu les premiers trailers, notamment quand tu arrives à Madagascar, dans la Jeep, et qu'après tu t'enfuis. Enfin, il y a des scènes de fuite qui sont juste hallucinantes. Donc là, ça marche super bien, c'est hyper agréable à jouer. Donc voilà, t'as un rythme génial. Et après, à partir du chapitre 12, ça retombe un peu. Alors moi, c'est un peu mon problème avec tout l'Uncharted. C'est-à-dire, pour moi, je trouve que c'est réussi quand t'as le cocktail entier. Tu vois, c'est un peu comme un cocktail. C'est quelqu'un te sert un cocktail, tu sais pas trop ce que c'est. Il va te dire, il dit pas ce qu'il a mis dedans. Si c'est bien dosé, il y a des bons ingrédients, tu vas te dire ça fonctionne. Mais peut-être que si finalement il te montre ce qu'il a mis dedans et que c'est juste un pauvre jus d'orange de chez Lidl, ça va peut-être moins le faire si tu goûtes que le jus d'orange. Donc je trouve que généralement, quand ils font une phase de fuite avec de la grimpette, des gunfights, des trucs hyper spectaculaires, ça fonctionne. Mais quand tu as un chapitre entier avec juste de la grimpette et une énigme comme ça de temps en temps, ou un chapitre avec que des gunfights, bah là, je trouve que le jeu il fonctionne beaucoup moins bien. Je trouve que quand ils arrivent à avoir un rythme super soutenu, où ils ne font jamais relâcher la pression, là, ça fonctionne. Tandis que là, ils avaient l'idée de plus se poser. Le scénario prend un peu plus son temps, ils posent un peu plus les personnages. Alors pour certains, ça peut être des qualités, mais moi, je reste quand même dans l'esprit qu'un Uncharted, c'est un jeu d'aventure, que ce qu'il faut, voilà, c'est que ça envoie quand même au niveau du rythme. Et là, moi, je trouve ça un peu en dents de scie, quoi. Oui. Et alors, par contre, c'est hyper beau. Mais même pas que techniquement, c'est artistiquement, tout est hyper bien choisi. C'est hyper dépaysant. Il y a aucun décor qui se ressemble. Tu prends des claques. Tous les chapitres, c'est pratiquement une claque technique et artistique de ce qu'ils ont réussi à faire dans le jeu. Alors après, ils ont un peu ouvert le level design, c'est-à-dire que tu as des zones beaucoup plus grandes. Ce qui est assez sympa pour toutes les phases un peu gunfight, parce que tu peux faire des approches un peu en infiltration. Alors ça reste de l'infiltration un peu pour les neuneux quand même, c'est pas tellement développé, tu peux pas faire grand chose quand tu sors de Metal Gear, c'est un peu limite. Mais disons qu'ils ont eu le mérite d'ouvrir le level design avec des zones en hauteur, ce qu'on voyait notamment à l'époque au PlayStation Experience, où tu vois, t'as un grappin, donc tu peux te déplacer en hauteur et atterrir directement sur un ennemi en contrebas. Alors ça, c'est très sympa. Par contre, l'exploration, c'est beaucoup plus grand, mais ils ont rien mis à trouver, quoi. C'est-à-dire, t'as toujours le système de trésors, les 100 trésors, trouve un bol indien qui appartenait à mamie, des trucs comme ça, enfin des trucs dont tu te fous complètement. Non, mais tu vois, une espèce de statuette d'éléphant de l'époque machin, mais ça a aucun lien avec le jeu lui-même et avec l'histoire. Et donc voilà, tu trouves ces trésors, t'en as juste rien à faire. Alors il y a quelques notes qui vont un peu approfondir, mais finalement explorer, ça reste quand même toujours du grand couloir. Et finalement, ça apporte pas grand chose d'avoir ouvert à ce point le level design, puisque en fait ils ont pas du tout changé le game design, c'est-à-dire t'as pas du tout de craft comme dans Tomb Raider, t'as pas tellement d'armes disponibles, donc finalement explorer un endroit aussi grand que Madagascar ou même en Écosse, ça apporte pas grand chose. Donc le côté beaucoup plus ouvert, moi j'ai pas trouvé que c'était quelque chose de décisif. Donc voilà, après je trouve que ça reste quand même un très bon jeu, mais c'est un peu les montagnes russes, je trouve ça, pour moi ça reste très en dessous du 2 pour l'instant, il me reste quelques chapitres, mais je suis pas sûr que ça change tellement, après peut-être que la conclusion fera que je réviserai mon jugement, c'est bien au-dessus du 3, hein. Chaque dit aime bien le 3, mais moi j'aime pas du tout le 3 et je lui trouvais aussi des problèmes de rythme, et là pour le coup le 3 il t'emmenait à des endroits n'importe où, je trouve que ça devenait un peu James Bond où tu savais pas pourquoi t'allais à un moment en France, après t'allais là, là ça reste quand même très tenu dans l'histoire, enfin tu sais pourquoi tu vas à tel endroit, il y a un trésor lié au pirate, tout ça c'est pas hyper original mais ça se tient suffisamment pour que tu te dises pas mais attends pourquoi il va à Madagascar, ça reste quand même assez plausible, mais voilà moi enfin il y a des critiques qui sont assez dithyrambiques, hein. Je sais pas si t'as vu un peu les retours presse, il y a une unanimité, moi je trouve ça un peu bizarre parce qu'on est quand même à Uncharted 4 déjà et voilà c'est pas une révolution quoi. C'est un bon jeu, c'est un bon Uncharted. Moi, je le mettrais juste après le 2 et devant le 1 la PS Vita et nettement devant le 3. Mais voilà, il ne chamboule pas la formule, je te dis, à part le grappin, des gunfights parfois un peu plus nerveux avec quelques meilleures sensations au niveau du recul. Maintenant, ils ont repris quelques éléments aussi de Last of Us dans l'infiltration, mais ce n'est pas une révolution. Après, c'est un très bon jeu. Si t'attends un bon Uncharted, tu seras servi. Ça t'en met plein les yeux. Quand ça part vraiment. Moi, il y a des séquences qui vont vraiment me marquer. Mais voilà, je le mettrai pas. C'est pas sur le même pas. Ça sera pas mon GOTY ou tu vois même pas sur le. Il sera peut-être pas même pas sur le podium de l'année quoi pour moi. D'accord. Bon. Après, j'ai l'impression. Enfin, ça donne peut-être l'impression que j'apprécie pas le jeu. Non, c'est parce que tu. En fait, ils t'ont donné ce que t'attendais quoi. Voilà, mais c'est-à-dire pour moi, c'est pas plus que ça. C'est-à-dire voilà, c'est un ça. Bon jeu popcorn et même parfois un peu en dents de scie au niveau du rythme. Mais si t'en attends plus, voilà, ça reste. J'ai entendu quelque chose évoqué qui m'a fait peur à propos des sidekicks. Est-ce qu'il y a le même défaut que dans Last of Us à ce niveau-là ? Alors oui, en plus, les sidekicks sont présents. T'es jamais tout seul pratiquement. C'est mais très, est-ce qu'ils te font chier ? Non, mais moi, par exemple, dans Last of Us, je trouve pas ça chiant. C'est-à-dire que là, parfois, tu les vois passer. Last of Us, ce qui est chiant, c'est que t'as des phases d'infiltration où ça te gâche l'univers, je veux dire. Là, disons, quand tu fais de l'infiltration, ce qui arrive quand même quelques fois, ils sont un peu mieux cachés. Alors, ça arrive des fois qu'ils passent comme ça et l'ennemi les repère pas. Mais voilà, moi, je trouve pas ça très gênant. Non, ce qui est énervant, c'est quand le sidekick te fait perdre une scène parce qu'il se fait voir. Non, là, ça arrive jamais. Bon, c'est le principal, alors. Non, ça arrive jamais. Et pour le coup, même parfois, il y a des bonnes interactions. C'est-à-dire que quand tu fais du corps à corps, tu peux vraiment faire des scènes à deux avec les personnages. Voilà, il y a une interaction. Ça, c'est plutôt bien fait. Non, pour ce côté-là, c'est pas, c'est pas gênant. Ouais, alors, si c'est juste ça, ton... En tout cas, moi, tu m'as donné envie. Parce que, comme tu disais, moi, mon épisode préféré, pour l'instant, c'était l'épisode 3. Parce que je trouvais que, justement, ça faisait moins couloir que... Le 1 et le 2, parce que pour moi, le 1 et le 2, c'était vraiment que des couloirs, des couloirs magnifiques, hein, je dis pas. Mais voilà, tu t'avances, pam pam boum boum, tu récupères 2-3 trucs et tu refais ça à l'infini jusqu'à la fin. Alors que le 3, justement, je trouvais qu'il y avait un peu des cassures de rythme. Et, voilà, moi, ça me plaisait bien. Et si c'est un peu le cas pour celui-là. Bah là, ouais, c'est un peu plus posé et oui, c'est beaucoup plus ouvert, t'as beaucoup moins de couloirs et t'as un peu moins de gunfight que dans les autres. Moi, j'avoue que ça me fatiguait, hein, franchement. Il y en a quand même quelques-uns, et moi, parfois, t'as quelques grappes d'ennemis, mais c'est un peu moins important, c'est peut-être un peu mieux maîtrisé, pour le coup, dans la répartition des gunfights. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de scènes où des scènes climax, tu vois, où tu fais un truc, en même temps, tu t'escalades un truc, il y a un mec qui tire comme dessus. Comme dans le 2, l'immeuble qui s'écroule. Voilà, comme dans le 2, t'avais l'immeuble, même le début, quand t'es dans le train, voilà, plein de trucs comme ça qui fait que c'était marquant. Mais je trouve que souvent, pour moi, Uncharted, ça marche. J'ai l'impression que moi, ça marchera qu'une fois, tu vois, c'est une fois que t'en as fait un. J'ai l'impression qu'après, les ficelles qu'ils utilisent, elles sont un peu trop visibles. Quoi. C'est-à-dire, tout ce côté, alors ils font un peu moins de non, tout s'écroule. C'est-à-dire, maintenant, quand il y a un truc qui s'écroule, ça ne me surprend pas. Quand tu vois, tu sautes et tu as l'impression qu'il va rater son saut, je sais qu'il va le réussir. Quoi. Tu vois, ce côté au début où tu te disais, ah, mais qu'est-ce qui se passe, tout s'écroule, ou tu avais l'impression qu'il tombe, qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui s'écroulait, ça pouvait encore s'écrouler en dessous. Ça, cette magie-là, elle est un peu cassée une fois que tu en as fait deux ou trois. Quoi. Donc ouais, peut-être pour les gens qui. Ouais. Excuse-moi, mais moi en plus je les ai fait il y a pas longtemps, je les avais jamais fait avant, j'avais acheté le Uncharted Trilogy, mais c'est vrai que quand tu les fais en plus un peu à la suite, ces mécanismes-là, mais tu les vois, mais voilà quoi, ouais, tu les c'est vois gros bien. Comme une maison. Hein. Et comme les sauts sont très, tu vois, contrairement au premier tout premier Tomb Raider, c'est des sauts très donnés, hein, c'est-à-dire c'est rare de tomber, à part si tu veux tester, généralement, ça enlève un peu le côté peur de tomber. Ou... Et comme quand tu tombes, tu recommences directement où tu avais perdu, ce qui peut être une bonne chose pour certains quand tu veux juste faire le jeu. Voilà, après, ça reste un jeu hyper agréable à jouer. Et je le dis encore, c'est une claque technique, graphique. Voilà, Naughty Dog, ils maîtrisent complètement la console, le hardware. Il n'y a pas un pad aliasing, ça pop jamais. Il n'y a pas de bugs, c'est super fluide. Enfin, c'est du 30 FPS, mais disons que ça rame jamais. Non, voilà, c'est. Et même artistiquement, des fois tu t'arrêtes vraiment pour regarder les panoramas. En plus, il y a beaucoup de level design en hauteur, donc tu es souvent bien plus haut et tu as tout le paysage. Tu vois par exemple toute une ville en contrebas, et voilà, des fois tu es là, tu t'hallucines quoi. Enfin, voilà, y a un ça a toujours été magique ça. Ah ouais, et c'est un côté invitation au voyage qui marche vraiment dans un jeu d'aventure. Voilà, donc, par contre, quand tu l'auras. Ouais, excuse-moi. Ouais. Quand tu l'auras fini, je serais bien curieux d'avoir ton avis, parce que moi j'ai toujours trouvé dans le 1, le 2 et le 3 qu'il y avait toujours un gap de dingue de difficulté à la fin. Ou à chaque fois la fin, j'ai toujours trouvé ça hyper dur dans les Uncharted. Ouais, alors là je joue en difficile et il y a quelques petits pics de difficulté, mais bon voilà, c'est pas un mais jeu vraiment qui. Toujours à la fin, les deux derniers chapitres pour moi c'était. Ouais, parce que souvent c'est là où ils te mettaient des grappes d'ennemis. Mais là, pour l'instant, je trouve qu'en difficile, voilà. Après, tu le fais pas trop pour la difficulté. Moi, je le fais en difficile parce que j'aime bien ce côté voilà, où tu as un peu de répondant et tu peux mourir. Mais dans l'ensemble, comme c'est des scripts, au bout d'un moment, si tu le fais 10 fois de suite, t'en as un peu. Oui, tu comprends les mécanismes. Voilà, maintenant, moi, je le conseille quand même. Hein. Je pense que tous les gens qui ont une PS4 vont l'acheter. Et voilà, ça sera une des claques techniques de l'année. Mais je le situerai pas comme tout le monde. Espèce, voilà, certains parlent de jeux cultes, de jeux de la génération. Voilà, tu vois, à la limite, pour Last of Us, je pouvais un peu comprendre, mais bon, voilà, là, ça reste un jeu popcorn, très simple dans son gameplay quand tu prends chaque phase individuellement. Mais voilà, ça reste un très bon jeu, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. Bon, on va rester dans le jeu vidéo. Greg, tu voulais nous parler tout à l'heure, tu l'as évoqué, la bêta d'Overwatch, donc tu y as joué. Oui, je l'ai fait, j'y ai participé aussi. Alors, je dois préciser pour ceux qui nous écoutent que moi, je ne suis pas du tout un joueur de FPS à la base. Hein, je joue très peu en FPS, mais là, j'ai eu une bonne surprise en jouant cette bêta d'Overwatch. Alors, bon, déjà, c'est vrai que. C'est un TPS d'ailleurs. Alors. Comment ça, un TPS ? C'est pas un FPS, c'est pas une vue FPS. Si. Ah, si, c'est une vue FPS. Je croyais que c'était un TPS. Si. Ça, c'est un MOBA FPS, hein, donc c'était en équipe de 6 et tu dois combattre une autre équipe avec des objectifs plus ou moins variés qui changent au cours de la partie qui dure environ 5 minutes. Hein. Il y a de la prise d'objectifs, des escorter un convoi, ce genre de choses. Donc là, c'était la bêta, donc le jeu est en train de se régler définitivement. Et bah, moi, j'avoue que j'ai vraiment bien aimé. Alors déjà, moi, j'étais assez accroché par l'univers, même si celui-ci a été critiqué, peut-être parce que certains le trouvaient peut-être un peu trop déjà. J'ai vu hein, pour certains cet univers un peu mélangé de manga, personnages fantastiques, etc. Moi perso, il m'a plu quand même. J'avoue que les personnages, une fois qu'on les a en main, qu'on les voit, qu'on les entend, quand on connaît leur maniabilité, etc., ils acquièrent quand même un peu plus de profondeur, une petite personnalité qui les rend quand même chacun assez cool à manipuler, même si j'ai même pas eu le temps d'essayer tous les personnages vraiment bien. Il y en a qui sont assez compliqués à utiliser. Donc moi, l'univers esthétique déjà, graphique, et puis même l'univers en soi, je l'ai bien apprécié. Et puis le jeu en lui-même, en fait, est vraiment, pour l'instant, j'ai trouvé de très bonne qualité, en fait. Hein. Les parties succèdent hyper bien, il y a aucun... Là, c'était un stress test, mais il n'y a eu aucun temps de chargement ou de problème particulier. Les parties s'enchaînaient bien. Une des particularités de ce jeu, comme je l'ai dit, bon, on est en équipe de 6 et en plus on n'est pas obligé de rester avec le même héros pendant une partie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on meurt ou on retourne à notre base, on peut changer de héros. Et donc, par exemple, si on a pris un bastion, etc., pour au premier coup, et puis qu'on voit qu'en fait l'ennemi, bah, finalement, ils ont parfaitement la bonne défense contre nous, ce qu'on avait prévu, bah, on peut changer et puis prendre un sniper ou quelque chose comme ça en plein milieu. Donc, même si on a certains qu'on aime bien manipuler, on aime bien ce petit sniper, etc., on peut se dire, oulala, l'ennemi n'est pas configuré comme on l'attendait, on va aller changer et puis on va se faire ça. Et d'ailleurs, au début, dans l'écran de sélection de chaque partie, il vous dit, on voit les 6 joueurs, et puis il dit, attention, vous n'avez pas assez de personnages défensifs, attention, vous n'avez pas assez de bastions, attention, vous n'avez pas assez de sniper. Mais du coup, tu peux pas te retrouver. Ah oui. Alors, tu peux pas. T'es libre de faire ce que tu veux, mais tu peux risquer, quand tu respawn, de te retrouver avec une équipe qui aille des snipers. Oui. En fait, au début, tu vois ce que les autres de ton équipe ont pris. À côté, t'as un truc qui te dit attention, peut-être vous avez pas assez de snipers, par exemple. Tu te dis, soit personne n'a envie de changer, tout le monde prend son bastion, etc. Soit il y en a un qui se dit, ouais, moi je m'en fous, je vais prendre un sniper, je vais suivre le conseil, etc. Et puis le match se déroule, mais effectivement, tu peux voir tes partenaires autour de toi changer de stratégie. Un qui était sniper devenir un bastion, un qui était bastion devenir, j'en sais rien, autre chose. Donc ça permet de rééquilibrer un peu le rapport de force. En fait, il y a un rééquilibrage en permanence pendant les parties qui est très très vif. Et du coup, même c'est peut-être un des secrets du jeu, c'est qu'il ne faut pas hésiter à changer de personnage. En fait, pendant la partie, on s'aperçoit rapidement qu'en fait, au début, on a pris un tank et puis qu'en fait, ça ne va pas. Donc tant pis, on meurt vite. Et puis du coup, on reprend et on prend une personnage très rapide. Tu peux changer que quand tu meurs. Tu peux aussi retourner à ta base. Alors moi, je ne l'ai jamais fait, donc je ne te confirmerai pas comme ça tout de suite de façon certaine. Moi, j'attendais de mourir, en fait, hein, ce qui est allé assez vite avec mon cas, puisque je suis une grosse merde. Mais non, mais même en étant très mauvais au jeu, FPS, etc., j'avoue que j'y ai pris vraiment du plaisir, parce qu'en plus, il n'y a pas le côté dans un MOBA, quand on est mauvais, on le sent. Tu sais, tu te fais complètement larguer par les autres, tu les vois avancer sur les positions dominantes, tu es complètement lâché. Là, tu le sens moins, et par exemple, il y a aussi un système de récompense à la fin où tu peux récompenser l'équipe qui a été perdante, une personne dans l'équipe qui a été perdante qui a participé, par exemple, à soigner le plus. Pas forcément la dimension attaque, pas forcément la dimension etc. Ouais, tu peux jouer donc, le médic. Voilà, tu as des choses qui sont mises en avant, qui sont pas que genre il a fait des frags, quoi. Il a fait des headshots, il a fait machin. Non, t'as aussi genre il a participé à la défense de la base à plus de 50%. Tu vois ce genre de choses. Et du coup, c'est assez bien valorisant et ils mettent pas non plus. Ton équipe va pas aller t'insulter parce que t'as été mauvais, parce qu'ils savent pas vraiment ce que t'as fait en fait toi pendant longtemps. Donc tout ce que t'as envie de te balader pendant les 5 minutes et de pas tirer sur quelqu'un, tu t'es pas obligé de le faire, tu vois. Bien sûr, tu vas handicaper ton équipe, mais c'est pas forcément très grave, tu vois. C'est que des petites parties de 5 minutes. Donc il y a quand même une dimension assez fraîche, assez cool. On n'est pas encore avec plein de gens qui sont plein de snipers postés à t'attendre. Ça risque assez peu d'être le cas, honnêtement. Vu les maps sont très bien faites, c'est très bien construit, un très bon level design. Et puis cette attitude justement de encourager, on va dire, si tu vois qu'il y a que des snipers, bah le jeu va. Ouais, tu peux t'adapter en plus. Tu vas tout de suite comprendre qu'en fait il faut aller prendre le mec qui va tirer de loin et qui va lancer des grenades ou je sais pas quoi. Et puis bah tu vas aller prendre ça et du coup les snipers vont pas faire long feu, donc ouais. Eux aussi vont changer. Et du coup c'était vraiment très très dynamique. Et c'est très agréable, donc moi j'ai été vraiment vraiment bluffé, surtout que je suis vraiment pas un fan de FPS à la base, donc je sais que le jeu a eu des très très bons retours critiques aussi là pendant cette première bêta. Du coup moi je l'avais déjà acheté en précommande, mais là je suis content de l'avoir acheté, j'attends le 26 mai avec impatience. Tu joues sur PC hein. Oui, je joue sur PC. J'attends le 26 mai avec impatience qu'il soit enfin à nouveau disponible pour pouvoir y rejouer, parce que ça va être une vraie drogue ce truc, c'est vraiment super sympa à jouer. Donc Overwatch, moi pour l'instant, j'adhère complètement. Ok, super. Voilà. Ouais, je vais changer un peu de domaine, je vais passer au cinéma. Est-ce que vous préférez que je vous parle d'un film que j'ai aimé ou d'un film que j'ai détesté ? Bon, comme tu veux. Bah, non, oui, choisissez. Aimer plutôt. Hein. Aimer. Ah, oui, alors je vais vous parler de Maloute, qui a été une immense surprise. Maloute, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui nous écoutent, Maloute, c'est un film avec Lucchini, Valérie Brunet-Deschi, merci, Juliette Binoche, un film de Bruno Dumont, qui est une comédie qui se passe au début du XXe siècle. Au bord de mer, et c'est une comédie un peu déjantée, et je savais pas à quoi je m'attendais, parce que la bande-annonce finalement nous fait miroiter un film où les gens surjouent, ont un rôle complètement barré, et ça a l'air d'être une comédie barrée, et en effet c'est une comédie barrée, mais autant vous dire tout de suite, la bande-annonce ne montre pas 10% de ce qu'il y a vraiment dans le film en fait, et c'est là où vous avez toute la surprise, mais après c'est un univers hyper perturbant, ou on va dire ça comme ça, c'est-à-dire que moi j'étais dans la salle et j'avais l'impression de voir un film pour troisième âge déjà. Voilà, je vous dis le public qu'il y avait autour de moi. Hein. C'est ça c'est... Bah non, le film, moi j'ai pas trouvé que c'était. Ouais, non, film. Mais la salle c'était. C'était vraiment des gens âgés, ouais. Au bout de 5 minutes, je pense que la moitié du public a décroché parce qu'il y a des scènes qui sont très bizarres, qui ne font pas du tout comédie, qui sont dérangeantes. Et le film joue énormément là-dessus et se moque de plein de choses. Et c'est un film vraiment inventif, créatif, avec un univers hyper dense, complètement barré. Mais alors complètement barré, j'ai pas envie d'en dire trop, c'est pour ça que c'est difficile d'en parler. Mais c'est un film qui va rebuter énormément de personnes. J'ai eu des débats sur Sens Critique avec d'autres personnes qui aiment l'univers de Dumont, mais qui trouvent que là, il n'y a aucun rythme. Et moi, je trouve qu'au contraire, Dumont assume un rythme très différent de la comédie, qui n'est plus du tout un rythme actuel. C'est-à-dire qu'on a l'impression de se retrouver devant une comédie qui a été faite, qui a été écrite au début du XXe siècle. C'est-à-dire que c'est un rythme un peu à la Fedo, où les effets sont appuyés, répétés. On a l'impression de voir des situations cocasses tout le temps. Et Lucchini en rajoute des tonnes, et c'est vraiment, ça marche très bien. Et à côté de ça, on a des acteurs qui ne sont pas du tout professionnels, qui arrivent juste avec leur bagage, leur accent, leur façon de parler, où on ne comprend rien ce qu'ils disent, mais en fait, ils ne se forcent même pas, c'est juste des gens qui ont un gros accent. Et ça apporte un décalage vraiment très réussi entre la bourgeoisie qui a l'air de surjouer son rôle et les gens les autochtones qui sont là en étant ce qu'ils sont. Quoi. Alors, moi, j'ai un ami qui a détesté le film, hein, qui est un grand fan de cinéma, un grand connaisseur, énormément. Et qui disait donc lui qu'il l'avait vu dans le 16e, sur les champs, et que finalement, c'était un film pour justement un peu. Pour la bourgeoisie qui se moquait un peu des petites gens, des... Ah non, je ne pense pas du tout ça. Voilà, ah. Et que finalement, ça participait à cette idée de rire aussi aux dépens. Tu vois. Après, moi, je n'ai pas du tout vu le film. Non, ça, c'est vraiment la vision négative de la chose. À ce moment-là... un peu une vision politique, quoi. À ce moment-là, toutes les comédies, tu ris aux dépens des gens. Enfin, je pense que les Mais gens... là, que c'était particulièrement accentué et que finalement, dans la salle, ça faisait rire les gens d'une certaine classe sociale au détriment d'autres à l'intérieur du film. Alors moi, je sais pas, j'ai pas vu le film. Mais... Pour moi, s'il y a vraiment des gens risibles dans ce film-là, c'est la bourgeoisie qui est très risible et qui est ridicule. qui se ridiculise elle-même. Les gens qui ne sont pas comédiens et qui jouent les autochtones sont au contraire tout à fait premier degré et sont plutôt, on a plutôt de la sympathie pour eux, malgré ce qu'ils font dans le film, je ne peux pas en dire plus. Mais je ne sais pas comment vous décrire ça. C'est vraiment un univers dense, ce n'est pas un univers de comédie accessible. Premier degré, ce n'est pas Un homme à la hauteur avec Jean Dujardin. Hein. C'est vraiment... c'est l'autre film que tu avais vu, non? Oui, c'est l'autre film que j'avais vu. Ah, j'aimerais que tu en parles. C'est, voilà, il y a plein de thèmes abordés, c'est foisonnant. Il y a des références qui ne sont pas du tout comics. Et à un moment, il y a une balade en mer, on a l'impression d'être en train de lire un livre de Chateaubriand, tellement c'est filmé beau. L'image est incroyablement belle. Ça m'a sauté aux yeux, c'est incroyable. C'est très rare, je trouve, dans un film français que ça saute aux yeux. Et là, je trouvais que l'image était incroyablement léchée. Je trouve qu'il y a vraiment un gros travail qui ne se voit pas forcément, auquel on n'est pas forcément sensible. Et je l'ai réalisé qu'après, sur le rythme, justement, où il y a plein de gens qui sont sortis en disant c'est une comédie, mais elle n'est pas rythmée. Et en fait, je trouve que c'est une comédie très, très bien rythmée, justement. Il y a plein de références à l'humour du début du XXe siècle, notamment à Feydeau, j'ai trouvé. Il y a un personnage très ambigu qui joue un rôle d'homosexuel. On ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, je révèle rien du tout. Hein. On ne sait pas si c'est un garçon ou une fille pendant tout le film. Je ne dis pas si on a la réponse à la fin. Et c'est un personnage, moi, qui m'a fait penser, par exemple, à un clin d'œil à Proust, qui était des débuts du XXe. Il y a plein de choses comme ça qui sont très subtiles, très bien faites. Et vraiment, moi, j'ai eu pendant tout le film, j'ai eu le sourire aux lèvres. Et pourtant, il y a plein de scènes qui m'ont dérangé, qui étaient très dérangeantes, où ça partait dans tous les sens. Et je me suis dit, mais c'est n'importe quoi ce que je regarde. Et j'ai trouvé ça génial. C'est très grand. Donc, voilà. Je pense qu'au bout de 5 minutes, vous saurez si vous aimez ou vous n'aimez pas. J'ai pas vu Le Petit Quinquin. C'est la série de Bruno Dubon qu'il avait fait juste avant et j'ai vraiment envie de voir. Apparemment, c'était très drôle. C'était super drôle. J'ai vraiment envie de voir. Je sais pas si tu l'as vu, toi, Grégoire. J'avais vu quelques trucs, ouais. Il y avait quelque chose de dérangeant ou pas? Moi non, mais moi ça me faisait rire en fait. C'était juste décalé, c'était du non-sens, c'était du décalé, c'était. C'est ça. C'était de la moquerie, mais oui, avec plusieurs degrés de lecture en fait. Il se moquait à la fois de ses personnages, de lui-même, du fait de se moquer. Enfin, c'est assez. Il y avait une autre référence aussi que j'ai vue moi avant dans ce film, c'était un peu Tati. C'est-à-dire qu'il y a des scènes où vraiment on a l'impression d'être dans un Tati où tout le travail sur le son. La bande-annonce me faisait penser à ça. Oui, il y a vraiment le gros personnage d'inspecteur qu'on voit dans la bande-annonce. Et bien pendant tout le film, dès la première scène. Il a l'air ridicule parce qu'en fait, il lui a mis des bruits de ballon de baudruche. Donc, t'as l'impression que c'est un ballon de baudruche, en fait, ce mec-là. Et à chaque fois qu'il bouge, qu'il fait un geste un peu bizarre, on entend un bruit de ballon de baudruche qui frotte. Et ça rend un côté super comique et super. J'ai l'impression de vraiment voir un film de Tati. En tout cas, c'est un film qui laisse des choses, quoi. En tout cas, visiblement. C'est un film qui laisse pas indifférent, que moi, vraiment, je conseille parce que c'est. Voilà, on dit tout le temps que tous les films sont formatés. Celui-là n'est vraiment pas formaté, pour le coup. Cool. Donc il va diviser, certains vont dire que c'est une pure merde. Et moi, c'est déjà le cas à Cannes, c'était ça un peu. Voilà, ben moi je dis que voilà, c'est de la créativité. On aime ou on n'aime pas, mais c'est de la créativité. Je parlerai d'un homme à la terre après si on a un peu de temps. Julien. Oui. On va plutôt parler des films que tu as vus. Ouais, ou que rapidement. L'expo, ouais. Tu voulais que j'en parle ou... Oui, moi j'aime bien, mais c'est comme tu dis, c'est comme c'est très parisien. Je parlerai rapidement pour conseiller aux gens qui viennent sur Paris, peut-être s'ils peuvent le voir ou les Parisiens qui peuvent le voir. Tu as vu deux expos, c'est ça? Ouais, j'ai surtout parlé d'une expo puisque je suis allé au musée Guimet. Mm-hmm. C'est surtout un musée qui a beaucoup d'œuvres indiennes, pakistanaises, un peu style un peu art premier. Mais là, il y avait une exposition d'un photographe que j'aime beaucoup qui s'appelle Araki. Je ne sais pas si ça parle, ça parle aux gens ici, Araki. Donc, je ne sais jamais son prénom, je crois que c'est Nobuyoshi. Qui est un photographe qui a une soixantaine d'années, qui a beaucoup fait, on va dire, entre l'érotisme, la pornographie et le sentimentalisme. C'est assez marrant parce que quand on arrive dans l'expo, il y a environ, il y a tous ses livres. Et il a pratiquement sorti peut-être 300 livres d'œuvres. Vous pouvez en trouver chez Taschen. Donc il a surtout, le pan de tout ce qu'il a fait, il y a notamment ses célèbres fleurs. Il a beaucoup photographié des fleurs. Donc soit des fleurs fanées qui ramenaient un peu à l'idée de mort, ou vraiment des fleurs en gros plan qui rappellent un peu tout ce qui est, enfin, les organes sexuels, l'espèce de vie comme ça. Qui émerge, donc faut voir ses fleurs. C'est pas le truc dont je suis le plus fan. Il a fait aussi pas mal de trucs de bondage, mais pas d'un point de vue. Ça reste pas glauque. C'est plus un état. Il en parle d'ailleurs comme si c'était une espèce d'étape photographique, c'est-à-dire un instant suspendu. Oui, le bondage au Japon, ça n'a pas la même connotation. Non, ça n'a pas du tout la même connotation. C'est pas 50 nuances degrés, ouais. Quoi. Et aussi, alors là, l'exposition, elle est intéressante parce que ça retrace en fait tout son parcours. Depuis les années 70 où il a commencé avec un de ses premiers travaux qui s'appelait Voyage sentimental, qui était en fait sa lune de miel avec sa femme de l'époque. Et en fait en 90 sa femme est décédée d'une maladie et il a fait ce qui s'appelle Voyage en hiver, donc une autre série de photographies sur le même thème où il accompagne sa femme vers la mort. Alors bon, c'est pas des trucs très gays, hein, quand vous allez voir, c'est pas voilà, il y a ces points là il a fait. Et pour le musée Guimet, il a fait aussi ce qu'il a appelé le, je sais plus, je crois que ça s'appelle le tombeau, où il a mis comme ça une espèce comme ça de mausolée de toutes les œuvres qu'il avait fait, qu'il aimait. Ouais, c'est un photographe super intéressant pour ça, pour cette manière d'avoir amené la pornographie dans l'art, mais de l'avoir vraiment sublimé. Moi, je conseille vraiment. Alors, c'est un type qui prend énormément de photos. Je pense quand ils font le tri, ça doit être horrible, parce qu'il raconte d'ailleurs qu'il photographie tout le temps, n'importe quand. Donc il y a des Polaroids, il y a un espèce de mur comme ça avec plein de photos de lui. C'est voilà, tu te dis, il doit en avoir énormément. Voilà, moi je vous conseille vraiment d'y aller. C'est une exposition accessible, c'est-à-dire les voyages que tu nous as raconté de noces et en hiver, on comprend bien. Dans oui, l'expo. Oui, c'est très bien. La scénographie de l'expo est très très bien. C'est complètement, ça couvre les années. Ça passe d'une année à l'autre avec des thématiques. Non, c'est très bien fait. Il y a aussi, ils ont mis en relation quelques vieilles photographies japonaises du 19e siècle qui montrent justement l'influence que ça a pu avoir inconsciemment sur le travail de Araki. Même Araki, si vous ne pouvez pas aller à l'expo, vous pouvez trouver notamment chez Taschen, il y a beaucoup de livres d'Araki à des prix vraiment abordables. Il y a des trucs des fois qui coûtent, j'ai vu, il y a une superbe édition à 1000 euros que j'aimerais bien avoir, mais voilà, il y a plein de livres abordables, et voilà, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est une super expo. Donc pas Greg, mais... Non, pas Greg Araki, le réalisateur, mais Nobuyoshi. Nobuyoshi. Araki, donc Araki. Très bon photographe japonais. Ok, c'est bien si tu peux nous aiguiller sur des trucs comme ça, c'est bien, c'est sympa. Grégoire, comme tu en avais parlé le dernier podcast, je crois que tu as vu Sisters. Oui, je reviens à de la culture un peu plus... Vraiment plus niveau, hein, parce que là, franchement... Un peu plus culturel, hein. Sisters, ouais, je vais rappeler... L'actrice que tu as évoquée la dernière fois. Tina Fey, voilà, Amy Poehler. C'était pas terrible. Ah oui, on l'avait vu dans les... Ouais, je l'avais vu, donc j'ai été le voir. Ouais, bon, c'est vraiment un film comédie à l'américaine. Il y a quand même une implication de Tina Fey et Amy Poehler qui est intéressante, parce que donc j'ai découvert lors du générique de fin qu'elles sont executive producers sur ce film aussi. Ouais. Donc elles s'investissent un peu plus. Les blagues sont rigolotes. C'est pas un grand film non plus. La bande-annonce suffisait. Non. Ouais, la bande-annonce en dit beaucoup. Dit le principal, c'est vraiment de la comédie graveleuse américaine. Pas désagréable, pas non plus complètement stupide, parce que ça reste quand même Tina Fey et Abby Poehler, donc elles essayent toujours de mettre un peu plus que ce qu'on pense. Les blagues sont bien rythmées, les blagues fonctionnent, il y a des trucs assez drôles, il y a des dialogues qui vont me rester, je pense. Après, ça reste, c'est une petite comédie. Si un jour vous la voyez sur Netflix et que vous faites un peu chier, pourquoi pas. C'est un peu dans cette catégorie-là de films que je la mettrais, quoi. Un peu comme ton film, je crois. Un homme à la hauteur. comme un homme à la hauteur. J'en parle parce qu'on en a parlé il y a deux semaines, vous me trollez avec ça, j'ai été le voir. T'as vraiment été le voir en fait? Bah oui, parce que je vais voir ce qui se fait au cinéma. Alors? Déjà quand je vais voir une comédie romantique, ça ne me gêne pas que l'histoire soit très classique et soit une comédie romantique où on se déteste, on s'aime, on se redéteste et on s'aime à la fin. C'est comme sur ce modèle-là qu'est bâti Un homme à la hauteur, c'est une comédie romantique on ne peut plus classique avec un happy end à la fin. Ça, je ne dévoile rien, la bonne annonce nous laisse prévisager ce genre de choses. Là où c'est le plus gênant, c'est le choix très discutable, selon moi, de Jean Dujardin pour jouer un nain. Tu t'as mis à en rire la dernière fois. Oui, mais en fait, un rôle à... le problème, c'est que, en dehors de cette blague, c'est que moi, ça m'a créé un malaise affreux pendant tout le film. Ah bah ouais, c'est clair. C'est parce que, non seulement, j'ai passé tout le film à guetter les effets spéciaux. Tu ne fais que ça. Dès que tu as une scène où il est plus petit qu'un autre, tu regardes comment c'est fait. Dès qu'il s'assoit sur une chaise, tu guettes le fond vert, tu regardes comment c'est fait le trucage. Tu ne fais que ça. Deuxièmement, les proportions du personnage de Mini Dujardin sont très, très étranges. Il essaie de le justifier à un moment pendant le scénario en disant « Mais en fait, il n'est pas nain, il a un problème de croissance, il est petit, etc. » Mais du coup, ça fait un être difforme qui me met très, très mal à l'aise. Et pendant tout le film, moi, j'ai été mis mal à l'aise par cette image d'homme déformé, qui n'est pas un nain, en fait, hein, qui est un homme déformé. On fait que, pendant tout le film, de nous dire « C'est pas normal que tu l'aimes pas, tu dois l'aimer, tu dois être tolérant, tu dois pas juger les gens à leur physique, etc. » On dit même à un moment, il y a même un point Godwin, un personnage dit « Mais tu aimes cet homme, sinon t'es comme les nazis, tu juges les gens sur ce qu'ils sont, etc. T'es une nazie si tu l'aimes pas. » Donc forcément, t'es obligé de l'aimer à la fin. Hein. Voilà. Et pourtant, eux, ils ont choisi Dujardin. Et ben moi, c'est ce qui m'est le plus mal à l'aise. C'est que déjà, ça aurait été un vrai nain ou personne de petite taille, si on veut vraiment être politiquement correct. J'aurais pas du tout ressenti cette gêne. Je m'en fous complètement. Oui, on s'en fout. Voilà, c'est-à-dire que dans Game of Thrones, je m'en fous qu'il soit nain, ça me choque pas. Mais c'est vrai que ce choix est très étrange. Hein. C'est un choix stupide qui dessert complètement le message. C'est vraiment tout le film. On fait que de te dire ne juge pas un homme, c'est pas parce qu'il est nain qu'il est moins bien, mais quand même. problème, tu n'as pas pris un nain pour jouer ce rôle. T'as pris Jean Dujardin. T'as pris Jean Dujardin, c'est parce que les nains ne sont pas assez bons acteurs. Enfin, t'as envie de faire ce genre de raccourci stupide, qui évidemment, c'est pas du tout aussi simple. Mais c'est vrai que du coup, ils n'ont pas réfléchi au fond du film. Mais du coup, ils t'assènent une morale en te traitant presque de nazi, puisque tu n'acceptes pas cette personne-là de petite taille, pendant le film. Mais au final, le réalisateur te montre, bah non, moi j'ai pas pris de nain, ça va pas. Non, j'ai pris du Jardin quand même. Attends, les gars, faut pas déconner. Sérieux, je vais quand même prendre un vrai acteur, je vais prendre un nain. Enfin, voilà. Non, c'est vrai que c'était hyper gênant. Moi, c'est ça qui moi je suis sorti gêné et vraiment, je suis sorti hyper mal à l'aise de ce film. Quoi. Je comprenais pas. C'est-à-dire que l'écriture n'apporte rien, le fait que ce soit du Jardin n'apporte rien, et ce choix est vraiment, pour moi, vraiment catastrophique. Catastrophique. Et vraiment, je sais pas quoi dire. Dites-nous dans les commentaires s'il y en a qui l'ont vu et qui ont ressenti la même chose. Je pense que tu seras le seul hein, quand même. Les auditeurs de Red Cast vont pas voir Je suis très professionnel, je veux voir tout ce qui se fait, excusez-moi. Mais... non, mais vraiment, voilà, le gros malaise sur ce film qui pour moi est une vraie faute de goût. Vraiment, vraiment. Ah, ça m'étonne pas. Bon, voilà, je préférais le dire au moins, c'est clair. On va aller sur d'autres. On va aller vers des bons films. Parle-nous de San Andreas. Ah oui, j'en parle. Oui, un film catastrophe, mais que j'ai pas trouvé catastrophique. Pour le coup, en fait, je m'attendais tellement à un truc pourri. On te l'a bien vendu, disons. Voilà. Et en fait, je m'attendais à un truc. Non, mais en fait, je m'attendais à un truc cheapos au niveau des effets spéciaux. Or, ça reste quand même assez impressionnant. Non, pas trop. Ouais, c'est pas trop cheapos. On sent qu'il y a de l'argent derrière et on voit où ça va. Tout tient à ça, quoi. Ouais, bah ouais, mais moi je m'attendais, tu sais, à un truc voilà, où vraiment ça fait cheap, où t'as vraiment un film de série B que tu vois le dimanche après-midi sur M6, quoi. Non, et quand là, effectivement, tu fais référence notamment, j'imagine, à la vague qui arrive à un moment. Ouais, sur la vague. La vague est très bien faite, quoi. Même la scène d'ouverture quand la voiture tombe et qu'il est. Alors le mec, il fait tout avec son hélico. Par contre, là, c'est un peu. Dwayne Johnson, c'est le mec qui sait piloter tous les types de véhicules. Il s'en fout, lui. C'est-à-dire qu'au début, il a un hélico, il te fait des trucs. À un moment, il y a sa fille qui est coincée dans le parking. Je pensais qu'il allait aller en hélico dans le parking. J'ai cru aussi, Tellement il est fort. Après, il pilote un avion. Il atterrit en catastrophe avec un avion. Après, il pilote un petit bateau. Et alors, le type, c'est là où il y a la vague, tu vois. Il y a eu un tsunami. Et je sais pas comment il fait pour passer avec le gouvernail ou je sais pas si c'est une hélice ou un gouvernail. Alors qu'il y a des débris de bâtiments partout dans l'eau. Ouais, le type, il arrive à passer comme ça. T'as le Titanic à côté qui s'effondre, mais lui, il passe quoi. Il s'en fout, tu vois. Donc, il est de la sécurité civile. Mais le mec, alors déjà, il fait 4m20. Je sais pas comment il est. Il est impressionnant à côté des autres acteurs, en fait. On dirait un type de cul. La comparaison. Toute petite. Il est hyper barré. Il a quoi. Des bras, mais c'est non, mais c'est dans ce film, en plus, ça le voit vraiment, là, il est au taquet, quoi. Et voilà, donc il y a Alexandra Daddario. Alexandra Daddario, notre sponsor officiel. Notre nouveau sponsor officiel, j'ai envie de dire. Une très bonne actrice. Très bonne actrice. Elle est vraiment, vraiment très bonne. Cette actrice. On n'a pas le droit d'en faire la blague qu'on a fait en tête. Non, voilà, donc le film, c'est tous les clichés. Le type, il est divorcé. Il y a des chiens à sauver. Il y a des chiens à sauver. Le type est divorcé. Il a sa fille qui va retrouver. Voilà, c'est complètement les clichés des films catastrophes. Mais En même temps, c'est ce que t'attends d'un film catastrophe. Hein. Oui, c'est ce que t'attends. Mais disons qu'il force pas le trait. Il cherche pas non plus à en faire des tonnes. Il sait qu'il fait pas un chef-d'œuvre, mais en même temps, il le fait bien. Ouais, voilà. Il fait son film comédie. Enfin, il fait son film catastrophe et il le fait, quoi. Voilà. Bah, ça pesantit pas, en fait. pas sur des scènes que t'as déjà vues 100 fois dans des films catastrophes. Moi, j'ai trouvé ça bien meilleur, par exemple, que 2012. Ah oui. Ah bah 2002, ouais, bah, c'était insupportable. Mais bon. Non mais 2012. Ah non, mais c'était plus drôle. Mais je préfère le pic de Dante, par exemple. Ah, mais je me souviens pas trop du pic de Dante. Mais... Ah, moi, j'ai bien aimé le pic de Dante. C'est pas un chef-d'œuvre non plus. Non, mais comparé à San Andreas, je préfère. Si on devait classer. Classons les films. Faisons un classement. Je sais pas si vous savez, mais une suite est en préparation. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il va y avoir un deuxième tremblement de terre, ils ont vraiment pas de chance. Faire, mais ouais, c'est San Andreas 2. Putain, ils ont pas de il va piloter encore plus de véhicules. Non, le seul truc qui est chiant, c'est qu'il y a un scientifique relou. C'est le scientifique barbu là. Moi, c'était le beau-père qui m'a saoulé aussi. Les blagues avec le beau-père. Tu sais, genre les mecs qui sont hyper riches ou je sais pas quoi. Ah oui, il sert un peu à rien ce personnage. Ouais, il sert à rien. Et le scientifique aussi, il est un peu relou là. C'est lui qui me rappelle du scientifique. Bah si, en fait, il arrive à prédire qu'il y a des. Il peut prédire. Il faut toujours un scientifique. Bah oui. Mais personne ne le croit. Voilà, exactement. C'est la question. Il dire les événements sismiques. Voilà, il est toujours là à dire 9,6 sur l'échelle de Richter. C'est énorme, ouais, c'est jamais vu. Je préfère les scientifiques de Transformers qui sortent d'une école de mannequins avec Victoria Secret. C'est plus crédible et c'est plus agréable. Alexandra Daddario aurait pu jouer une scientifique. Ouais, elle aurait pu faire les deux, la fille et le scientifique. La fille scientifique. La fille scientifique. Allez, on va faire deux derniers conseils. Grégoire, tu voulais nous parler de Game of Thrones saison 4. Ah oui. Alors, Game of Thrones épisode 4, très précis, de la dernière saison 6, puisque j'ai eu beaucoup de griefs. Tu vas nous raconter donc cet épisode. Alors, ouais, le spoiler de fou, c'est qu'en fait, en vrai, ouais, j'ai eu beaucoup de griefs sur la saison 6, du coup, c'est ça, ouais, de Game of of Thrones qui est en ce moment, c'est-à-dire les trois premiers épisodes, je me suis dit, ça y est, c'est vraiment terminé. Ils ont touché le fond, ça devient complètement naze et c'est insuivable, enfin, ça devient inintéressant et ça devient chiant, quoi. Vraiment, j'en pouvais plus. Il ne se passe rien, quoi. Il ne se passait rien. Et l'épisode 4, je dois avouer que j'ai retrouvé un petit peu de pas d'amour, mais je me suis dit, ah, ils relancent un peu les histoires. Il se passe des choses. Par rapport aux trois premiers épisodes, il se passe beaucoup plus de choses en 10 minutes dans l'épisode 4. Moi, je regarde pas ton nombre de racontes. 3 heures dans les trois premiers épisodes. Non, voilà. Enfin, juste pour dire qu'on est content qu'il se réinstalle des trucs. J'espère un peu qu'il va se passer d'autres choses. Donc, en gros, c'est pour nos auditeurs. Si vous commencez à regarder la saison 6, sachez qu'à partir de l'épisode 4, ça va bien vous dire. Passer les trois premiers épisodes sans souci. Moi, je suis pas forcément d'accord. Enfin, j'ai un peu peur de spoiler. T'as pas trouvé qu'il se passait un peu plus de trucs quand même dans l'épisode 4? Moi, je trouve que l'arc le plus intéressant depuis le début de la saison, c'est avec le plus jeune fils de Stark, c'est Bran, c'est ça, avec ses visions. Ouais, qu'on n'avait pas vu dans la saison d'avant. Voilà, ouais. Moi je trouve qu'il est toujours coincé à l'arbre. Ils sont vraiment cool. Ah, et là, justement, tu le vois pas dans la saison, dans l'épisode 4. Et, ouais. Mais... Ouais, enfin bon, bref, voilà. Donc, moi, je retrouve un peu espoir. Alors, on parlait d'Alexandra Daddario, et donc, est-ce que tu as aimé la scène finale? J'ai aimé la scène. Ah, pourquoi il y a du boobs? Ouais. Il y a toujours du boobs. Non, mais attends, moi j'avais lu que c'était genre la scène la plus chaude. J'ai lu ça avant. Oh là là, il va se passer un truc. Moi, honnêtement, c'est pas la scène c'est que qui m'a marqué. Moi, ce que j'ai pas compris avec cette scène-là. On n'en dit pas trop, Dima. Ouais. Non, mais l'actrice en question qui se met à poil, elle avait dit qu'elle voulait plus se mettre à poil. Et là. Se mettre à poil, l'expression de merde. Et on va y arriver à la place sur un Daddario. C'est numérique, hein, Dima, pour info. C'est numérique? Ouais, c'est numérique, ouais. Ah, bah c'est pour ça alors. Ah, ouais, c'est numérique, c'est faux. Donc c'est du faux, quoi. Non, mais en plus, quand tu la vois, il y a Moi, j'ai pas trouvé que ce soit la scène la plus importante de cet épisode. Non, la scène la plus importante, on peut pas la spoiler en même temps. Mais bon, voilà. Attends, je crois me souvenir qu'il se met à poil, mais on parle en parlant en rentaire. J'ai trouvé des trucs. Chaque fois sur les réseaux sociaux, c'est incroyable et tout, la fin, c'est méga choquant. C'était pas la fin la plus ouf, quoi. Non, mais l'épisode était pas inintéressant. L'épisode 1, mais pour beaucoup d'épisodes de Game of Thrones, mais à chaque fois, moi, je suis obligé de me remémorer, mais qu'est-ce qu'il y avait de si choquant ou autre. Mais c'est ça, mais c'est un peu devenu une série à twist, à événements, truc qu'on te vend un peu avant de l'avoir vu. Bah, moi c'est simple, je sais pas pour vous, mais le lendemain de diffusion de Game of Thrones, je vais au boulot, style le midi quand je mange avec mes collègues, ça parle que de ça. Même les tables d'à côté, j'entends souvent. J'étais dans un truc, tu sais, genre une brioche dorée, là il y avait des gamins qui avaient une quinzaine d'années qui en parlaient. C'était à l'époque de l'épisode 3, et ils disaient t'as vu l'épisode Les boobs, elle est pas à poil. C'est le même que c'est quand même. C'est la première fois que tu vois ça. Non, mais j'avais l'impression qu'il y avait moins qu'avant, tu vois. Bon bref, bon. Voilà. Et Julien, on va conclure avec Julien, Mad Max. Oui, puisque je l'ai enfin vu, Mad Max Fury Road, puisque tu m'avais déconseillé de le voir. Non, n'importe quoi. Je t'avais dit juste que je ne l'avais pas vu. J'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est un film... ce que j'ai apprécié, en fait, c'est que je trouve que Miller, pour l'âge qu'il a, il a la foi, en fait. C'est-à-dire, c'est un film, c'est à la fois un blockbuster et c'est un film qui dit plus que ça, mais il y a aucun cynisme dans le film. Il y a une énergie, je dirais vraiment la foi. Tu vois, il croit en son film et ça se ressent, je trouve, à l'écran en fait. Et il y a une énergie, un rythme dans le film qui est juste hallucinant. Alors après, il y a des scènes. Je suis un peu plus réservé sur la fin. D'ailleurs, je trouve que c'est une fin un peu à la Game of Thrones, un peu ridicule. Mais tout le reste du film, je le trouve vraiment, vraiment formidable. Quoi. C'est vrai que l'énergie dans ce film, elle est complètement. Bon, il faut que je le vois. Il met une fessée à beaucoup de réalisateurs beaucoup plus jeunes. Ah bah ouais, quand tu vois le Star Wars à côté de la même année, pour moi, c'est... C'était Edgar Wright, le réalisateur de Shaun of the Dead, entre autres, et plein d'autres films, qui avait sorti sur Twitter. Après avoir vu le film, mais enfin nous, les autres réalisateurs, comment on va faire quoi, pour se mettre à niveau quoi. Et d'ailleurs, Stan, toi, t'avais vu le début, t'avais pas trop aimé, alors que non, j'avais vu 10 minutes, je trouvais ça kitsch, j'étais pas dans l'humeur. Mais moi, j'ai adoré le début, justement, je trouve qu'ils arrivent à. Tu te mets dans le film tout de suite. Voilà, c'est le mec qui est couvert de talc que j'ai pas compris ce que c'était. Enfin, tu vois, Mais il faut suivre le film. C'est le problème d'un film, c'est que souvent ils expliquent les choses. Oui, mais j'étais pas dans l'humeur. C'est juste il faut que je le regarde. En fait, t'as un background qui est hyper complexe et il arrive en 10 minutes à tout t'expliquer et tu comprends ce que font les personnages, quelles sont les motivations, sans vraiment te l'expliquer. Mais t'arrives à comprendre ce que fait Furiosa, pourquoi elle fait ça et tu comprends tout hyper rapidement, rien que par l'image. En fait. C'est là où c'est fort. Ouais. Voilà. Bon, il faudra que je me le mate alors. Hein. Ah oui. Mais bon, si je commence à dire il va falloir, c'est mal parti. Hein. Bref. Ah ouais, te force pas. Hein. Non, je regarderai un jour où j'ai envie. On va parler rapidement des sorties ciné, on est très bavard ce soir, décidément. Ouais. Le 18 mai, qu'est-ce qui a retenu? Dim, qu'est-ce qui retient ton attention le 18 mai? Alors, j'ai retenu qu'un seul film, Étonnant. X-Men Apocalypse. Ouais, Hein, bah ouais. ça vous étonne pas vraiment, je pense. Moi, j'avais beaucoup aimé les deux premiers de la nouvelle trilogie, hein, X-Men First Class et Day of Future Past. Celui-là, je vous avouerai que je l'attends un peu moins, quoi. La bande-annonce, elle m'a pas trop ouais, elle était emballé. Moche, la bande-annonce. Hein. Elle est moche, ouais. Les effets spéciaux. Pourtant, je trouve que les effets spéciaux dans les X-Men, c'est toujours quand même plus ou moins soigné. C'est pas non plus trop mauvais, mais alors là... Je sais pas, je trouvais que les couleurs étaient ultra criardes. Enfin voilà, on voit bien les images de synthèse et tout. Le dieu, il a l'air ridicule avec sa grosse voix. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, quoi. C'est le problème aussi. Apocalypse, là, et putain. Ah ouais, non, mais le méchant, la première photo que j'ai vue d'Apocalypse, la première fois que j'avais vu son visuel. Ah, on voulait pas y croire, On m'aurait dit que c'était une photo de Power Rangers, le film, bah je l'aurais cru. Ouais, on croit un homme poulpe, hein, je suis d'accord. Bon, après, c'est Oscar Isaac qui l'interprète. Bon, c'est quand même un bon acteur, quoi. C'est pas non plus. Ça pas Michael Dudikoff, quoi. Mais... Ça fait pas tout, hein, honnêtement. C'est vrai que ça fait un peu cliché, ça fait un peu série B, là, presque. Hein. On en reparlera rapidement, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai l'impression que c'est un peu le X-Men de trop. Enfin, toute la bonne annonce, surtout, comme je disais, j'ai revu les deux premiers il n'y a pas longtemps. J'ai l'impression qu'il en dit pas plus que les deux premiers, quoi. Donc, ouais, même les acteurs commencent à en avoir marre. Là, tu commences à lire dans les interviews de Fassbender, il commence à cachetonner avec ce truc-là. Il le dit cache, tu vois. Il dit on se sentait ridicule avec nos costumes. Ça commence à être mauvais quand il commence à dire comme ça les trucs comme ça, les acteurs. Même là, quand j'ai enchaîné les deux autres, entre le First Class et Day of Future Past, je trouve que dans son interprétation, il y a déjà une différence, quoi. Il était largement plus impliqué dans First Class, je trouve. Clairement, ouais. Et il était bien First Class. Ouais. Ouais, c'est clair. Oui, celui qui revenait. Ouais, au début, c'est le premier de la nouvelle trilogie. Ah, d'accord, oui, il était bien. J'ai remarqué d'ailleurs, le 18 mai, il n'y a rien au cinéma à part X-Men et Julieta. Ouais. Mais c'est vraiment le désert complet, il n'y a quasiment aucune sortie. Ouais, tout le monde doit avoir sorties. Peur de ce film-là, en fait. Ils ont dû éviter. C'est une histoire de coïncidence avec Cannes aussi, hein. Tu sais, il y a eu beaucoup de sorties. Bah, je sais que souvent, quand il y a un gros blockbuster qui risque de rafler les entrées, les petits films se placent autrement. Hein. J'ai vu que vous aviez mis un film là, ouais, Julieta, c'est la suite de Violetta ou c'est quoi? C'est la tante. Ah d'accord. Donc non, tu veux en parler de Julieta? Vas-y. Bah, Julieta, c'est le nouveau film de Almodovar. Mm-hmm. Moi, j'avais pas vu Les Amours. Les Amants Passagers. Les Amants Passagers, les qui Amants apparemment n'étaient pas. Je l'avais pas vu non plus. Mais voilà, là apparemment, il revient plus à ses portraits de femmes, donc à des films comme Parle avec elle, comme Étreinte brisée, comme Volver, qui pour moi sont ses meilleurs films. Je suis pas un fan du Almodovar du début, l'Almodovar un peu. Trash. Plus trash, plus complètement excité. J'aime bien. Je suis d'accord avec toi. Après, quand il va dans le Talon aiguille, à partir de Talon aiguille, il est bien. Moi, c'est vraiment à partir de Tout sur ma mère. Ah, Tout sur ma mère, c'est... Qui est très très beau aussi. Et j'adore Étreinte brisée, qui est un de mes mélos d'Almodovar préférés. Et voilà, là, par contre, la bande-annonce m'a laissé un peu perplexe. C'est-à-dire qu'on comprend pas grand-chose. Je suis d'accord avec toi. On voit, ça a l'air très très beau, toujours, voilà, il y a toujours des plans magnifiques. En gros, il nous vend des femmes, quoi. Voilà, il nous vend des femmes. Je veux dire, la bande-annonce vend des femmes et tu comprends même pas ce qui se passe. Mm. Qui est Julieta par rapport à l'autre personnage. Il y a une mère et sa fille. Quoi. Il y a une mère et sa fille. Mais voilà, je trouve que la bande-annonce, soit elle est mal faite, soit elle essaie juste de vendre un portrait de femme, comme tu dis. Mais voilà, comme il revient à ce cinéma-là que moi j'aime beaucoup chez lui, j'ai vraiment envie de le voir. Quoi. C'est vrai, moi aussi. Puis la pielle qui est à Beito, c'était son... C'était bien, ouais. Dans une j'étais un peu déçu, moi. Mais... Ah, moi j'ai bien aimé, mais dans une veine un peu différente. J'attends tellement qu'il refasse des talons aiguilles tout sur ma mère. Ouais, la pielle qui est à Beito, c'était un film assez froid, assez clinique. Après, c'était du bon Almodovar quand même, mais j'étais un peu déçu. Bon, Julieta à voir. Hein. C'est vrai, comme toi, j'ai pas compris grand-chose, mais je vais aller le voir quand même, je suis curieux. La semaine suivante, le 25 mai, Grégoire, avant de t'endormir. Oui, je suis pas loin. Je vois ça. Tu veux nous parler de Joyeuse fête des mères. Voilà, d'un bon film. Joyeuse fête des mères. Je me suis dit que Florence n'était pas allée au cinéma depuis longtemps. Pour la sortir un peu, là. Pour la sortir un peu. Heureusement qu'elle ne m'écoute pas. Hein. Donc voilà, c'est le réalisateur de Pretty Woman et de cette immondice de. Comment ça s'appelait déjà Valentine's Day. Valentine's Day, qui était peut-être un des pires films que j'ai jamais vu. C'était une daube monstrueuse. Mais je pense que c'est pareil, ça. Je pense que c'est un peu pareil. Ouais. Je pense qu'on va y aller pour voir un peu Julia Roberts qui vieillit pas alors que Jennifer Aniston à côté prend bien cher. Mais elle se fait tirer, Julia Roberts? Je pense qu'elle se fait tirer. J'espère pour elle, écoute. C'est tout ce que je lui souhaite. Ah les gars, on peut rien dire. Bon, tu me vires cette manière et tu me mets Julia Roberts qui se fait tirer. Entre c'est très sur les Robert aujourd'hui. Mais je trouve que je vois pas trop. Non, enfin bon, bref, ce film a l'air d'être moyen. Ah ouais, non, ça a l'air mais j'irai le voir, moi. Est-ce que t'as compris la bande-annonce? À chaque fois, ils disent Machin est une femme. Ouais, qui sait. Non, c'est vrai qu'on sait pas. C'est trop. Un film choral, c'est tout ce qu'ils veulent dire. C'est un film choral, un peu comédie romantique. Il y a Kate Hudson que je trouve toujours. Qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Bon, voilà, bon, ça a l'air quand même. Donc, il y a ce film-là, il y a un fameux Warcraft. Surtout, ouais. On a besoin d'en dire plus pour Warcraft. Non, je pense qu'on ira le voir. Dim, tu voulais ajouter autre chose sur Warcraft? Bref, bah non, mais la bonne annonce, elle m'a pas convaincu. Je trouve que, enfin, beaucoup d'images de synthèse, les orques. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je les trouve trop moches, quoi. C'est clair. Oui, oui. Alors, je sais pas, moi, pareil, je connais pas trop le jeu, mais je sais pas, par exemple, quand tu vois ce que fait un Peter Jackson, et puis là, enfin, je trouve ça hyper moche. C'est cheap, hein. Puis bon, voilà, il y a une règle à Hollywood, c'est tu mets du Prodigy dans ta bande-annonce, bon, ton film, il n'est pas terrible, quoi. Donc... c'est un symbole. Voilà. C'est comme du Kanye West. Voilà, c'est exactement. De la merde. Bon, on en reparlera dans deux semaines. Quand... Hashtag la critique de Dib. Hashtag la critique, Dib. On en reparlera dans deux semaines quand vous l'aurez vu. Julien, Dim aussi, puis moi, on voulait voir Elle de Paul Verhoeven. Julien, qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? J'ai trouvé la bande-annonce assez intrigante. Donc, je ne sais pas si le film allait complètement se ramasser et se planter et partir vers un truc ridicule, ou s'il allait réussir à tenir cette espèce comme ça de... Bah, en fait... dedans, on comprend que quelqu'un s'introduit chez Isabelle Huppert, qu'il y a une histoire de viol, mais ça a un ton qui n'est pas du tout... Enfin, après, tu as l'impression que ça devient un peu une espèce de femme guerrière, un peu warrior. Moi, j'ai cru comprendre qu'elle devenait d'info, du coup, après. Bah, on ne sait pas trop, mais voilà. Disons que ça peut se barrer dans un truc complètement stupide. Parfois, ce qu'a fait Verhoeven, hein, on se rappelle de Showgirl, on se rappelle de Basic Instinct, et à côté, il y a des grands, grands films de Verhoeven. Voilà, je ne sais pas trop, ça m'intrigue quand même. Je trouve que le film a quelque chose qui me donne envie de voir. Enfin, le bon Verhoeven, entre guillemets, des années 80. On l'a un peu perdu, j'ai l'impression. J'avais bien aimé un de ses derniers films qui s'appelait Black Book. Black Book, c'était avec Candice, d'ailleurs, Candice Van Houten qui est dans Game of Thrones. La femme en rouge. Ah oui, c'est elle, moi j'avais même pas reconnu, putain. Ah, c'est elle. Ah bon. Et donc le film dans Black Book était vraiment un très très bon film, mais voilà, ouais, après Verhoeven il est assez inégal comme. Moi, il y a aussi Huppert que j'aime beaucoup dans les films, qui je trouve qu'il joue toujours mieux avec des réalisateurs étrangers. Chez Haneke, elle est troublante et alors que ça fait pas un peu penser à ça là, ça fait pas penser au film d'Haneke. Un peu Haneke. C'est ce que j'allais dire. Ouais, putain, moi je me suis dit mais c'est un remake ou quoi, la pianiste. Non, il y avait la pianiste et il y avait un autre film. Funny Game. Où elle jouait avec Daniel Auteuil, c'était. Dans une maison là. Non, ils étaient filmés. Ah oui, ouais, un film où ils étaient filmés, ouais. C'était hyper bizarre, je me souviens de ce film. Avec une caméra, non. C'était diffusé dans la salle, non? Non. Avec un écran. Essayez de parler un peu de façon culturelle avec des gens. Bref, on va parler de son Andrés. Est-ce qu'il y avait Alexandre Dario? Je savais même pas qu'il faisait un film, Verhoeven. C'était vraiment la bonne surprise. Il est à Cannes, d'ailleurs. Ouais, c'était assez discret pour lui. Il a pris un sacré coup. Il y a Virginie et Fira aussi. Ouais. Non, mais je vous le dis, dans le film contemporain. Ok, d'accord, j'aime pas. Et Laurent Lafitte. Oui, j'ai vu son nom, mais je ne l'ai pas vu. En fait, c'est un film comique, en fait. On va se marrer, en fait. Non, Virginie Fira, on ne la voit pas. Non. Mais Laurent Lafitte, moi, je trouve qu'il joue très bien. Oui, c'est un bon acteur. Il prend les colibés de beaucoup de gens. Bref, oui, Greg est pressé d'aller se coucher. Men in Chicken, j'ai vu la bande-annonce, je suis pas convaincu. Ah Julien. Si, Dim, tu vas en parler avec Mads Mikkelsen, ça a l'air complètement voilà. Barré. J'ai pas vu la bande-annonce, mais bon, ouais, les films danois de Mads Mikkelsen, c'est toujours quelque chose, que ça soit Les Bouchers Verts ou... Les Bouchers Verts, quand même. C'est, ouais. Bah, c'est le même réalisateur, je crois. Oui, c'est le même réalisateur. Là, tu comprends pourquoi ça s'appelle. J'ai vu aussi Adam Sappel, qui était exceptionnel, non. Qui est un peu moins connu, peut-être. Et là, il y a un truc avec des poulets, il faut voir la bande-annonce. Hein, la bande-annonce est drôle, mais j'ai peur que le film soit. Ouais, ça fait. Ou... Non, ça a l'air. C'est trop barré. À la fois très nordique et un peu aussi une ambiance un peu à la Kusturica, ce côté un peu complètement barré avec des personnages. À la rigueur pour Matt Mikkelsen. Ouais, qui en même temps. Qu'on reconnaît pas. Qu'on reconnaît pas, non. Mais c'est un très bon acteur. Ouais, il a vraiment une tête improbable dans le film. Oui. Dernier film moi, qui m'a attiré mon attention, mais c'est à cause grâce à Eli Shouraki plutôt, L'Origine de la violence. Ah ouais, Eli Shouraki, il est capable du meilleur comme du pire. Hein. Enfin, il a fait vraiment des grosses merdes, mais il a fait Les Marmottes que moi j'adore. Il a fait Harrison Flower, qui est un très très beau film. Je trouve que L'Origine de la violence a l'air d'être un film plutôt intéressant, bien que j'ai peur qu'il tombe un peu dans des trucs un peu politiquement corrects et chiants sur l'Holocauste et ce genre de choses. Je suis curieux de le voir pour voir s'il tombe pas dans les pièges, justement. Ouais, c'est un peu un robinet. C'est un film sur l'Holocauste, en fait. Ouais, c'est un jeune étudiant qui découvre que son grand-père a été dans les camps de la mort. D'accord. Et son père a l'air de faire un déni de tout ça. Okay. Voilà. Mais j'en sais pas plus, la bande-annonce est un peu confuse. Ouais, c'est un peu casse-gueule comme sujet. Quoi. Voilà, c'est un peu casse-gueule. Je trouve qu'il avait été très bien dans Harrison Flower. Il avait fait vraiment traiter ça de façon très subtile, le traumatisme de la guerre. Je veux voir ce qu'il fait avec ce sujet-là, casse-gueule. Voilà, on a tout dit pour aujourd'hui. Ouais, t'as pas de sortie jeu vidéo. Non, j'ai pas noté les sorties jeux vidéo. Ah oui, alors, merci Grégoire de me le rappeler. On a un magnifique Amiibo Boxer. Lucario. Lucario. Boxeur. Oui, bah. Lucario. Ah, il y a une pose de boxeur, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Lucario a gagné. Venez vous faire un petit commentaire sur Upcast. Vous dites, on veut l'amiibo. Et puis, dites-nous qu'on n'est pas des beaufs. Faites des compliments, faites des choses. On l'est quand même. Hein. Oui, on l'est quand même. Pas grave. Non, puis voilà. Puis on fera un tirage au sort s'il y en a plusieurs qui sont intéressés. Ouais, vrai, sinon, je vous l'envoie. Ça va être dur de nous défendre après tous les trucs sur Alexandra Daddario. On est un peu des beaufs. Là, quand même. Honnêtement, là. Les gars, là, je me sens vraiment. On est fatigués. On est des beaufs ce soir. Ainsi se termine Upcast. 30e du nom. Oh, n'oubliez pas de venir 30. Nous mettre des petites étoiles ou des commentaires sympas sur un podcast de iTunes. On va renommer le podcast, je crois. Beaufcast. Beaufcast. Oh, non, les gars, c'est pas possible. On est de temps en temps sur Twitter. Pas souvent. Arrobas Upcast France. J'ai pensé à un truc pour Twitter, mais je vous le dirai en rentrée. Oui, t'as déjà dit ça la semaine dernière. J'ai oublié. Bon, en fin de musique, on écrit quoi? Attends, je t'ai dire qu'on a un site qui s'appelle upcast.fr sur lequel vous pouvez nous mettre des commentaires et on les lit, on répond. On est toujours content d'avoir des retours, même si c'est pour nous traiter de beauf. On est vexé. Hein, c'était une blague. Hein, pour, mais oui, je taquine, j'ai pas le faire. On sait, blague, bon, il aura pas son amiibo, il en aura pas son amiibo. Après, on va pas se mentir, les gars. Oui, on sait ce qu'il en est. Il faut regarder la vérité au fond des yeux. Hein. Upcast.fr, vous pouvez retrouver notre podcast à télécharger en MP3 si c'est plus facile pour vous. Vous pouvez l'écouter. Il y a un chapitrage, un léger chapitrage qui peut vous aider à sauter d'une rubrique à l'autre. Il n'y a plus de bannière, d'ailleurs, j'ai vu. Maintenant, c'est plus qu'une image, ouais. C'est plus fixe simple. Que je change de c'est plus temps. Rapide, ouais. Mm. On va écouter un petit morceau de musique pour ceux qui étaient en musique. Qu'est-ce qu'on a choisi alors du coup ? Qu'est-ce qu'on a choisi ? Ah, c'était moi. Ça sera le. Je ne sais plus le nom du titre exactement, mais ça sera le premier morceau du dernier album de Fat Freddy's Drop. Tu veux que je regarde tout de suite en direct live ? Ouais, tu peux regarder. Donc Fat Freddy's Drop, c'est un groupe néo-zélandais qui mélange un peu à la fois le reggae et l'électro. Alors moi, je déteste le reggae, hein, tu le sais, alors, Dimitri par exemple. Based on a True Story. Non, ça c'était leur premier album, c'est pas celui-ci. Hein, donc voilà. C'est celui-là, c'est Baze, il s'appelle. Et on va écouter Werunga Blues. Waouh, alors comment je Werunga Blues. Werunga de Fat Freddy's Drop. Donc, c'est un mélange entre, ouais, comme je disais, on est entre de l'électro, du reggae, un peu de jazz. Il y a des beaux cuivres assez doux. Voilà, c'est un morceau assez original. Et puis, bon, plus globalement, je vous conseille d'aller quand même écouter un peu du Fat Freddy's Drop, qui a des morceaux assez complexes, assez jolis, notamment leur premier album, Based on a True Story, qui a des morceaux absolument magnifiques entre électro. Et reggae avec une belle complexité et des beaux développements. Donc voilà, on va écouter un des morceaux de ce dernier album. Enfin, je crois qu'il fait 5-6 minutes, ouais. Mais il y a certains morceaux de Fat Freddy's Drop qui peuvent être un peu plus longs, hein. Parfois ils prennent leur temps, ils peuvent prendre 10, 15, 20 minutes pour développer un morceau en profondeur un peu entre le jazz et l'électro. Et parfois quand on les voit en concert, ça se mélange un petit peu, c'est assez joyeux tout ça. Et si et on le très, très pas, bon si on trouve pas, ça sera du Michel Sardou, hein. Et si on le trouve pas, ça sera Michel Sardou, j'ai peut-être un Femme live, je vous aime, je sais pas, Julien Clerc, quelque chose. T'as peut-être un live, les lives sont très bons, on verra, on trouvera quelque chose. Ok, bon, sur ce, on vous souhaite de très bonnes semaines. Ouais. Voilà, portez-vous bien. Allez au cinéma, ouais. Jouez aux jeux vidéo. Et venez mettre des commentaires. On vous embrasse et on vous souhaite de très bonnes semaines. Salut les gars. Salut, salut à tous. À bientôt, salut. How's everybody in the house feeling tonight? We feeling good? Yes. I just want to thank everybody for turning up tonight. Hey, it's a sold out show. And it has been sold out for a long time. Berlin, so good to be here. So good to see our friends and family. This is always high on the list when we're touring here in Europe. And it's just so good to see you all here tonight. How are we feeling out there, Berlin? You feeling good? Alright. This is a new song from the new album, Baze. It's called White on the Blues. Y'all make some noise for the horn section over here. Fat Freddy's Drop horn section. Make some noise. Make some noise. Telephone ring. the dip, you watching me. Watching, but their eyes can't see. I know that they be watching me, but there's nothing that I can do. Strange, ain't nothing so new about. See you acting.